yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days, I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization. And I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately, you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high expectations. Last night, I came to a realization. And I hope you could take it. I hope you could take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. Que tu faisais des trucs, bah, qu'il y a quelqu'un dans ton rêve qui était, bah, on peut le dire, chauve. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va, Romano, sinon? Ouais, ça va bien. Marie, tranquille. Un peu traumatisée, Romano, ça va. Pour l'instant, tu vas voir quand elle va raconter le rêve, dans un instant, ça ira peut-être moins bien. Cédric, bien aussi? Ouais, ça va, nickel. Karim, il est là. Ouais, je suis là, Marie. Et Samy, il est là. Ouais, tranquille. Et pensez à Momo qu'on retrouvera dans cette spéciale. Ouais. Dans l'émission, ouais. Ça nous a permis de le retrouver cet été et ça nous a fait bien plaisir. Donc, Momo, on le retrouvera aussi dans cette spéciale d'ici minuit. Et bah tiens, on va commencer avec toi, Marie, avant d'accueillir Nico qui arrive là. On commence avec toi. Tu vas nous raconter ton rêve. Allez, attention, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Et puis vous pouvez nous dire. Et puis après, on reviendra à la sélection de la Marie. Mais sur les, je me souviens que d'un bout, les joueurs de l'équipe de France. Est-ce que c'est un rêve genre sexuel avec Romano? Obligé, gros. Alors, pourquoi voici. Oh, putain, je la parce que t'as pas dit non déjà. Mais je la niquais, mais. Je dis rien pour vous laisser répondre. Alors, écoutez bien. Non, mais tu vas nous raconter, Marie. Ah, bah, je vais raconter. Parce que tu l'as raconté hier soir. Les membres de l'équipe, t'es au courant, hein, Karim? Ah non, je n'ai que je n'écoute pas. Ah, je suis pas au courant. Ah, t'es pas au courant. Ah, non, mais moi aussi, ouais. Romano, tu sais, toi. Ah oui, je sais. Bah ouais, parce qu'elle me l'a raconté. Je la raconte à Romano. Et Cédric, tu sais ou pas? Non. Je sais pas. Putain, mais. Pour moi, je suis rien. Alors, voici donc le rêve de la Marie ce soir. Raconte-nous ton rêve. Il est horrible en plus. Non mais écoute, j'étais en vacances avec Romano, alors je sais pas pourquoi. Normal. Ouais, normal. Mmh. Je sais pas, c'était dans une maison, il y avait une piscine et autour de la piscine, il y avait des enfants qui étaient allongés sur le ventre. Et en fait, Romano marchait sur la tête des enfants. Voilà, et je me suis réveillée à ce moment-là. C'était pas un rêve. Non mais j'ai trouvé ça très bizarre, mais je sais pas. J'en sais rien, mais tu sais, les rêves, tu sais pas d'où tu viens, je sais même pas où on était, je sais pas pourquoi j'étais en vacances. Que je me suis couché bourré. Hein? Quel ouais, bourré. Ça, oui, ça, c'est pas faux. Mais tu marchais sur les cheveux. Ils étaient contents, les enfants. Je ne connais pas la suite. Mais dans quel lieu de vacances? Je sais pas où j'étais. C'était une maison. Mais il y avait une belle piscine. Ouais, c'est, et les enfants étaient autour de la piscine. Autour de la piscine, il y avait des enfants. C'était le sol. Ouais, c'était un peu le sol pour Manon. Il marchait dessus. Et bah ouais, je voulais pas me mouiller les pieds. C'est ouais. Ça. Et est-ce qu'il était content? Bah écoute, je sais pas. A priori, en tout cas, ça le traumatisait pas. Tu sais pas s'il était content? Est-ce non, mais il était pas traumatisé, hein, il marchait tranquillement. Est-ce qu'il souriait en faisant, je sais pas, par exemple. Beuillant en écrasant la tête des gosses. Beuillant. Il n'y avait pas de beuillant dans il envoie là un autre, il faisait. Bonjour le gosse. Bonjour. Non, mais je me souviens juste que je le gueulais dessus, moi. Tu gueulais sur Romano? Ouais, je lui disais, mais fais attention, tu marches sur des têtes. Et là, il disait quoi? Ah mais rien, je te dis, je me suis réveillé à ce moment-là. Non, je sais pas si on s'est embrouillé, si tu t'es arrêté ou pas. Alors il y a Simba qui nous dit c'est l'alcool. C'est la... Ah ouais, c'est comment? Ça vient de l'alcool. C'est vous croyez possible, que ça mais vient j'ai pas vu Romano ce week-end, donc je sais pas pourquoi j'avais lui. Ouais, ton cerveau il a purgé un truc. Ouais, mais j'ai bien compris. Marie, ton petit manège. Je crois que Marie, elle a envie que je la tamponne. Ouais, t'as raison. Tu crois, Romano, qu'elle veut... Ouais, mais c'est l'effet gigoté, ça. Je l'ai raconté à mon mec en me réveillant, il m'a regardé, il me fait... Oh. Tu veux pas un café? Non, donne-moi une bière. Ouais, qui est con, celui-là, il faut café. Donne-moi une bière. Allez, vas-y, fais péter. Non, mais je crois que tu lui ai fait peur. Bon, quel est le rêve le plus fou que vous avez fait pour rassurer la Marie? Faut aller voir un psy, on nous dit là tout de suite. Hein. Merci pour le message d'Axel. Ouais, c'est bizarre. Bon, quel est le rêve qui vous a mis mal ou un rêve que vous avez trouvé particulièrement bizarre? Vous avez réveillé un truc, vous nous faites signe. Dans l'équipe, commencez à réfléchir aussi si vous avez fait des rêves un petit peu. Moi, j'ai déjà rêvé de vous. Chelou. Moi. Un petit peu chelou. Bah, tiens, si vous avez rêvé à d'autres membres de l'équipe, par exemple. Non, ouais. Ça m'a dit. Moi, c'était pas un rêve de cul, hein, je précise. Hein. J'espère. J'espère, on espère tous. Vous étiez chelou. Enfin, Romano et Diffoul, vous étiez chelou dans mon rêve les autres. Bon, normal, tu vois. Ah, Romano, c'est pour nous. Ah, ce ah ouais, mais vous étiez chelou, gros. Il y a que moi qui m'en rendais compte, en fait. C'est très bizarre comme rêve. Tu nous expliques tout, Samy. Donc vous aussi, vous allez pouvoir nous dire. Dès maintenant, on vous attend en direct sur le 41759, le skyrock.fm, l'appli Skyrock, les réseaux sociaux, vous faites tout péter, et au 01 53 40 30 20. Ouais. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va accueillir justement tout de suite le premier de la soirée, Nico, 17 ans de Caen. Salut Nico. Salut Nico. Salut Nico. Coucou. Salut Nico, comment ça va? Ouais, Nico. Salut Nico. Ça va bien et vous? Eh ben écoute, ça va bien. Diffoul, avec Diffoul, samedi, on a rendu honneur à ta région, on a bu du Calvados. Oui. Ah ouais? Oh putain. Ça m'a démonté la gueule. Non, mais ce truc, ça brûle le bide. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ça, ouais. Ça sert à déboucher les chiottes également. Ah ouais, non, mais ça brûle l'estomac, laisse tomber quoi. Ah, mais il était bien bon. Hein. Ah, il était bien bon, après tu marches plus droit et c'est vrai qu'il y a le bide qui te brûle après. C'est ça. C'est le calva. Bah, bon calva à toi, Nico. Ouais. Bienvenue, Nico. Ah, putain, tiens, moi je revois bien un petit là, tu vois. Ça tombe bien, Romano. Marie a tout bu. On en a plus. J'ai tout bu. Tout vide. Alors, Nico, t'as un service à nous demander. Écoutez bien, dis-nous, Nico. Ouais, j'ai besoin de vous, là. En fait, tu vois, genre, j'ai une meuf depuis 3 mois. T'as quel âge, toi? T'as 17 ans, c'est ça? Moi, j'ai 17 ans, ouais. Ta meuf, elle a le même âge que toi? Ouais, elle a 16 ans, ouais. D'accord, pareil. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Wow. Y a un an d'écart. Écoute, bien joué, Romano, bien joué. Ouais, oh, quel mental. Je suis en train de sur mes doigts, là. J'ai pété la science un peu. Il est trop fort. Voilà, donc vous avez tous les deux un an d'écart. Bien vu, Romano. Eh ouais. Vas-y, il a fait juste pour ça. Ça t'a impressionné, d'accord, mais. Il savait pas, il a pas réussi à faire ça. Ça restera comme ça, vie. Ah non, il est trop intelligent, vous avez vu. Vas-y, ne te laisse pas déstabiliser, Nico, continue. En fait, tu vois, ça fait 3 mois que je suis avec, tu vois. Et genre, maintenant, tu vois, j'ai envie de lui mettre, tu vois. Mais je sais pas comment lui dire. Ah, d'accord. J'ai envie de lui mettre, mais c'est clair. Ah, c'est sa bite, Marie. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, tu peux le dire autrement. Le biscuit, voilà. J'ai envie de lui mettre. J'ai envie de tremper le biscuit, comme on dit. J'espère qu'elle écoute pas, parce qu'elle va être contente, tiens. Bah, j'espère qu'elle va être contente. Ouais, ouais, bah, c'est très romantique. Bah, c'est pour lui faire plaisir. J'ai envie de lui mettre. Et pour te faire plaisir à toi aussi, hein. Ouais, ouais. Ah, ouais, bah, ouais. Trois mois de relation. Et, elle est vierge, elle a déjà fait ou pas? Ouais, elle est vierge, ouais. Elle est vierge, donc tu vas être le premier à lui mettre, comme tu dis. Ah oui, ça va être. Joliment. Et si romantiquement, moi, je trouve ça. Ah ouais. C'est ça. Émouvant. Ça va être plus compliqué quand même, si elle est vierge, hein. Pourquoi? Mais elle a déjà fait des trucs? Non, elle a jamais rien fait. Mais genre, elle t'a jamais sucé ni rien, quoi. Ah, Romano va te faire la liste. Voici le menu de la soirée. Non, mais vous en êtes tous sexuellement. Vous avez fait quoi ensemble jusqu'à maintenant? Rien du tout. Rien, mais genre, tu lui as pas mis de doigt ni rien? Non, rien du tout. Ah bah avant le biscuit, comment ça lui mettre un doigt? Ouais. Tu l'as ploté un peu? Non, non. Ah non, ouais, rien. Là, tu pars de... Vous roulez des pelles, je traduis, tu comprends pas. Parce que Romano est très intelligent, mais on ne comprend pas tout ce qu'il dit tellement qu'il non, est intelligent. C'est clair. J'ai remarqué un truc, Nico, depuis le début, ne me répond jamais. Je crois que Nico ne t'aime pas. Il a un truc pour parler. Ah ouais, mais je fais ce que je peux. Hein. En fait, tu lui rouler des pelles, tu lui fais rien, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah ouais. On part de loin, là. T'as vu, c'est ça? C'est ouf. T'as rien vu du tout? Rien du tout. Rien du mais tout. C'est quoi, t'as essayé et elle te repousse ou t'as même pas essayé de genre lui ploter un peu les seins? Non, j'ai pas essayé, tu vois. Ah, oh, moi j'ai essayé. Bah, il faut commencer par ça. Déjà. Ouais, essaye. Bah, ouais, parce que toi tu mets les trucs à l'envers, genre tu as jamais caressé les seins et tu veux lui mettre le biscuit comme ouais, tu l'as dit clair. Si joliment tout à l'heure. Tremper le biscuit. Tu veux tremper le biscuit. Quoi, comme tu disais, oui. Voilà, ou lui mettre tout court. Ouais. C'est charmant. Ouais, au bout de 3 mois les filles, vous trouvez que c'est assez, pas assez quand on est vierge, hein, on prend la même histoire que toi. Après, ça dépend des filles, sans doute. Bah, ça dépend, ouais. Puis si elle a rien essayé de faire, si elle t'a pas laissé lui ploter les seins, tout ça, c'est qu'elle est pas prête, hein. Bah, en même temps, t'as jamais essayé, donc tu sais pas, pour un peu, elle dirait rien, hein. Elle serait peut-être même contente. Ouais, mais elle prendrait peut-être une initiative au final, non? Marie, ton premier mec avec lequel t'as couché, t'étais sorti combien de temps avec? Attends, je calcule. 2h30. Non, 4 mois. 2h30, 3/4. 4 mois. Non, 4 mois, ouais. 4 mois? À peu près, ouais, je dirais. Parce que c'était l'été. Ouais, 4-5 mois, ouais. Si elle est comme la Marie, bon, bah, il faut encore attendre un mois et après, c'est bon, Nico. Ouais, c'est bon. Non, elle est pas comme Marie. Ouais, bah voilà, c'est ça le truc. Elle est pas comme Marie. C'est ça le problème. Karim The Best, il nous fait, c'est pas assez, 3 mois, il est malade, lui. Attends le mariage pour Ben C. Bah, super message avec 3 points de suspension derrière. C'est bon courage. Ah, c'est pas le mariage, mais t'es tu attends un petit peu, à mon avis. Il y a Shay, qui est une fille, elle a 19 ans, elle fait, nous, on l'a fait au bout de 2 mois, Shay. Quand t'es vierge, 3 mois, ça le fait. Pour Lindsay, une fille. C'est marrant, les filles, là, sur les 4 messages que j'ai lus, les 4 messages à la suite, là, que j'ai lus, là, d'un coup, vous êtes plus rapide que les gars. Non, marrant, tout dépend de la nana. Hein. Il a la dalle, le man. Oui, ça c'est possible. Lazy qui nous l'a sorti. Ouais, je veux pas la forcer quand même. Non, c'est pas possible. T'as bien raison. Ouais. Pour une vierge, 3 mois, c'est pas assez. Elle attend le bon. Ah, il faut que tu lui prouves que t'es le bon. T'as ce message de Fat de Louche. Ouais. Enfin, pas bête, Fat de Louche. Ça, je suis d'accord. Faudra bien qu'elle y passe. Explique-lui ça. Des messages d'Eminem, 19 ans. Ma chérie, je t'explique. Faudra bien que t'y passes. Bon, ouais, c'est une façon de voir les choses. Autant y aller maintenant, autant que ce soit avec moi. Il est moi j'avais attendu un an et demi. Hein, un an et demi. Ouais. Ouais. Non, c'est beaucoup. Ça, c'est long quand même. Bah ouais. Non, mais à la base, elle voulait pas avoir le mariage. Ah bah ça, oui, on la comprend. Toi, un an et demi, tu penses, c'est pas possible, toi, c'est trop long. Non, c'est trop long. Gaba, lui, il est sorti un mois avec une meuf et c'est elle qui a voulu le faire. Qu'est-ce que je disais, les filles? Vous êtes bien ce soir? Enfin, bien, vous êtes rapide, plus rapide que les gars. Vous êtes bien. Non, mais c'était. Je voulais vous féliciter pour ce début d'émission. Je félicite notamment la meuf de Gabin, là, qui vient de nous laisser un SMS du 56. Merci à toi, Gabin. Eh ouais. 41759, skyrock.fm, si vous voulez réagir en direct, si vous voulez nous dire, là. Moi, je serais toi, je tenterais des approches, hein, genre lui toucher les seins, tout ça. Voici donc, tout de suite, vous les conseils des lovers. Commençons par Romano. Attention, la classe. Alors. Non, mais moi je tenterais, tu vois, je sais pas, genre quand je suis en train de l'embrasser, j'aurais, comment on dit, les mains maladeuses. Ouais, mais déjà, tu sais, poser ta main sur la cuisse déjà, même sur le jean, mais sur la cuisse. T'as déjà fait ça quand même, et... Nico, la main sur la cuisse, tout ça. Bah là, je le fais déjà, ça. Ah oui, ouais, bon, voilà. C'est déjà ça. Bon, bah, de la cuisse, tu remontes un peu, tu la mets genre un peu. Vers la chatte. Je pense qu'il faut commencer par les seins, mais bon. Ouais, moi je ploterais d'abord les nichons. J'allais dire, moi, tu sais, sur le bas du ventre, genre un peu, tu lui caresses le ventre. Ouais, doucement, les fesses, même les fesses. Ouais, un peu les fesses, tu vois. De toi dans le nombril, tout ça. Non, peut-être pas quand même. Et après, non. Tu remontes vers les tétons. Il y a Mama là, qui le dit, commence déjà par la toucher, qui est donc d'accord avec Romano. Donc, bah oui, il faut essayer. Toi, t'as les mains baladeuses. Oui, petit à petit. Bah, non, mais oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, si jamais t'essayes, tu vois, si la meuf, elle est timide, ça avancera jamais votre truc. Hein. Moi, je te dis, je lui ploterai un peu les seins, tu vois. Tellement je lui ploterai bien, elle se laisserait faire. Putain, tellement tu es pervers, tu fais. Alors, c'est dingue. Elle voit pas la gueule en plus qu'il fait Romano quand il fait. Sans doute la moule qui sourirait. Parce que ça serait l'amour. Parce que ça serait l'amour. Bah, c'est tout, hein. je créerais le désir en elle. Oh oui. C'est vrai, quand tu parles de ça, tu fais une vraie tête de pervers. Tiens, bah, attends, n'empêche que, regarde, d'accord avec Romano. Romano, t'es le meilleur. Bon, ça, c'est gentil. Entièrement d'accord avec Romano. C'est vrai, il y a plein de messages. Ah, ouais. Non, mais il faut tenter des trucs. Ouais. Non, mais sans parler de passer pour un sadique. Mais tu vois, je veux dire, lui caresser les seins, c'est pas non plus un truc de ouf, en soi. Oui, bah, quand tu sors avec une meuf, c'est le genre de truc que tu fais en général. Ouais, t'essayes. Bon, après, si tu vois que la meuf, elle te dégage la main, bon, tu peux te dire qu'il faut attendre un peu. Ouais. Il y a Chaco qui nous dit, essaye tranquille, après ça dépend de la fille. Si tu sens que c'est une chaude, tu pourras. J'ai succombé au bout d'un mois. Donc Chaco, tu es en train de nous expliquer sur ton message que tu es une chaude toi aussi. C'était donc les conseils de Romano, le lover. Je me retourne. Ça t'a plu les conseils de Romano, Nico? Ouais, ils sont ouf. Je me retourne. Un peu pervers quand même. Bah, pas du tout. T'as pas vu sa gueule en plus. Ouais, non, ça. Mais y a pas à voir ma gueule, mais je te dis, il faut ploter, bordel. Il s'étime maintenant. Non, mais ça va de mieux en mieux. Je me retourne vers un autre lover qui a mis un an et demi, lui, à faire l'amour avec sa copine qui était pucelle. Ouais, mais elle était vierge, mais elle était dans l'extrême. C'est Cédrica. Ah bah pour sortir avec toi, oui, elle était dans l'extrême. Extrême limite. Elle était dans l'extrême. C'est qu'elle, dès le début, elle a dit ah, ce sera pas avant le mariage, machin, parce que tu sais, c'est pas trouver des excuses. Sa famille s'était prise de tête, donc du coup, j'ai un peu galéré pour pas te mentir. Mais j'étais petit à petit, tu vois. T'es pas obligé de le faire devant la famille non plus, Cédric. Non, non. Mais elle, pour elle, c'était important que ce soit pour le mariage, machin, truc rebeu, quoi. Alors, quel est ton avis et tes conseils, surtout, Cédric, qu'on attend tous? Je suis sûr que vous les attendez tous, vous aussi. Bah, moi, je te dis, il faut aller petit à petit, tu vois. C'est-à-dire que, au début, bon, là, t'as déjà passé l'étape de la galoche, tu le pètes un petit peu. Au début, tu l'as pété tout seul. Ouais, c'est pas mal. En fait, tu dis exactement la même chose que moi, quoi. Ça, c'est pas mal aussi. Bah oui. Non, mais je te dis. Bah, non, mais j'approuve. Tiens, le mec. Bah... Mais il est surpris que je dise que c'est pas mal. Enfin, tu fais ça si tu sais qu'elle est open. Je sais pas, un après-midi, t'es posé en. Tu sais, tu regardes un film avec elle sur un canapé ou dans ton lit ou je sais pas. Et tu commences à te frotter. Tu la gagnes. Ses jambes. Petit à petit, quoi. D'accord, Cédric. Quel bon conseil. Oh putain, puis j'imagine le truc avec Cédric. Qu'est-ce que t'as pensé des conseils de Cédric, Nico? Ils sont pétés. Ah, tu les as entendus, toi? Ah ouais? Ah ouais? Ah bah, c'est gentil, merci. Bah, démerde-toi alors. Connard! Hein, non, pas connard, ta gueule! C'était les conseils de Cédric. Ferme ta gueule! Bon, 3 mois que t'es avec ta copine. Elle est vierge, vous n'avez pas couché ensemble, vous n'avez pas fait grand chose ensemble. Oui, mais c'est vrai que procède par ordre, c'est quand même mieux comme ça. Et comme tu nous as dit, tu aimerais bien lui mettre. Okay. Ce que tu as dit, moi je répète, pour ceux qui viennent d'arriver un petit peu à la bourre. Bah, regarde, Méli Mélo, joue le lover, caresse-la, chauffe-la, mets-la sous le soutif et hop, c'est dans la poche. Elle est toute excitée. Moi je suis une fille. Et je trouverais ça irrésistible. Si ça marche pas, change de copine, c'est me coincer. Voilà. Moi c'est clair là. Non, mais bon, tu peux. Ah, mais je l'aime quand même. Tente des approches, mais j'espère bien. Mais si tu l'aimes, elle va le sentir et si elle le sent, elle aura plus confiance en toi. Oui, ça c'est vrai. Et donc ce sera plus facile. Elle se laissera aller. Plus facile qu'elle se laisse aller avec toi, ça c'est important. Moi je sors avec mon ex, je la baise tous les premiers du mois. Eh ben écoute, c'est bien. Voilà, merci Dylan qui nous donne des nouvelles de sa vie sexuelle. Sympa Dylan. Dites-nous pour la première fois combien de temps vous avez attendu et puis combien de temps vous attendriez si vous étiez à la place de Nico. On vous attend en direct, là tu bouges pas Nico, reste avec nous. À tout de suite Nico. Ouais. À tout de suite Nico, vos réactions en direct, on vous attend. Nous la première fois, on s'est fait choper par la prof de maths. Ah oui, ça c'est pas de chance, mais fallait pas le faire au bahut, faut être tranquille la première fois. Ouais, bah oui. Ah, mais c'était peut-être à l'internat tous les deux. Hein. Bah ouais. Il y a des couples qui se sont fait choper moi dans mon bahut. À l'internat. Dans les douches. Dans les, ouais, dans les douches pour mecs, la meuf elle se faisait combiner dans la douche. Et sinon il y avait les autres qui regardaient, non? Non, tu sais, c'était des douches individuelles, quoi, genre comme au camping. Momo, combien de temps t'as attendu avec ta première meuf, toi, pour faire l'amour? Raconte-nous un truc dégueulasse. Non, mais dis-nous, Momo. 4 mois. Bah, tu vois, encore 4 mois. Ah, Momo, c'est un sacré tringleur. Tu vois, Nico, enfin, encore attendant, moi, je disais tout à l'heure avec la Marie. Il marrait pas comme ça, mais Momo, il baise à tout va. Mais Momo, Momo, il peut y arriver, je peux y arriver. Momo, ouais. Il casse des culs. T'as fait 4 mois comme Marie, Momo, mais vous étiez ensemble à l'époque ou pas? Non. Non, Marie, t'as fait Marie. Non, nous n'étions pas ensemble, non. Dommage. Non, bah, parce que Momo, au niveau caresse, il envoie, lui. Ouais, parce que c'est grosse main grasse. Franchement, Marie, t'aurais dû. Bah, ouais, mais bon, Momo, il a tellement grande main que s'il te caresse un sein, il peut te caresser les fesses en même. Ouais. Déjà, Momo, j'aimerais qu'il se lave les mains, moi, avant de me toucher, déjà. Voire même se couper les ongles, si on peut. Ouais, qu'il se décrotte un peu les ongles, parce que, là, la meuf, il doit être une meuf, c'est mycose assurée. Ah ouais, non, mais là, Momo, t'es jardinier, Momo, non? Il met les mains dans la terre. Ah, mais là, si tu montres un. Là, t'as des grandes mains. Ah ouais, c'est grosse palme. Hallucinant, les mains de Momo, là. Tous les soirs, la radio libre de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, pensez à Momo qu'on a retrouvé tout l'été pendant la radio libre, pendant la radio libre de l'été. Ouais. Et pour la suite, alors attention, il y a du lourd ce soir. Le rêve de la Marie, la suite. Attention, c'est pas fini. Ouais. Romano, tu traumatises Marie dans ses rêves. Bah, je pensais pas à ce point-là. C'est peut-être dû à ton crâne chauve. Je sais pas. C'est ça, mais je l'excite à mort. Si vous avez des explications, non, hein, c'est bon. Ça, ouais. Allez, et tiens, Nico aussi qui arrive, qui revient. Nico, témoignage de fille d'ailleurs qui arrive pour Nico. Et des réactions. Et bien tout ça d'ici minuit. Et le problème du mois qu'on va attaquer dans pas longtemps. Problème du mois qu'on attaque, c'est Vincent. Alors je sais pas si on va commencer par Vincent parce qu'on va peut-être faire deux problèmes du mois. Ah ouais, carrément quoi. Grosse soirée. Ouais, parce qu'il y a un truc, un problème du mois que j'avais bien aimé, c'est les mères qui vont sur YouPorn. Tu peux nous le sortir. Vas-y, pas de problème. Ouais, on profite des derniers moments de cette spéciale avant de revenir lundi en direct dans l'émission à 21h. Ouais. Bon, on en profite, mais on y va vite. Allez, à tout de suite. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning de Diffoul. Mais oui, The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Salut.

radio libre de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, évidemment sur Skyrock et vous aussi sur Skyrock. Les meilleurs se retrouvent tous les soirs et dans sur Skyrock. Les meilleurs les meilleurs et parfois même les plus amochés, vous avez entendu le rêve de Marie tout à l'heure. Les plus tarés sont je là, me fais oui. Peur. Impressionnant, mais tu nous fais peur aussi Marie. Ouais, vous faites plein de rêves bizarres vous aussi, on va y revenir dans un instant. Et puis dans un instant, on s'occupe de Nico, témoignage de fille. Et réaction par SMS aussi. Nico veut baiser un coup. Ouais, c'est ça, ouais. Avec une vierge. Et ouais, et alors ça. Eh oui, c'est pas forcément le plus simple. Ça partage un peu tout le monde, là, ce message. Je vois ça. On en reparle dans un instant, mais Marie, il faut quand même qu'on s'occupe de ton rêve chelou. Ah, là. Oui, parce que tu es inquiétant. Si vous venez juste d'arriver sur Skyrock, sachez que Marie a rêvé de Romano. Ce qui est quand même assez sympa. C'est un honneur pour moi. Ouais. T'as rêvé que Romano était à la piscine et marchait sur la tête des gosses. Ouais, autour de la piscine. Autour de la piscine, genre ils étaient allongés et moi je leur piétinais le visage. Voilà. Exactement. Et donc on a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Esthète de Savoie nous dit ce sont les instincts sadiques de Romano qui ont transpiré à travers le rêve de Marie. Carrément. Elle pense que Romano n'aime pas les enfants. C'est pour ça qu'elle a fait ce rêve. Non, mais après, je suis pas fan, mais j'irai pas les newfés non plus, quoi. Ah bah, encore heureux. Le message est là. Je croise pas un gosse dans la rue, je mets pas de dire par ta gueule, quoi. Dans sa gueule, tiens, je t'aime pas. Le message est limpide pour Ramos qui nous dit ça veut dire Romano ne te reproduit jamais. Jamais. Ouais, moi, c'est pas spécialement prévu, donc. Pour Arthur, l'alcool ravage les esprits. Voilà la signification du rêve de la Marie. Axel du Pas-de-Calais, ne pas fumer des trucs, pas net avant de dormir, Marie. Écoute, je fais pas toujours des rêves. J'avais fumé la moquette. Nico, non, 19 moquette, ans, qui nous dit la drogue touche tout le monde. Et ouais, ça c'est sûr. Bah, ouais. Tu te drogues, Marie, demande tuture du 62. Non, un autre tuture. Trop d'alcool, la Marie, pour Jérém. Non plus, non. Non, je putain, pense. Putain, j'espère que c'est pas ça. Ouais. C'est parce qu'elle pense que Zizine, la meuf de Romano, est enceinte. Ah, bah voilà, une bonne nouvelle. Et tu sais ce qui est arrivé ce week-end? Elle va chercher de la bouffe au resto chinois où on connaît, là, monsieur Bizugu. Ouais. Et il la voit, il lui fait, ouais, vous êtes enceinte, bah, félicitations. Ah, mais putain, elle devait être contente, ça, c'est non, mais non, mais en plus, tu sais, elle avait pas picolé rien, donc. En plus. Et tu sais, ça l'a fait psychoter tout le monde. Non, mais tu dis ça à une meuf, la meuf, elle pense qu'elle est grosse. Non, mais attends, c'est super désagréable. En plus, je l'ai dit la semaine dernière aussi. C'est gentil. J'ai envie de vomir, j'ai des nausées, je crois que t'es enceinte. Non, mais pour un peu, hein. Ouais. Oh. Mais on serait pas dans la merde. Tu Romano. C'est rigolo. Hein? Putain. T'imagines? Ah non, putain, horrible. Ce serait rigolo. Ah bah ouais, grave. Tu viendrais dans l'émission avec le chiard qui gueulerait, qui chierait partout. Ça serait magnifique. Ah, on verrait qui c'est qui pèterait les plombs en premier. Avec les pleurs du gosse. Je te le mettrais sur les genoux, dit Foul. Ah bah ouais, les gosses, quand ils pleurent, qu'ils sont tout petits, ça me gêne ouais, pas. Ouais, c'est moins gênant quand ils ont 3-4 ans. À 3-4 ans et qu'ils se mettent à faire des caprices, ça me gêne. Là, je ne réponds plus de moi. Non, mais à 3-4 ans, tu peux les taper. Ouais, tu peux te faire. Alors, tiens, dévoler, non. Mais t'es dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse. Non que mais tu dis. À 3-4 ans c'est plus solide. Fessée, tu veux dire. Oui, mais oui, non mais oui, là, je vais pas leur mettre des coups de pied. C'est non plus. On n'est pas des monstres. Non, bien sûr que non là. Bon alors, est-ce qu'on a Ah oui, alors on est sur les rêves. Les réactions. Alors qu'est-ce que vous nous dites sur les rêves? Ah bah tiens, il y a Benjamin, lui par exemple, qui fait des rêves chelous parce que vous laissez vos réactions sur les rêves chelous. Lui, il a rêvé qu'il se faisait courser par les 101 dalmatiens. Ah ouais. C'est un rêve de merde, mais je l'ai déjà fait au moins 8 fois dans ma vie. Salut Benjamin, salut. Moi je t'ai dit une fois, j'ai par les 101 dalmatiens. Oui. On salue d'ailleurs les 101 dalmatiens qui nous écoutent ce soir. Bonjour, bonjour. Les 101 dalmatiens sont avec nous. Bonjour. Tous, hein. Moi je t'ai dit une fois, j'ai rêvé, j'étais à Carrefour avec Zidane et on se faisait des jongles et on se faisait des passes. Ouais. Les amas, il y a des gens, ils l'ont reconnu et je faisais après sa sécu. Non, laissez-le. Ah ouais. Tu vois, je faisais amas sa sécu. Tu faisais après, staff. Je me suis réveillé. Ouais. Staff, staff. Charlie, j'ai déjà rêvé que j'étais dans un film porno avec Lisa Simpson. C'était chelou. Oui, en effet, parce qu'elle a quand même une sale gueule, Lisa Simpson. Ouais. Et puis c'est une enfant. Ouais, et puis est-ce que j'allais dire, ouais, elle est pas très grande, ouais, quand même. Elia, Luna, qui nous fait tomber dans le vide, par exemple, c'est pas forcément chelou, mais quand tu te réveilles, tu sens passer le cauchemar. C'est vrai que c'est horrible ce rêve-là, de tomber dans le vide. Ouais, ouais, t'as l'impression de tomber. Des fois, ça t'est pas arrivé, tu cours, mais tu cours au ralenti. Tomber dans le vide. Non, mais tu fais des sursauts dans ton lit quand t'as l'impression que tu vas tomber. Ça vous a jamais fait ça? Ou sinon, tu as le réflexe avant de t'endormir. T'es pas tombé dans le trou. En fait, il n'y a pas de trou. Victor, avant de t'endormir, c'est de fermer les yeux, tu vois un tout petit point dans ta chambre et t'as l'impression que c'est super haut en fait. T'as l'impression qu'il y a des longueurs. Ça, j'ai jamais vu. Ça m'est jamais arrivé, ma gueule. C'est super ton rêve, c'est moi non plus. Non, mais c'est pas un rêve, c'est avant de dormir, je te dis. Ah, mais nous on est dans les rêves. Ouais, ouais. Mais justement. Voilà, et tu sais qu'à midi j'ai mangé. Ouais. Non, mais quand tu vois ça, ben moi souvent quand je vois c'est ta box internet, non? Non, non. C'est pas ton alarme? Non, c'est vrai qu'il voit un voyant. Si, quand t'essaies de dormir, c'est de fermer les yeux, t'as l'impression que les murs ils sont loin. Ils sont où? Ah non, les yeux fermés, ah non, tu vois le mur loin. Mais jamais, de fermer les yeux, non plus. Non, mais lui, ils peuvent pas se fermer, ses yeux. Bah ouais, si, mais toi, c'est ses yeux, ils sont très. Il ferme les volets, il a. Ah, mais quand t'arrives pas à t'endormir, tu ouvres les yeux, tu vois le truc, t'as l'impression que c'est super loin. Non. Sinon, tu vois des petits points blancs un petit peu partout dans le mur. C'est chelou. C'est qui bouge, machin, non? T'as jamais. À mon avis, c'est des bêtes que tu as dans ton appartement, Cédric, c'est sale. Il y a des vers qui sortent. Des araignées, il y a des vers luisants. Des animaux qui vivent. Caroline, j'ai rêvé d'une branche d'arbre qui me poussait dans les cheveux. Ah bah ça serait pas bien ça Romano pour tes cheveux. Ouais, comme ça, plein de feuilles. Ouais. Pas mal. Moi c'est la copa. Ça c'était Damien. Non, Damien lui c'est j'ai rêvé que je sortais avec Paris Hilton. Julie, moi c'est souvent l'apocalypse dans mes rêves, attaque de zombies, bombardement, monde en ruine et j'en passe. Je pourrais écrire des scénarios pour Spielberg presque chaque nuit. Carrément. C'est marrant, bon rêve, c'est rigolo ça. Et, ben. Et Romano, t'avais une interprétation pour le rêve de la Marie. Ah ouais, alors. Non, pas du tout en fait. Ah, ah, merde alors. Parce que le site en fait ça paraît gratuit mais après faut payer. Ah, ah oui, d'accord. Ah, oui, jamais. Donc j'ai tout de suite fermé la page. J'imagine. Non, je n'ai pas d'interprétation. Alors, qu'est-ce que vous dites pour le rêve de la Marie? Marie veut coucher avec Romano. Ah, Marie a rêvé à ça, c'est parce que Romano était jaloux que les enfants aient des cheveux, il les piétinait parce qu'ils avaient des cheveux. C'est Aurélie. Vrai qu'en plus, tu marchais sur les cheveux. Tu marchais sur les cheveux. Parce je crois que les enfants rapport... étaient sur le ventre. Ça a peut-être rapport avec ta calvitie. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Ah ouais, tous tes cheveux vont retomber de pire. Ouais. Peut-être que. Peut-être pousser, ouais. Ou je vais être chauve et je vais quand même niquer Marie. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être ouais, au bord de la piscine. N'importe quoi. Peut-être, peut-être. Bah, c'est même sûr. Non, mais ce serait, ah ouais, serait si romantique. Wow. Ah, et que vous le fassiez en direct pour la première ouais, fois. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Mais ouais, on fera des vidéos, bien sûr. Des hein. Vidéos porno. Ouais. Ah ouais, ouais. Juste, amenez-nous une piscine gonflable. Ouais. Ça va être joli, ça, tiens. Un gamin, on baisse au pied de la piscine. Ouais, avec des bouées canards, c'est autour du. Bon, bah, faites de beaux rêves, mais pas tout de suite, parce que là, on vient juste de démarrer la soirée. Le problème du mois à retrouver. Tout à l'heure, t'es tout excité, regarde ces dossiers de. Ouais, ça y est, là, c'est parti, on va y aller là. Problème du mois collector, attention ouais. Ce soir. Hein. Et puis là, on va retrouver Nico. Alors, il y a plein de réactions qui arrivent pour toi, Nico. Bah, tiens, justement, Nico, pour ceux qui sont arrivés, juste à l'instant, parce qu'on t'a eu en tout début d'émission, rappelle-toi ce que tu nous as dit en tout début d'émission, justement. Je voulais tremper le biscuit. Ouais, enfin, non, non, non. Non. Ce que tu nous as dit. Tu voulais la mettre. J'aimerais bien la mettre. Voilà, c'est mettre. Ça que la classe. T'as dit. Ouais. Ah. Ah oui, la classe totale. À ta meuf ça... qui est vierge et avec qui t'as rien fait, quoi. Voilà, rien pour à l'instant. À part rouler des pelles. Bon, tu voilà. Nous as dit qu'il y avait de l'amour, j'ai dit que ça allait faciliter les choses, l'amour, quand il y a de l'amour, non, c'est toujours plus sûr. Simple. Ouais, puis on vrai. Attend ça, nous les filles. Bien sûr, beaucoup d'amour. Bah oui, non mais c'est vrai, pour la première fois. On... aussi. T'es amoureux ou t'as juste envie de baiser, toi? Il est amoureux, nous a dit. Ah, non, il amoureux. A dit qu'il aimait. Ah, ouais. T'es amoureux quand même. Il a dit qu'il était amoureux. Il a dit qu'il était amoureux, enfin qu'il l'aimait quand même. Voilà. Ouais. Donc bon. Moi je l'aime bien, c'est sympa. Tu prends comme tu veux après, mais. Ouais. C'est... Bon, témoignage, et en plus témoignage de filles là maintenant. Alors il y en a qui ont attendu 7 mois, je vois le message de Clarinette. Il y a Abdel, lui qui attend encore, ça fait 2 mois que ça dure, ça commence à être long. Ah Abdel, t'as 18 ans et t'attends encore. Bah, c'est bien 2 mois, c'est pas non plus la fin du non. monde. 2 mois dans une vie, mais... Ouais, tu peux attendre. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Regardez, Cédric a attendu 1 an et 3 quarts. 1 an et demi. Un an et demi. D'accord. Un an trois quarts, un an et demi, s'il te plaît. Un an et demi. Ah, ah ouais, putain. Et un an, après, trois, et un an trois quarts, elle l'a largué, c'est ça? Non, non, pas tout de suite. Non, elle s'est fait sauter par un autre entre temps. On a dû rester, je sais pas, 6 mois, un an ensemble après. Ah, quand même. Ah, ça a augmenté depuis la dernière fois. Non, non. C'est dingue, comme tes histoires changent en fonction des. Oui, elles évoluent. En fonction de tes témoignages. Ah, non, parce qu'en tout, je suis resté 2 ans et demi avec elle. Ah, bah ça y est, ça augmente. Avec une petite rupture. Alors, il y a Lindsay qui voulait réagir. Pas dans la rupture, c'est là où elle s'est fait baiser par l'autre. Ouais. Ta gueule, toi. Ah, ouais, s'est fait baiser par l'autre. Non, tu vas nous le foutre à bout encore. Il s'est mis sur le bout de la bite et salut, il est arrivé derrière. Lindsay de Versailles. Allô. Ouais. Ouais, comment salut. Ça va, Lindsay? Salut. Bien. Salut. Ça va, toi. Ça va. Ça va, ça va. Bah, c'est gentil d'appeler. T'as 18 ans, toi, Lindsay. C'est ça. Et t'appelles pour Nico et tu voulais lui dire quoi, Nico, toi? Bah, tu y as pas. En fait, ça se fait au feeling la première fois et que bah moi avec mon copain j'ai attendu 2 mois, mais qu'il y a pas un mois précis en fait à attendre. C'est quand il voit que la situation va pas être propice, bah il tente et il verra bien. Mais si la nana elle est pas prête, que ça fasse 2 mois ou 6 mois, ça changera rien du tout. Si elle est pas prête, elle est pas prête. C'est vrai que c'est pas faux. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça dépend des meufs. Bah oui, hein. Et des gars aussi. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Rastaman, il a attendu 2 semaines et 2 jours. Il comptait les jours, Rastaman. Tellement qu'il a pouvait plus. Ouais. 2 semaines, 2 jours, 10 minutes et 15 secondes. Moi, j'ai attendu 2 heures, nous dit Kevin Speedway. Ouais, mais je comprends pourquoi tu t'appelles Speedway. Merci à toi, Kevin. 2 heures, mais ça s'est passé en soirée, c'est pas possible. Ça fait 8 mois que j'attends et rien pour moi, pour Bridis. Toi, 2 mois, et c'est quoi qui a déclenché le fait que tu lui dises oui ou le fait que vous y alliez? Vous en aviez parlé? Ça s'est passé comment? Ah non, on m'avait pas du tout parlé, moi j'y avais même pas pensé, etc. Et on s'est retrouvé en situation, en fait, j'étais seule chez lui, on s'est retrouvé dans la chambre et voilà, il a lancé le truc, en fait, il a fait le premier pas et je me suis laissé faire. Mais enfin, j'avais pas du tout prévu le truc, c'est au feeling, quoi. Ah, c'est ça. Vous aviez fait quelques trucs avant quand même, genre il t'avait un peu caressé? Non, rien du tout. Rien du tout? Bah, juste des petites mains sur la cuisse, des petits bisous dans le cou, mais rien de spécial, quoi. Ah oui, oui, c'est vraiment gentil, oui. Et ce jour-là, c'est quoi? C'est le fait que vous, je sais pas, t'étais en confiance, vous étiez tranquille? Comment ça s'est passé? Le fait qu'on était bien et que la situation il y avait rien qui nous empêchait de le faire, quoi. Il y avait le feeling, quoi. C'est ça. Et alors, c'était bon? Nickel, ouais. T'as pas regretté? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai peur de faire l'amour parce que je me suis fait larguer une fois après. Ah, toi, tu es plus vierge, donc. C'est Virginie. En plus, Virginie, t'es plus vierge. Virginie qui nous dit qu'elle, elle a peur parce que le premier, elle a fait l'amour avec lui, il l'a largué après. Ça lui a laissé un mauvais souvenir. Faut te dire que les mecs sont pas des porcs comme ça, Virginie. Non, encore heureux. Il y a des beaux gosses, tu sais. Comme toi, Difool. Par exemple, mais il y en a d'autres, Romano, je pense. Cédric. Bah oui. Par exemple, bien sûr. Et aussi mais Romano. Cédric, eh ben, ouais. Ouais. Donc le conseil. Merci Cédric, c'est gentil. Hein. Rien. T'as entendu le conseil qu'on a donné à peu près tous tout à l'heure là, l'INSEE à Nico. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de commencer à tâter le terrain, comme on dit. Enfin, le terrain n'étant pas. Ouais, la fille, bah ouais, ouais, faut qu'il tente, mais après il verra bien. En même temps, la nana, si elle a 16 ans et qu'elle sort avec un mec de 17 ans, elle sait très bien à quoi pense le mec de 17 ans. Donc elle est pas non plus idiote. Tu crois que tous les mecs ont pensé à faire l'amour? Non, pas du tout. Ah, non, mais à 17 ans, une nana sait très bien ce que pense un mec aussi, en règle générale. Non. C'est vrai qu'à 17 ans, vous êtes assez chaud quand même. Non, mais de toute façon, bah ouais, on reste aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais elle doit bien se douter, ouais, que, ouais, vous avez pas, ils vont voilà, pas jouer. Donc, ils vont pas jouer aux billes. Idiote. Oh, quoique, tu sais. T'entends ce qu'il dit sur ta meuf, Nico Romano, quel enculé quand même. Ah, je jure. Ah, t'as vu ça un peu, hein. Tu la défends même pas. Non, parce que c'est un peu vrai. C'est charmant, bravo. Eh bien. Bon, bah écoute, c'est un bon conseil que nous a donné l'INSEE. Donc 2 mois pour toi. Tu vois, fallait sortir avec l'INSEE, Nico. Ouais, bon. Ah, oui. Le problème, c'est bon, Versailles et Hérouville, bon, c'est pas forcément à côté non plus. Mais bon, en tout cas, t'es toujours avec lui, l'INSEE ou pas? Tiens, je t'ai pas demandé ça. Non, non, je suis plus avec. C'est fini, terminé. Ouais. Très bien. Et t'es célibataire, t'es toute seule? Célibataire. Ah, vous entendez, si vous habitez à Versailles, le 7-8, 7-8 en force. Et t'as eu un mec après, t'as refait l'amour ou pas? Ouais, ouais, j'en ai eu, ouais. Et alors, c'était bien aussi ou t'as été déçu? Ouais, on s'expérimente un peu. C'est bah ça, ouais, c'est ça, de toute façon. Tu testes un peu. Bah, c'est gentil, Lindsay, merci du témoignage en tout cas. Hein. Y'a pas de soucis. Voilà, si vous voulez témoigner comme Lindsay, n'hésitez pas, vous nous envoyez vos messages, vous nous appelez. 01 53 40 30 20, on vous attend en direct tout au long de la soirée. Ouais. Combien de temps vous avez attendu dans l'équipe? On sait Cédric, 1 an et demi, il a battu le record. Romano, ta première meuf, combien de temps t'as attendu? La toute première. La toute première. Autrement dit, l'huître. Bah, c'était 15 jours, 3 semaines, mais moi c'était l'été, donc. Non, mais c'est. C'était bien. Maintenant ou jamais, quoi. 15 jours, 3 semaines. Bah ouais, parce qu'après, on partait, on rentrait chez nous. Ouais, puis c'est vrai que l'été, c'est propice à ça quand même. Ouais, l'été, ça baisse plus vite. Samy, combien de temps t'as attendu avec ta première? Moi, franchement, j'ai bien attendu, peut-être pas loin d'un an quand même. Ah ouais, quand même. Bah ouais. Mais après, plus t'es jeune, plus t'attends, c'est proportionnel aussi, je trouve, tu vois. C'est vrai. Après, d'attendre avec une meuf de 25 ans, c'est pas comme d'attendre avec une meuf de 14 ans ou 15 ans. T'as tout à fait raison. C'est vrai, surtout c'est les vierges. En plus. Ouais, voilà. Oui, il faut prendre soin d'elle, Nico. C'est clair. Et Karim, combien de temps t'as attendu, toi? Ah, moi, ma première, j'ai pas attendu parce que c'était pas ma meuf, donc c'était direct. Mais sinon, oui, ouais, ça, c'était un plan cul, toi. Ah, ouais, non, moi, non, même pas, c'était même pas un plan cul, c'est je l'ai vu, je l'ai déglingué, je l'ai plus jamais revu après. Donc c'est même pas un plan cul, voilà. Je l'ai déglingué une fois. Mais t'as dû bien la déglinguer pour qu'elle revienne pas. Mais elle baise avec tout le monde comme ça? Tu l'as payé combien? Non, je l'ai pas payé non plus, celle-là, gros. Non, mais en tout cas, elle était sympa. Bah ouais. Elle rendait service. Je l'ai ken, je l'ai jamais rappelé. Et tu l'as connue d'où? Je la connaissais par rapport à l'habit dans ma ville, gros. Ah, tu l'as rencontré dans la ville? Ah ouais? Mais par contre, sinon, avant, j'étais resté avec une meuf pendant 6 mois, ma première meuf, mais j'ai jamais rien fait. Rien? Ouais, non, jamais rien. Mais même pas ploter les seins, rien? Non, même pas, j'ai juste galoche. Un petit what? Non, même pas. Mais t'avais pas envie? Je voulais pas, non, mais juste, j'essayais, ah oui, t'avais moi. T'avais envie, ouais. Je travaillais, mais c'était compliqué, donc à un moment donné, ça m'a saoulé. Je travaillais. Tu vois, tout ce que tu nous as dit, l'INSEE, eh ben, t'étais juste, hein, c'est bien, ça dépend des filles. Ouais. Regarde. Ouais, bah ouais. Bah, bien sûr. Entre la première de Karim, là, c'est passé en quelques ça minutes. Ça dépend des filles, et puis ça dépend du mec que t'as en face, hein. Aussi. Bah c'est oui. Vrai. Aussi, ouais. Bon, bah super, l'INSEE, on te fait un gros bisou. Gros bisous à vous. Et on t'envoie. Salut. On t'envoie un t-shirt. Gros bisous. Nico, bah écoute, reste à l'écoute, Nico. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, suis nos conseils. Ils ont été approuvés par l'INSEE puis par plein de monde là depuis tout à l'heure là. Ah d'accord, merci. Mais puis tiens-nous au courant, tu nous dis. Hein. Ouais, y a un problème. Pour l'instant, 3 mois, alors ça va entre quelques secondes pour Karim et 1 an et demi pour Cédric. Voilà, ouais. C'est large. Choisis ton camp, camarade. Ouais. En passant par 1 an pour Samy, 4 mois pour la Marie, 4 mois pour Momo, ouais. 2 semaines pour Romano et quelques secondes également pour moi. Elle n'a pas pu résister. Ah bah, elle est amoureuse. On la comprend. T'as sauté sur le kiki. Non, mais moi j'ai attendu un petit moment. Hein. Genre combien de temps? De 3 mois. Ah oui, bah oui, ça elle avait peur, tellement dit foule en âme grosse. Ça peut être impressionnant, oui. Ouais, ouais. Et tu as une question que t'as pas posée, elle a raison de poser la question là sur SMS, Missix. Missix qui demande à Nico, et elle, est-ce qu'elle te caresse? Bah ouais. Vraiment pas. Mais elle te caresse où? Non, rien du tout. Elle te caresse pas? Elle te caresse pas le sexe, elle a jamais mis la main entre tes cuisses, tout ça? Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Non. Bon, vas-y doucement alors, Nico. Ah bah de toute façon t'as pas le choix hein. Voilà le petit conseil qu'on peut donner là. En tout cas bon courage mec. Bon courage, tiens-nous au courant. Salut Nico. Et vive la branlette hein. Et oui c'est bien pratique. Ah bah ça y est. Il y a moyen de garder un maillot. Ouais on va t'envoyer. On t'envoie le maillot à Hérouville dans le 14. Et puis bah on vous attend pour témoigner là-dessus ou pour tout le reste hein. C'est marrant les premières fois, ça rappelle des souvenirs. C'est bien. Tout le monde se souvient de sa première fois. Bah oui. Romano c'était magnifique avec l'huître. Ah oui en effet, oui c'était très. Non mais c'était. Bon c'était pas. C'était sur la plage. Non c'était dans une tente. Dans une tente. Ouais. Très bien, très bien. Non, dans un igloo, quoi, précisément. Ah, dans un igloo, d'accord. Un igloo, finalement. En Sibérie. Dans un igloo de camping. L'ancêtre de la tente qui je suis là. Je comprends pourquoi t'aimes bien le camping. Ouais, bah, le camping, bah, putain, au camping, ça baise à tout va. Hein. Ça te rappelle des souvenirs. C'est pratique, quand même, non? Parce que t'as ta tente à toi, t'as pas les parents sur le dos. Mais au camping. Ah, bah, c'est mieux que de les baiser dans la caravane, ouais. À côté des parents. Ça, je te confirme, Marie. C'est pas mal. C'est vrai que c'est marrant, le camping. Tout le monde a fait au camping de regarder. Enfin, d'écouter si des gens y baisaient ou ils faisaient des trucs, les potes faisaient ça dans la... Ah ouais, bah moi, nous, un jour, on s'était tous réunis autour d'une tente parce qu'en fait, c'est con, ils avaient une espèce de lampe torche ou une lampe électrique. Ah oui, tu voyais les et en fait, avec les ombres, la meuf, elle se faisait dézinguer en levrette. Mais faut être con aussi pour laisser la lumière. Et nous, on battait, tu vois, on voyait, elle avait des gros nichons. Tout le monde l'avait. Elle était trop excitée, quoi. Et après, quand ils sont sortis, on a applaudi. Ils avaient trop honte, ils sont rentrés aussi. Bon, les joies du camping. Ah ouais. Il y en a peut-être qui ont vécu ça cet été. Il y a peut-être qu'ils sont encore et qui nous écoutent d'ailleurs. Alors, on attend pas Patrick. Il est où Patrick? Hein? Bon, tiens, on se mettra un petit Maître Gims avant minuit, tiens, le son de camping. Ouais, c'est ma beauté. Ma beauté. D'ailleurs, c'est un son que vous avez présenté à, je me rappelle, à 6h du matin. Ouais, c'est ça, dans le morning. Dans le morning, Maître Gims. Découvert sur Skyrock. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va parler de. Qu'est-ce qu'il y a, Romano? Non, rien, ça va très bien. Je me prépare pour le problème du mois. On va faire alors, tu m'as retrouvé le problème du mois? Ouais, ça y est, c'est bon, je l'ai, ouais. On va faire le problème du mois. Mère YouPorn. Tiens, bah, tu l'as là? Ouais, c'est bon, il est prêt, hein. Il est prêt, le problème du mois. Le sporelet qui n'est branché. Ouais. Ça a l'air de te trouver. Oh, tu t'es branché toi-même le sporelet, Romano. Ouais, bah, j'ai pas eu trop le choix, à vrai dire. Oh, c'est génial. On y va? Allez, c'est parti. Donc, c'est Thomas, 19 ans, de Nice. Il écrit au forum pornodépendance.com. Oui. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans, je suis de Nice. Je vais régulièrement sur des sites pornographiques, en particulier sur YouPorn, qui est sans doute l'un des plus connus. Et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je suis ton avis, mec. J'ai besoin de ton aide. D'habitude, je regarde un peu les vidéos plutôt de meufs jeunes, mais là, je suis tombé sur la catégorie des femmes plutôt un coup et bam. Ah, plutôt âgées. Plutôt âgées, donc. Au départ, j'ai regardé une ou deux vidéos. Franchement, ça ne m'excitait pas des masses. J'ai vu ma mère. C'était super. Je suis tombé sur une troisième. Au départ, on ne voyait pas la tête de la dame. Elle était en train de se faire... Tête de la dame. Elle était en train de se faire prendre par un mec par derrière. Elle était en levrette. Franchement... Par rapport à son âge, elle avait encore le corps potable. Ça m'a plutôt excité. J'ai commencé à bander. J'ai continué à regarder la vidéo. J'ai commencé à me caresser. Ah, oui. Et là, à un moment donné, la femme s'est relevée pour changer de position. Et j'ai vu sa tête. Et là, le drame. J'ai reconnu ma mère. Oh l'angoisse, mais l'angoisse. C'est bon, dégueulasse. Mais il a pas fait exprès le pauvre. Ah, la tombe. Bah justement, il aurait dû zapper avant sur la vidéo. Non, mais je comprends. Moi, c'est ce que je fais pour voir un peu l'état du truc à différents moments de la vidéo. là. Franchement, j'ai immédiatement lâché mon sexe. Ah ouais. J'ai vomi sur le clavier. Ah, je n'ai pas pu m'en empêcher. En plus, il a niqué son ordi, quoi. Ça m'a complètement écœuré. Dégueulasse. J'ai tout éteint et j'étais vraiment mal. Je crois que je n'ai jamais débordé aussi vite de ma vie. Ah bah tu m'étonnes. Tu parles. Je me souviens du long de la vidéo. Je ne sais pas comment faire pour gérer la situation. Quelques heures après, ma mère est rentrée du travail. Bonjour mon chéri. Fais la bise. On a dîné. Je ne pouvais plus la regarder. Je n'osais à peine lui parler. Je l'imaginais encore dans le film avec les deux hommes. Car j'ai oublié de te dire tout à l'heure, mais il y en avait deux. Oh. Elle avait l'air plutôt de prendre son pied. Pourtant, elle est encore avec mon père. Ce qui me fait encore plus bizarre. Je ne sais pas quoi faire. Lui en parler. Retournez voir la vidéo pour la faire interdire. Je ne sais pas comment ça marche. Aidez-moi, c'est vraiment dur pour moi. Je n'endors plus la nuit. Ma mère me dégoûte quand je la regarde. Elle a bien remarqué que je n'étais plus. T'avais bien lu, il y a eu une bonne période. Elle a bien remarqué que mon attitude avait changé envers elle. Mais je n'arrive pas. Franchement, je ne serai pas loin de vomir à chaque fois que je la vois. Aïe. Bonjour. Mais pourquoi t'as dit ça? Bah parce que j'étais content. Ah d'accord. Je ne peux plus la regarder. C'est horrible de dire ça, mais elle me dégoûte. Oui, aidez-moi. Compris, oui. À bientôt. Eh ben merci. C'est non, mais déjà, d'une part, c'est peut-être le sosie de sa mère. Ah non, mais en général, ta mère, tu la reconnais quand même. Pas savoir. Et mais puis peut-être que le père est au courant, sinon. Ah ouais, mais non, mais moi, c'est... je préfère me dire que c'est un sosie, moi. Ah, putain, ouais, moi non, pareil. Mais non, mais tu t'arrives pas. Moi, je pense que sur le moment, t'arrives pas à dire ça. Moi, ça me dégoûterait, quoi. En plus, le pire, c'est qu'il a bandé, quoi. Ben oui, il a pas fait exprès. Hein. Ah ouais, mais c'est horrible quand même. Ah, c'est horrible. Ouais. Je comprends, le mec est dégoûté. Ouais, il est dégoûté. C'est bien Romano, t'as bien dégusté aujourd'hui, nous dit. Ouais, il y a la réponse qui arrive. Il est mal le man Romano avec son sport élec. Jordan du. Ah oui, bah tiens, il y a la réponse qui arrive. Et aussi vos témoignages. Hein. Oui. Alors les témoignages. Tu veux quoi comme témoignage? Bon, alors bon, on va demander, on sait jamais. Hein, si vous avez déjà vu votre mère ou votre père sur Internet en train de faire des trucs de cul. Oh. Bon, dur, mais venez témoigner. On peut changer les prénoms, tout ça, si vous préférez garder l'anonymat. Y a Kiki qui a une collègue de boulot. Que je pourrais comprendre. Collègue de boulot sur Jackie et Michel, tu prends ou pas? Ouais. Non, ouais. Et après, j'allais étendre. Ouais, si vous avez déjà vu des gens que vous connaissez, je sais pas, des amis, de la famille, des voisins, je sais pas, un de vos commerçants. Votre patron, votre patronne, ouais, quelqu'un que tu connais, quoi. Un de vos collègues de boulot, ouais. De bahut, votre meuf. Ouais, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous passerez en priorité et bien entendu, on peut vous garantir un anonymat total. Bien sûr. Non, mais bon. Oui, tu veux bien le préciser. Oui, on précise histoire que bon, imagine que vous n'avez pas forcément envie de vous afficher. Malheureusement, on n'aura pas les adresses pour aller voir toutes ces belles vidéos. Dommage. C'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Bon, allez, on vous attend pour les réactions pour le problème du mois. On en reparle tout de suite. Un problème du mois qui déchaîne les passions. Hein. Ah ouais. Et une autre qui déchaîne les passions, c'est Pamela. Elle arrive. Coucou. Pamela et les pervers collectors. Oui. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça, c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3. C'est MTTW, t'es prêt? Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance. Et écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Il gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoupha. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Ouais. Spectacle du Whoop Game. Le show exceptionnel du Whoop en exclu pour Skyrock. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Sam. Rien que pour les beaux yeux de Sam. Celui qui te raccompagne chez toi après les soirées. Comme ça tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le Whoop sur scène. Et ça c'est bien, ok? Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. D'or et de platine présente. Mon bisou, je fous de toi, je veux mon bisou. Joule. Mon bisou, oh, oh. Son nouvel album Émotion, maintenant disponible. Émotion, toujours disponible. Il n'ose pas. C'est mignon. Mais ça suffit. Envoyez qui au 73 400 et nos experts vous diront qui vous aime en secret. Qui, K-I,

non. Mais en fait, tu l'appelles n'importe comment, il dit oui. Oui, ah, c'est ça, ouais. Oui. Salut Mouloud. Oui. Oui. Bon, bah, c'est Jérôme qui s'appelle aujourd'hui. Donc, on retrouve Pamela et Jérôme tout de suite, juste après. Beaucoup de réactions pour le problème du mois que tu as lancé tout à l'heure. Avec la mère YouPorn. Avec la mère sur YouPorn. En effet, ça peut poser des problèmes si vous découvrez ça. Horrible. Ah ouais, putain. Et sinon, Mélinda nous parlera tout à l'heure d'un truc qui vous concerne, les filles, qui nous concerne aussi, les gars, mais un truc qui vous complexe peut-être un peu, les filles. Parfois. Ah, bah, on va s'en occuper, ouais. On s'en occupera, on aura la description, oui. Absolument, ouais. Absolument. Sur Skyrock, dans la radio libre, et donc Pamela, absolument aussi. C'est parti, tout de suite. Allez, hop. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est Pamela sur Skyrock. Donc c'est Christophe, Didier, Benoît, JF, le mec qui a plein de prénoms. Aujourd'hui, il s'appelle Jérôme, je vous l'ai dit. Oui, c'est Jérôme. Et donc le coup de fil qu'on vous a retrouvé dans les collecteurs de Pamela, c'est Pamela et Maryse qui font une petite teuf et qui appellent Jérôme. Ouais, c'est ça, tranquillement. Allez, tranquille, c'est parti. Allô, oui. J'attends. Coucou. Allô, Jérôme. Oui. Oui, c'est Pamela et sa copine Maryse. Coucou. On a picolé un peu, là. Ouais. Ah bon? C'est un truc de dingue, hein. Je suis bourré, moi. Non, qui c'est qui est bourré? Nous deux. Et voilà. Ah bon? Ah, la tienne, Étienne. Oh. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un gros goût de dodo? Ah, bah pas du tout. Attends, on va quand même se toucher un peu avant. Vous allez vous toucher? Ah, bah, on est excité, là. Oh. Vous allez me faire goûter, oui. On est devant la discothèque, là, on va rentrer dedans. Ah, vous êtes dehors? Ah eh ben ouais. Oui, on est dehors. Je croyais que vous étiez chez vous. Mais on est dans la voiture. Vous êtes dans la voiture. Quoi, on attend sur le parking. Vous m'attendez sur le parking. Oui, ben oui, exactement. Ah ben non, mais je suis au lit, voilà. Mais non, mais on t'attend pas sur un parking. Qu'il est con, celui-là. Et on attend pour rentrer dans la discothèque. Ah, vous êtes pas rentré encore. Non, mais on attend un peu, là. On va se lécher un peu. Ah ouais, mais je veux bien, moi. Dans la voiture. Ben attends, tranquille. Dans la voiture, bah oui. Oh, ah, c'est excitant. Ouais. Oh, c'est bon. Oh, Ah, t'es chaude, ma Pam. Oh, Maryse. C'est bon, ça. Lèche-moi la minette. Ouais. Je descends. Oh, c'est bon, hein. Oh, t'as la langue râpeuse. Ouais, lèche-la bien. Ah, lèche-moi un peu. Ouais. Lèche-la bien, là. Oh, elle me lèche bien, là. Ouais. Oh, ouais, elle me lèche bien la langue bien râpeuse, comme je veux. Une bonne langue. Ah, ouais, c'est une bonne langue. Allez, tiens, Maryse. Ouais. Ah, tu serais bien ma bite aussi, je crois, hein. Maryse. Oh, bah ça, plutôt deux fois qu'une. Elle en bouffe du chibre. J'adore ça. Ah bah elle adore ça. Vous m'excitez là. Ah bah c'est fait pour, hein. T'es à poil là quand même, hein. Ouais. Ah bah déjà. Ah bah oui, comme prévu. Mais non, mais j'étais au lit là, hein. Ah ouais, tu dors tout nu, toi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Oh, Pam. Oui. Ah, Jérôme. Oh, oui. Je t'entends. Oh, oui, tu nous entends bien, là. Vous m'excitez, là. Oh. Vous êtes bandé. Oh, t'entends, là. Ouais. On aimerait bien te toucher. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, Maryse? On aimerait bien te toucher. Oh, ben, ça me déplairait pas, hein. J'aimerais bien que vous me touchiez, moi aussi. Moi, j'aimerais bien te faire des gros bisous derrière. Oh, ouais, ben, je suis prêt à donner mon derrière, hein, mes fesses. Hein. Ah, cambre-toi. Ouais. Et regarde. Regarde ce beau cul. Oh, il est beau. Il est beau, mon cul. Oh, je peux lui mettre une petite fessée. Oh, une petite, ouais. Ouais. Ah, oh, c'est bon ça. Ouais. Ah. Ouais. Ah. Ah. Ouais. Toi, les filles. Caresser mes couilles par derrière aussi là. Oh bah ça j'adore. Ouais. Je peux. Ouais, caresser mes couilles là. Ouais. Je peux. Ouais. Ah. Bon ça. Bouffe-moi les seins en même temps. Une petite sais encore? Nous, on va rentrer en boîte, là. Hein. Ah oui, maintenant qu'on est bien chaude. Ah ouais, là, c'est... Qui c'est qui veut me sucer, là? Moi! Non, c'est moi! Ah non, c'est moi! Ah non, c'est moi! Ah non, c'est moi, c'est moi, d'abord! Toutes les deux. Toutes je vais les te tirer deux. Les cheveux. Toutes j'en les deux. J'en ai pas. Ah, pas de cheveux. Hein? Oh! Aïe, ouais. Ah, là, tu... Ouais. Oh. C'est bon ça, ouais. Oh, ouais. Oh là, c'est bon. Oh ouais. Tiens. Oh là. Oh là, on va commencer à rentrer en boîte. Ah ouais. Wouh, wouh, wouh. Je me prends la musique. Tintin. Oh. Salut les filles. Hey, salut, c'est DJ Roro. Comment ça va ce soir la discothèque? Allô? Oui. Écoute. Ah, c'est la teuf ici, hein. Hey. Ah, ça y est, on a salut Pam, salut Maryse. Salut, comment salut, tu vas? Bah écoute, ça va bien les filles. Oh ouais, on est avec Jérôme en ligne, il est super. Mais c'est qui ça? Ça coupe pas nous. Ah très bien, mais il vient la soirée ce soir. Jérôme, tu nous rejoins? Ah pas ce soir, non. Allez viens Jérôme, viens. Allez, ça va être super. Viens, t'entends, il y a du bon son. Il y a un mec, il est tout chelou, il danse sur un cube. Bizarre. Bonsoir, c'est DJ Roro, comment vous allez? Ouais. Ça va, la teuf ce soir. Bon, et il vient pas alors votre copain? Les filles? Bah non, apparemment il veut pas venir. C'est où? Jérôme. Oui. Viens. Mais viens. C'est où? Bah on est en boîte là. Oui mais où? À Marseille, à Paris? Bah à Paris. On est sur les Champs. Non, je peux pas, non. Bah t'es à Paris, toi viens, allez. Hey, on est sur les Champs-Élysées, c'est DJ Roro avec vous. Un spécial bonsoir à Jérôme qui peut pas être avec nous ce soir. Ouais, ils t'ont fait une dédicace, Jérôme. Oui. Dégoûté. Ah, t'es dégoûté de pas venir. Ah, c'est clair. Ah, le son, il déchire. Jérôme. Oui. Bon. Ah. Oui. Oh! Ah! Jérôme! Oui, je t'écoute. Ah! Ça va toujours? Oui, ça va, ça va. Ah! Bon, écoute, on va te laisser, nous, on va finir la soirée en boîte, là. Ouais, mais amusez-vous bien, alors. Et puis, on te rappelle bientôt. Amusez-vous bien. La prochaine fois, tu viens, hein. Ah ouais? On se fait vite un rendez-vous, hein. Voilà. Voilà. Ah! Bon bah bisous Jérôme. Comment? Ah. Ah. Oui. Ah. Ah Jérôme. Oui, il faudrait qu'on se voit, oui, tous les trois, oui. Ah bah oui, faudrait qu'on se voit vite là. Ouais. Bah écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se caler ça semaine pro. Le week-end prochain. Le week-end prochain, mais je te rappelle dans la semaine. D'accord. J'essaye de te rappeler avec Maryse. Bah ouais, je vais être là, hein. Ok. Oui, oui, oui, oui. Et on se fera un truc bien comme il faut, là. À Paris? Ah, ben, où tu veux, mon amour? Ouais. Ah. Ah. Une partie à trois? Ah ouais? Une partie à trois, oui. Ouais. Toi, plus moi, plus Maryse. Ouais. Bien. Ah. Tu m'en veux encore? Bien sûr, oui. Elle est bien dure, là, bien raide, ouais. Oh, bon, bah écoute, on te laisse. Bisous. D'accord. Un bisou, à bientôt. Gros bisous, hein, sous ta quiquette. À bientôt. Bisous, bisous, bisous, bisous, bisous. Mais à bientôt, Maryse. À bientôt, Jérôme. Bisous, je t'embrasse bien fort. Moi aussi, je t'embrasse très, très fort. Gros bisous partout, GG. Moi aussi, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Partout. Ah. Bisous, Jérôme. Coquin, va, bisous. Bisous. Bonne nuit. Y a pas de mal à être coquin, hein. Ah non, ah, c'est bah ça, il faut, bon, hein. Comment? On adore ça, nous. Mais moi aussi, ouais. Ah ouais. À tout à l'heure. Je vais me terminer tout seul. Ah ouais, bah vas-y, dégoûté. Allez les filles, bonne soirée à la discothèque. Salut DJ Roro. Oh putain, il est dégoûté. Ah ouais, il était dégoûté. Ah, dégoûté. Et lui, enfin, on lui a non, fait mais un lui, sketch. Mais il lâche rien, on lui fait un sketch et tout. Le mec, il continue à bander, il continue à se branler. Bah. Ce qui est grave, c'est que le mec ne se doute de rien. Mais non, mais attends, non, mais là. Ça l'a excité, c'est dit putain, sont en boîte, elles vont se faire traîner les mains. Avec Romano, il était mort de rire, qui sautait derrière son micro depuis son micro. Ah mais le mec, normal. J'ai cru que t'allais te pisser dessus un moment. Ah lui, il comprend rien de rien. Ah non, mais rien. Il est en dépression, vous l'avez coupé dans sa. Ah ouais, le mec, il était dégoûté. Je vais me finir tout seul. Eh ben oui, tu vas te finir tout seul. Eh ouais. Il va bien se finir tout seul. Ça, je le confirme aussi. Oh, putain, désolé. Hein. Désolé, mon ami. C'était Jérôme. Il était dégoûté qu'on accroche. Et attention, bonne nouvelle. Ne soyez pas dégoûté. Pamela sera de retour tout à l'heure. Sur ce Allez, encore une fois. Et oui. Encore et toujours. Et pour la suite, alors les réactions pour le problème du mois, faut qu'on les prenne tout de suite. Et juste après, on prendra Melinda. Alors, réaction pour le problème du mois. Pour la maman YouPorn. Ah oui, il y en a qui ont appelé aussi. Maman salope. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, enfin, salope. Quoi, c'est maman qui s'éclate sur YouPorn, quoi. Maman qui s'est éclatée, ouais. Surtout. C'est comme ça que vous l'aviez appelée tout à l'heure, oui. La pauvre. Enfin, la ouais, pauvre. En fait, c'est elle, quoi. C'est la mère de Thomas. Bon, en fait, c'est lui le pauvre, surtout. Ah, bah ouais, dans l'histoire. Bon, en fait, lui, il a été voir la section femme un peu âgée, quoi, genre les granny. Quoi, granny Graviard. Ouais, MILF, tout ça. Ouais, c'est MILF. Et bon, en fait, il a commencé à se branler parce qu'il voyait pas la tête de la meuf et se faisait prendre dans le vrette. Bon, la meuf, quand elle s'est relevée, il s'est trouvé que c'était sa mère. Oh, bon, ouais. Forcément, à ce moment-là, il a débandé, il a vomi et depuis, il est mal. Il a juste regardé sa mère. Elle le dégoûte. C'est, elle le dégoûte, oh, c'est putain. Ça, Romano. Il y a du dégoût dans l'air. Oui. Et là, on a Damien et Ilmaz, deux premiers témoignages pour le problème du mois. Il y aura la réponse tout à l'heure. Hein. Damien de Angers, Ilmaz de Mulhouse. Salut les gars. Salut. Salut les gars. Salut. Coucou. Comment ça va? Ça va. Alors Damien, toi tu voulais réagir par rapport à ça, t'as vu qui toi? Ouais, c'est ça, j'ai sauté mon ancien patron avec la secrétaire dans une voiture au garage. Ah toi tu les as pas chopés sur internet? Ah ouais, toi tu les as vus en live quoi? Ouais c'est ça, sauf qu'eux ils m'ont pas vu en fait, ils pensaient pas qu'à ce temps-là il y avait du monde d'arriver. Et se faisait bien niquer? Bah franchement ça m'a dégoûté, j'ai tourné la tête, je suis reparti. Ça t'a dégoûté? Moi, ça m'aurait fait rigoler, moi. Ah ouais? Non, ça m'a fait dégoûter. Le dossier. Après, il m'a dit dans la journée qu'il fallait que je nettoie la voiture parce qu'elle était vendue, en fait. Ah, nettoyer la voiture, j'y ai laissé du foutre. Ah non. Et puis, ouais, il doit y avoir 2-3 poils de chatte de la secrétaire. J'ai été le voir pour dire qu'il se foutait de ma gueule. C'était abusé, franchement. Il pouvait pas faire ça. Tu lui as dit à ton patron que tu l'avais vu? Je lui ai dit, je peux pas nettoyer ça. J'ai retrouvé, enfin, il y avait des taches, il y avait des capotes dans la voiture. Je pouvais pas nettoyer ça. Ah ouais, l'autre, ils ont fait ça à la porte, quoi. Ouais, tu vas nettoyer, t'es l'employé, tu m'en esclaves. Mais ouais, tu nettoies mon sperme. Fallait les filmer, tu les aurais mis sur. Ça t'aurait peut-être posé des problèmes après, oui. Ouais, non, il vaut mieux éviter. Ouais. À la limite, tu les filmes, tu gardes la vidéo pour toi, quoi. C'est mieux. Bah ouais, t'aurais dû faire un petit film pour les collègues. C'est sympa. Oui, bah voilà. Mais quand j'ai dit ça à mes collègues, tout le monde était mort de rire. Non, mais même pour le patron, tu vois, ça lui fait un petit souvenir. Ouais. Oui, bah oui. Et la secrétaire aussi. Bah ouais, attends, les deux quand même. Et toi, Ilmaz, alors, t'as vu quoi? Moi, j'avais une copine du lycée sur Ugiz. Et bah, en gros, j'ai montré la vidéo à 2-3 potes. Mais c'est une vidéo qu'elle avait postée elle-même ou. Apparemment son ex. Ah, son ex. Ah oui. Et justement, et après, bah, j'ai demandé de pas faire tourner vu que je voulais me la serrer, quoi. Mais au bout de 2-3 jours, bah, y a tout le monde. Non, mais évidemment, mais toi aussi, t'es con. Tu dis à 2-3 potes. Déjà, tu la montres à 2-3 potes. Les 2-3 potes, chacun vont le montrer à 2-3 potes qui, eux, vont remonter à 2-3 potes. Et un PM, ils vont te faire vite le faire le tour. J'ai pas calculé ça comme ça. En moins d'une semaine, tout le bahut est au courant, forcément. Ah, 2 jours. 2 jours. Ah, bah, tu vois, encore plus vite. Ah, bah, ah ouais, ça, c'est évident. Et après, ouais, bah, la meuf, elle a changé de lycée. C'est horrible pour elle. C'était pas top. Ah, bah, non, ouais. Ah, bon. T'imagines, comme elle a dû en vouloir à son ex. Top, ouais. D'ailleurs, elle a dû porter plainte contre son ex qui doit être mal aujourd'hui. Ouais, bah, bon. La vidéo, là, elle y est plus sur le site. J'avais gardé le lien, mais. Ah, oui, il les enlève, ouais. Je vais la retrouver. Ouais, non, mais le problème, c'est que même après la vidéo, elle est enlevée, mais tu sais, ça. Ouais, tu peux la retrouver. Non, mais puis ça fait du mal. Tu vois, la meuf, peu importe quoi, c'est que la vidéo, elle a tourné. La meuf, c'est horrible pour elle. Ouais. La meuf, c'est pour ça que les mecs se font condamner. Il y a un mec qui a fait de la prison pour ça, d'ailleurs. Mais même, tu vois, moi, je sais pas, moi, ça m'arrive. Bon, ok, je sais pas, la meuf, elle est condamnée, mais après, le mal, il est toujours là, quoi. Bah, bien sûr. Ah, c'est pour ça. Que... Ouais, c'est horrible, quoi. Ouais, c'est difficile, hein. C'est pour ça que maintenant, ils sont condamnés ou à beaucoup d'argent ou à la cabane. Ouais, ouais, mais. Après, ça fait quand même bien chier. Bon, l'autre, il est en cabane, mais toi, tu passes toujours pour. Bah, elle a déménagé depuis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, en espérant que ce soit pas su où elle était, ouais. Ouais, je vous ai pas demandé comment vous réagiriez par rapport à la daronne. C'est ça, en fait, la question qu'il pose. Comment il s'appelle? Thomas. Thomas. Thomas du problème du mois. Ouais, qui a vu sa daronne, elle, lui, sur YouPorn. Mais il est mal par rapport à la daronne. Tiens, si vous êtes là tous les deux, comment vous réagiriez, vous, Ilmaz? Ah, moi, je l'aurais mal pris, moi. Alors, toi, c'est. Non, mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est quand même, Thomas, il a pas eu de bol, parce que, quand même, sur YouPorn, vu le nombre de vidéos qu'il y a, tomber sur sa mère, faut y aller. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il a pas eu de bol. T'as raison de le souligner. Non, mais c'est vrai, il y a des millions de vidéos dans chaque catégorie. Ah, il faut que ça tombe. Bam, ouais. Le mec, qui tombe sur une vidéo. En plus, c'est pas la catégorie qui va avoir le plus. Bing, il tombe sur sa mère. C'est vrai que c'est quand même pas de ça, bol. C'est ça, c'est con. Ça, t'as un mec, t'as la poisse. Elle était peut-être en vidéo star. Ouais, ouais, mais ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Et toi, Ilmaz, ben, ouais, vas-y, Damien. Il y a moi, c'est qu'il parle avec ça, qui dit directement ça à sa mère. Enfin, c'est chaud à dire, quand même. Ouais, mais faut lui dire, au moins qu'elle la fasse enlever, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ou alors toi tu fais, tu peux. Hein, j'imagine, il doit y avoir un truc. À vrai dire, je me suis jamais trop renseigné, mais tu sais, sur YouPorn, il doit y avoir pour signaler une vidéo. Ah, je sais pas, ouais. Ouais, bah on envoie un mail. Tu peux directement tu crées la vidéo. Ah, t'envoies un mail. Ouais, bah. Bah envoie un mail. Non, mais Thomas, ouais, fais-le. Genre, fais-le de l'adresse mail de ta mère et puis voilà. Hein. Oui, il faut qu'il fasse. Ouais, ah ouais, ouais, non, mais oui, parce qu'un jour ou l'autre, lui, il est tombé dessus. D'autres gens qui tomberont dessus. Hein. Oh, j'ai vu ta mère, tiens. Ouais. Mais déjà, son père, il peut tomber dessus. Ça peut foutre la merde. Ouais, mais si elle a donné son autorisation et tout ça, non? Ah bah dans ce cas-là. Bah ouais. Je sais pas trop comment ça marche. Comment tu fais pour envoyer des vidéos? Normalement, on peut signaler la vidéo, je pense. Non, mais ouais, tu vas pouvoir signaler, oui. Attends, je vais sur une vidéo. Je vais voir si on peut la signaler. Très bien, Cédric. Tu vas te rincer l'œil. Il y a une vidéo de moi. Tu touches pas, Cédric. Non, tranquille. Non, la vidéo de Cédric, c'est YouPorn qu'on n'a pas voulu. Je vous fais non, gardez-la, monsieur. On veut pas de ça chez nous. Bon, merci pour les témoignages, Ilmaz et Damien. Vous n'allez pas quitter. Tout à l'heure, la réponse du problème du mois, d'autres témoignages aussi. Ah bah, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Hein. Et puis, comment vous réagissez? Merci, les gars, en tout cas. Ouais, merci à tous les deux. Voilà, s'il y en a qui réagissent bien, faut nous dire aussi. Hein, parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui réagiraient bien. Je vous trouve un peu intolérant quand même. Attends, un peu fermé d'esprit. Oui, on peut le dire. Ah, il est super ce problème du mois. Et il y aura le problème du mois sur la mocheté tout à l'heure aussi. Ah bah oui, promis, je vous le ferai. Tu le feras quand même. Bon. C'est une grosse soirée problème du mois. Ah ouais, grosse soirée problème du mois, grosse soirée Pamela. Et grosse soirée, vous allez voir pourquoi maintenant. On va prendre Mélinda, on a le temps de la prendre, oui. Alors Mélinda, explique-nous pourquoi tu nous appelles toi. Eh bah alors, en fait j'ai un gros problème que certaines filles ont réussi à avoir. Déjà t'as un problème de téléphone. J'ai compris moi ce que tu as dit. Oui. Déjà le premier truc c'est que t'as un problème de téléphone. Vas-y, parle bien dans ton téléphone, dans un endroit où on te capte bien, où il y a plein de réseaux qui pulsent. Bah en fait, c'est bon là. Ouais, vas-y. Voilà, mais en fait, j'ai de grosses fesses. Qu'est-ce qu'elles ont, tes fesses, Mélinda? Elles sont énormes par rapport à mon corps. C'est-à-dire que si je vais faire un petit dessin, ouais, mais tu vas pas voir. Ouais. Alors, ton corps serait à peu près comme ça. Voilà, je fais le dessin. Non, mais genre, t'es gaulé comme une carafe? Voilà, Romano, je viens de dessiner Mélinda, comment tu la trouves? Il y a un problème. Mais déjà, logiquement, tu tombes à l'arrière. D'après mon dessin, d'après le dessin que je viens d'effectuer, tu tombes à l'arrière. Oui, tu peux pas tenir debout. Donc, tu trouves que t'as des grosses fesses ou t'as des grosses fesses? Ah non, on me le dit à longueur de journée. Hein. Ah, tiens, j'adore les gros culs, nous dit Tony Tog Life. Tu te fais traiter de gros culs? C'est une bouteille d'Orangina pour Nabil. Ah ouais, non, mais j'ai des réflexions, genre, quand je passe, il y a des garçons qui vont siffler ou des trucs du genre. Bah ça c'est plutôt bien ça. Ouais mais voilà enfin... Bah vaut mieux faire ça que les mecs ils dégueulent hein. Ouais mais si tu veux à chaque fois que j'écris au tableau en cours j'en prends plein de réflexions. Ah ouais, ah bah ça oui ça c'est clair. Mais de toute façon les filles quand vous êtes au tableau en cours et que vous êtes de dos, qu'est-ce que vous voulez combattre à part votre cul? Non mais ouais. Tu t'habilles comment? Tu mets des slims, des trucs comme ça ou pas? Bah je mets des slims et j'essaye de le cacher avec des pantalons foncés mais j'arrive pas quoi. Moi je mets des slips. Ouais. Ah ouais. Bah ouais, écoute, puis... c'est la classe c'est... Non, je veux pas string, non. Ouais, puis le problème, non, c'est des quand slips, tu mets... Il a dit, là. Non, tu ne comprends absolument rien. Depuis le début, c'est complètement abruti. Il y a des foules qui t'ont dessiné, mais laisse tomber la gueule du dessin, ma alors, pauvre. Alors, Marie, j'ai dessiné Mélinda. Marie, oui, mais Marie, toi aussi, t'es complètement lag, puisqu'on en a parlé il y a 2-3 minutes. Ouais, ça me fait rire. C'est l'effet de l'alcool. Samy, ouais, t'arrives. Ouais. Samy, tu nous suis. Tu te mets un peu, les gars. Je vais me mettre vers vous parce que les deux là à ma droite, ils bougent plus. Parce qu'il y a. Non, mais je l'avais pas vu. Ça me fait rire. Cédric, ce soir. Il y a le gang des non-comprenants. Non, si, je comprends très bien. T'inquiète pas. Ouais. Et des mecs à bout de nerfs aussi, a priori. Non, mais t'essayes pas de mettre des tuniques un peu longues parce que ça peut planquer. Bah, si, mais je trouve pas ça très beau, en fait, voilà. Il y a une bosse, comme sur un chameau. Tes jambes sont fines? Bah, ça va, en fait. Elles sont proportionnelles à mes fesses, mais le haut de mon corps, c'est carrément pas ça. Et t'as des gros seins? Bah, normal. Ça équilibre. Non, mais c'est-à-dire par rapport... qu'on voit à peu près un peu en taille de bonnet. Ta physionomie. Oula. Ta physionomie. Ok, tout va bien. Toi, je sais pas dans quel camp on va te mettre. Tu fais combien de seins? J'ai dit 80B. Ah, c'est pas très très. Oui. Ouais. Oh, si, t'as des. T'es fine en fait, oui, t'es fine de corps. Parce que 80, ça veut dire que t'as un tour de. Ouais, c'est tout fin. Un tour de poitrine qui est. Ah, 80B, c'est petit. Ouais. Ouais. Pas super large. Non, et B, ça veut dire que t'as des gros. J'ai 14 ans, hein. Oui, ah ouais, non, mais ça, temps, ouais. C'est sûr. Non, mais c'était pour voir si c'était équilibré les seins et les. Pas, ouais. Pas trop. Mais là, en fait, j'aimerais peut-être porter, tu sais, il y a les gens, les petites robes, tu sais, qui sont marquées à la taille et puis qui sont un peu volantes en bas, là. Oula. Oui, c'est vrai. Ouais, bon. Voilà. Elle est arrivée en robe de soirée au bahut et qui a des talons hauts comme Nabila. Non, Nabila, c'est pas robe de soirée, c'est mini jupe pouf. Oui, c'est ça. Et il n'existe pas des culottes qui te compressent les fesses. Mais là, j'ai vu une pub à la télé, là. Avec Sonia Roland. Ah oui. Et elle a l'espèce de machin, là. Comment ça s'appelle? Un legging. Un legging. Un legging qui fait maigrir. Il y a quoi, qui moule le cul, ouais, je sais pas, enfin ça. Non, ouais. Ça cache, ça cache. Ça doit pas être confortable. Ouais, mais bon, alors on a pas besoin. Si mon père, il apprend que j'achète ça, il défonce, il me tue, je crois. Ah. Il y a Diffoul Ultra Beau Gosse qui te conseille la même chose que Romano. Tu mets des leggings yoga pants spandex. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des leggings yoga pants spandex. Non, mais c'est vrai que t'as plein de trucs, genre gaines et tout pour. Des gaines, une gaine à 14 ans. 14 ans, ouais, la classe. Ah, c'est bien le piste. Non, mais faut comprendre. Quand tu vas avoir EPS, ça va être super, ça. Ah, ouais. Bah, en tout sport, cas, tu vas amuser la classe. Tu vas avoir la cote. Je pense même qu'à ce niveau-là, tu peux amuser le bahut entier. Non, mais ça existe, ça existe. Bon, on t'appelle Orangina parce qu'il y a Nina qui nous dit qu'elle, on l'appelle Orangina au bahut. Ah oui, non, mais j'ai le droit à tout, moi. Et il y a Anthony qui traque sa sœur parce qu'elle a des grosses fesses, il l'appelle Orangina et il met lol, MDR. Il est très content. Je pense qu'il va aller la voir, il va aller lui dire. Tiens, écoute, je parle de toi sur Skyrock. Super, écoute. Orangina. Il faut secouer, Mélinda, sinon la pub reste en bas. Mais que vous êtes con. Oh, tiens, regarde, Cédric Lafrite, des Bouches-du-Rhône, 17 ans, qui nous fait, moi j'adore les gros culs. C'est trop bon, un bouboule. Tiens, voilà, un autre message de Moko, qui est dans le 93. Moi, j'aime bien les gros culs, et j'ai un gros cul. Mais écoute, très bien. Il faut que tu t'habilles large, faut pas mettre de slim, sinon ça montre trop. Tiens, Thomas qui dit pas de slim, faut prendre du large. J'ai aussi de grosses fesses, les cacher. Moche, quoi. Non, le pire, c'est en fait quand t'as des grosses fesses et que tu veux les cacher, faut pas les cacher, des grosses fesses. Parce que des fois, il y a des meufs, elles ont des grosses fesses et elles mettent genre 4 pulls dessus. Ouais, pulls, ça les fait grossir encore plus. Gros, ouais. Au final, c'est encore plus gros. Plus, ouais. Tu vois que ça d'ailleurs. C'est vrai. Faut faire du fitness, salle de mais fitness. Mais genre, tu trouves que t'as le cul comme Nicki Minaj? On parle pas. Ah, mais franchement, ça s'en rapproche. Non, mais Nicki Minaj, elle est équipée, elle est carrossée. Et elle est obèse. Du cul. Non, bah non. Non mais juste du cul. Ah, c'est vrai. Elle est obèse, moi je trouve. Ah ouais. Bah elle a un. Franchement, quand cul, elle s'est assise sur ma chaise, parce que moi je lui ai filé ma chaise. Elle l'a cassée. Non, elle l'a cassée. Les fesses sortaient de derrière la chaise. Non, parce que nous, avec Samy, on était à côté, on a dit putain, ça déborde. C'est vrai, ça déborde. Même, moi je l'ai vue debout. Elle, à l'occurrence, elle avait un legging. Là, les trucs moulants. C'est vrai que. Putain, c'est. Ah, il y a des bateaux aussi, quoi. Ah ouais. Tu vois, il faut pas avoir honte. Nicki Minaj, elle le monte à la télé, dans les clips, dans les studios de Skyrock. Ouais, non, mais en plus, le nombre de mecs qui aiment ça. Et le nombre de mecs qui aiment. Ah non, mais les gros culs, mais. Le nombre de mecs qui aiment, regarde. Moi, dans mes potes, c'est. Aigric, on parle de Nicki Minaj, il dit moi, je rêve des gros culs. Nicki Minaj, c'est la plus belle. Ne cache pas tes fesses, c'est sexy, nous dit Mimi-toi. Les mecs, les culs, ça vous. Je vous comprends, on aime. C'est vrai que tu bandes. Tu t'en fous, le gros cul, c'est cool. Le message de In the Sky. Salut à toi, In the Sky. J'aime bien les filles qui ont des jolie femme pour Diffoul le magnifique. Vive les gros culs pour Karim, Romain. C'est une bouteille de Perrier, nous dit Vince. Romain qui ah, c'est vrai un peu. Ouais. J'aime bien les grosses fesses pour Titi du 17 et pour Romain qui aime les gros culs. Je kiffe les gros culs pour Romano le crâne lisse. Alors oui, je disais, tiens justement, Romano le crâne lisse. T'as bien fait d'envoyer ce message, toi, dis non. Je disais donc que j'ai un ami qui est tout petit. Il y a des pubs là, on peut plus là. Mais non, il n'y a pas de pub. c'est pas pour ça que tu vis avec une casquette tout le temps. Bah non. Non, puis moi, les casquettes, c'est pas trop mon truc, ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Manuel était déjà qui en casquette. Non, les casquettes, ça va pas trop. C'est pas le top. Non, mais faut s'assumer comment on est. Non, mais bon, ouais, si bah, ça te fait chier, je sais pas. Si j'avais un défaut, moi, je l'assumerais. Ton pif. Non, j'ai dit si j'avais un défaut. Non, mais non, ton pif. Il ah, heureusement que j'ai un pif. Non, Mélinda, t'as bien aimé, Mélinda. Je crois que t'as un problème de vue en plus du cul. Mais non, mais c'est deux choses. On a bien dit ça, Mélinda. Ce qu'elle veut, l'original. Elle est super, Mélinda. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à Mélinda, là? Vous nous dites sur le. Ah, mais sinon, elle peut peut-être le muscler un peu son cul. Comme non, ça, mais déjà, je voulais savoir un truc. Tout ce que tu veux. Alors, Maria. Est-ce que ta mère, elle est gaulée comme toi?

Quatrième en écrivant petit. Et en écrivant petit, Marie. Ouais. Et sans mettre de marge, hein, rien bien du tout. Bien sûr. Hein. Bon, on s'occupera donc dans un instant de ce problème. Le problème de Valentin, problème de Romano. Mais tout de suite, donc, pour Thomas. Tiens, juste avant la réponse du problème du mois, on va faire un petit tour de l'équipe. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Et on va commencer par, bah, tiens, par Cédric. Laisse-moi tranquille, toi. Donc, comment tu réagis? Tu peux nous expliquer? Ça te ta mère à poil sur YouPorn. Ah, j'ai dit, je pète le truc. Non, mais après. Ça, on sait. Maintenant, ce qu'il faut nous dire. Non, mais je m'embrouille avec la daronne, gros. Est-ce que t'en parles à ta mère ou pas? Ah, j'en parle, mais je m'embrouille avec elle. Tu en parles, mais. Ah, j'en parle, mais vénère, quoi. Romano fait la daronne de Cédric. Oui, bonjour. Non, mais elle parle pas comme ça, déjà, toi. Non, elle mais... parle. Non, oui, non, on dirait une mamie. Bon, quand tu fais ça. Ouais. Bonjour. Ouais, maman, il y a un problème, là. Oui, c'est ta gueule, non? Non. Oui, j'en ai un autre. Je sais, je t'ai fait tomber à l'accouchement. Ok, ouais. Ouais, j'ai vu une vidéo sur le net, là. C'est quoi ce délire, là? T'es baisé, toi, quoi, dans ta tête? Ah, je me suis bien fait baiser. Ouais, ta gueule, allez. Ouais, parle bien, toi, déjà, parce que je vais te niquer. Tu parles pas comme ça à ta mère. Ah, ta gueule, je te baise, toi. Eh, tu parles pas comme ça à ta mère. Allez, ta gueule. Eh, sinon, je te fous un coup de marteau dans la gueule. C'est ça, ouais. Coup de marteau. C'est déjà fait. Attends, t'inquiète, le sport élec, là, pour le problème du mois, mon pote. T'es con. Je suis ta mère. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me parles autrement. Allez, ta gueule. M'en veux. Donc, Cédric, c'est à peu près ça, toi. Ouais, ouais. T'en parles, toi, sûr. Ah, ouais, j'en parle sûr, mais t'es fou, toi, quoi. Je règle le truc direct. Sûr, sûr, sûr. Marie. Moi, je lui adresse mes félicitations. Bravo, maman, tu es actrice. Non, mais moi, déjà, j'y crois pas. Mais tu vois. Non, mais première chose, j'y crois pas. Je pense que c'est un sosie, tu vois. Donc, Marie, tu retournes voir pour vérifier. Bien sûr. Elle enchaîne, tu sais. Non, mais moi, ça me dégoûte. Moi, je pense que j'en parle même pas. J'en parle pas, mais j'en parlerai peut-être à ma sœur, tu vois. Bah, moi, je suis tombée sur un truc chelou. Va vérifier. À ta sœur. Ah, bah ouais. Ah, moi, je pense que j'en parlerai à quelqu'un aussi. Ouais. À ta sœur aussi. Ma sœur, pourquoi pas, ouais. J'avais pensé à mon père au début. Papa, regarde, il y a maman à la télé. Moi, c'est une fille, donc bon. Ouais, peut-être à ma sœur. C'est moins pire. Ah, t'en parleras pas à ton père, toi. Non, peut-être pas au père quand même. Bah, le père, il apprend qu'il est cocu et que sa femme se fait déglinguer sur internet. Toi non plus, Romano, t'en parleras pas à ton père. À mon père, non, et à ma mère, franchement, je serais un peu de l'avis de la Marie. J'aurais du mal, tu sais. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais du mal. Non, mais ce que je ferais, c'est que je ferais tout pour faire enlever. Ah, cette putain de vidéo de merde. Non, c'est le spoiler qui t'a fait mal. Je crois qu'il marche bien là. Et toi, Karim? Ah non, moi, t'es fou, gros. Quoi? Ah, mais l'autre, la tête qu'il a. Il se met la tête dans les mains. Les yeux et tout, les mains sur la tête. Embrouille, man. Des stress. Embrouille. C'est juste une hypothèse. Non, mais tu lui en parles? Ah, moi, mais tu lui dis comment? Mais moi, je lui dis, non, mais maman, mais pourquoi tu fais la qahba? Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais ça va pas dans ta tête? Ah, moi, je pense que je dis rien, je fais enlever la vidéo, quoi. Ouais, moi aussi. Mais j'aurais du mal à lui dire, maman, je t'ai vu en train de te faire baiser sur le net, quoi. Voilà. Hein, t'es fou, mais moi je lui dis normal, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais la khaba, mais ça va, mais vous êtes ouf! Oh, mais t'es fou, mais moi je lui dis. Et si elle te dit, j'aime bien. Ah bah t'es plus ma mère, je ne suis plus ton fils, je ne veux rien savoir. Non, mais parce que bon, après, peut-être elle kiffe, hein, y a des gens qui kiffent. Et c'est pas interdit, hein. Ah non, mais c'est pas interdit. Je dirais, si la vidéo elle a été mise parce qu'elle était d'accord et tout, après c'est sa life, quoi. Bon, Iman, après, c'est horrible, j'aimerais pas que ça soit ma rhum, mais. Iman serait très choquée, elle nous dit qu'elle insulte sa mère. Faut pas parler mal à sa mère, Iman, là. Iman sur SMS. Moi, je lui en parle, mais je serais vraiment trop mal. Moi, je vomis. Et il y a Estelle qui dit, c'est vrai, ça, on le sait pas. Va savoir, c'est peut-être le daron qui tenait la caméra. Oh. Ah ouais, il y avait bien quelqu'un qui tenait la caméra. Non, mais oui, non, mais peut-être que le daron est au courant. Ah non, mais là, c'est pire que tout, là. En fait, t'en as pas un, t'as les deux. Les deux, ils sont complètement arrachés. Là, t'as ton père qui arrive. Ah bah oui, c'est moi qui filmais. Ah bah oui. Attends, j'ai encore l'original. Au courant, fiston. On va la regarder. Horrible. Bon, réponse du problème du mois, on est prêt? Ouais. Allez, c'est parti. La réponse de ce problème du mois. C'est un psychologue qui répond, il n'a pas de nom, le monsieur. On va voir ce que répond le psychologue du site pornodépendance.com. Voilà. Mon cher Thomas. Évidemment, quel choc pour toi de voir celle qui t'a conçu, qui t'a élevé sur un site pornographique que mettent des internautes pervers comme toi et moi. C'est horrible. Pervers comme toi et moi, il répond. Oui. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Qu'elle s'exhibe. Ah! Un petit coup. Qu'elle s'exhibe sur Internet en faisant l'amour? Ou qu'elle te le cache? Nous avons chacun un jardin secret sexuel. Je vais te démontrer pourquoi il ne faut pas avoir peur. De quoi? Bah de faut pas avoir peur de la vidéo, tout ça. Ah bah putain. Premièrement, s'il y arrive, chapeau. Elle vit à fond son fantasme. Ça prouve que ta mère est heureuse dans la vie. Et est sans tabou. Et sait se faire plaisir. Il y a de nombreuses personnes qui se réfrènent. Toi, ta maman, vit sa vie à fond. Oui. Et ça, c'est plutôt bien pour elle. Et c'est vrai que vu comme ça, bon. En tout cas, la vidéo est bien la preuve qu'elle est bouillante comme un volcan. Oh bah, oh, super, ça doit le rassurer, ça tient. Ensuite, si elle publie ça, c'est qu'elle est sans doute exhibitionniste. Ce n'est en rien une détraquée sexuelle, simplement, elle aime être regardée en faisant l'acte sexuel. Je comprends que toi, cela te pose problème, mais pourquoi es-tu tombé sur elle? C'est bien que toi aussi, tu traînes sur des sites porno. Ouais, enfin, il y a une différence entre regarder des films de cul et les faire. Je te conseille donc, peut-être, d'essayer d'en parler avec elle, lui demander quelques explications. En tout cas, bon courage pour la suite. Et à bientôt. Et attention aux vidéos que tu regardes. Bon courage. Voilà, donc en fait, pour lui, c'est super. C'est super, elle s'éclate. Elle est contente. Ouais. Et elle est épanouie. Épanouie dans sa vie. Et c'est bien. C'est vrai que vu comme ça, c'est cool. Bon, le problème, c'est que t'es son fils. Et ça, c'est moins bien. Ça, c'est ça qui est moins cool dans l'histoire. Chiant, ouais. C'est moins bien. Ah ouais, ouais. Il y en a qui quitteraient le pays, d'autres qui quitteraient l'Europe carrément. Damol du 10, lui, qui quitterait l'Europe. Et même qui quitterait le monde. Et pour ça, je voudrais saluer Chinese. Ouais, le problème c'est que YouPorn c'est mondial. Hein. Et ouais. C'est vrai ça. C'est ouais. Dans le monde entier, elle peut être vue. Imagine, t'arrives dans un pays, oh j'ai vu ta mère. T'arrives en Chine, oui, bonjour, j'ai vu ta mère. Mon nom débute à maman. Super. Bim bim. Bon, en tout cas, moi je suis content que ce soit arrivé à Thomas et pas à moi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Ah, hein. Bon courage, mec. Hein. Ouais, oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va retrouver Valentin qui est dans le coin. Et puis tout à l'heure, vous nous donnerez votre avis sur les fesses de Mélinda. Mélinda qui trouve qu'elle a un gros cul, mais c'est très bien le cul. Bah, moi, et au moins t'as de quoi t'asseoir dessus quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal. Et puis moi j'ai plein de copines qui trouvent qu'elles ont... Ah tiens, Cédric vient de sortir en courant, je sais pas où il va encore chier dans oh là, j'ai la curante. Ça fait 4 fois. Ah bah c'est ça, oui. Ça fait 4 fois qu'il fait des allers-retours entre le 3ème étage parce qu'il a bousillé les chiottes d'en bas qui sont insalubres et qu'il est obligé d'aller au 3ème. Ouais, ouais. Je crois qu'il est mal. Je crois le qu'à un moment ou un autre il va pas y arriver au 3ème. Il est mal le man. Oui, je disais quoi avant d'être perturbé par Cédric. Ah mais c'était passionnant d'aller prendre Valentin. Oui, on va prendre Valentin. Alors, Valentin, qui a un problème, qui est le tien, Romano? Alors, un problème, qui est le tien? Mais quel est ce problème? On parlait des fesses de Mélinda, voilà. Ça, ah ça. Oui, les fesses de Mélinda. On s'en occupera juste après. Alors, Valentin, t'es à... il est où, Valentin? T'es à Rouen, c'est ça, tu nous as dit. Hein, c'est ça, oui. Eh bien, sois le bienvenu, Valentin. Un problème que tu connais, qui est un problème de Romano, mais quel est ce problème? Il en a tellement, mais oui, quel est ce problème? Je sais pas, ça peut être. On nous dit quand moi, il fait des. Moi, je pense tout de suite aux cheveux. Quand il fait du. Quand tu penses aux cheveux, tu crois que Valentin a 15 ans, il est chauve? Ah bah, on sait jamais. Hein. Est-ce que t'es chauve, Valentin? Non. Il y a Hip Hop là qui nous laisse un message sur SMS et qui nous dit, c'est une bonne question. Est-ce que quand il fait du ski, il pue des pieds? Non, c'est pas ça. Non, mais Romano, ça, quand tout tu fais du ski, pue des pieds. Jamais, j'ai pué des pieds de ma vie, moi. Bah, en faisant du ski, c'est obligé. Tu veux que je te fasse sentir mes pieds, Romano? Non, ça va aller, peut-être. C'est peut-être bon, pas ça va. Plus. Karim, tu veux sentir mes pieds? Non, ça ira, gros. Pourquoi tu veux pas sentir mes pieds? Moi, je peux les lécher tes pieds. Il va falloir qu'on envoie quelqu'un au 3ème étage pour voir dans quel état il est, Cédric, parce qu'on a toujours pas de nouvelles. Il est monté tout à l'heure. Ouais, mais c'est à 21h, il est arrivé. Oh la bouffoule, je suis malade. Il est inconscient, noyé dans sa merde. Il était dégueulasse. Suant, mais un truc abominable. Je dis, mais qu'est-ce que t'as, mon pauvre Cédric? Je suis malade, je sais pas ce que j'ai. Ah ouais, ouais. Le problème de Valentin, puisque vous cherchez, il a un petit sexe, non? Il est sorti avec des cadavres. Oh, c'est pas gentil pour les ex de Romano. C'est Woman qui nous laisse le message. C'est pas très gentil, Woman. Tu as 16 ans. Tu es une fille, mais tu n'as pas le droit de critiquer les ex de Romano. Il les aime tellement fort. Parle pas mal quand même. Romano. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Tu es pas un cadavre? Non, t'es une tortue. Oui, c'était de tortue. Oui, bah écoute, à choisir. T'es radin. Est-ce que t'es radin, Valentin? Non. T'es pas radin. Romano aussi, il est radin. Hein. Je dirais. Meuf, elle est folle de chien, nous dit celle de la Somme. Non. Non, une calvitie. Non, des problèmes de dents pour Infinity. Non. Il bug comme Romano, on nous dit. Bisigu. Bisigu. Tu es un artiste comme moi? Non. Moi, je suis le prince du hip-hop, t'es au courant, man? Alors, il y en a qui sont inquiets parce que c'est compliqué, ils nous disent tous les défauts sont possibles. Comme c'est compliqué, je ne sais rien. Je ne sais pas, nous dit Max sur petit. SMS. Non, je dirais, ouais, il y a quelqu'un qui dit la pomme d'amour, t'as des lunettes. Il a des lunettes. Tu vas avoir des lunettes. Oui, j'ai des lunettes, mais c'est pas ça le problème. T'as des problèmes de dents? Non, Marie, on l'a déjà dit. Ah, bon, bah, je le répète. Non, mais en plus, vous avez donné la bonne réponse. Attends, ce qu'on a dit. Bah oui, en plus vous êtes plein à l'avoir trouvé sur les SMS, cheveux. Regarde. Les dents, les cheveux. X-Fool qui nous dit il est minuscule. Eh bien oui. Ah, t'es tout petit? Oh, il bah est oui, tout petit. Ouais. Mais tout petit, petit. Tout petit. Mais combien tu fais? Combien tu mesures de petit? Eh ben 1m45. Ah, t'es ah oui, tout quand petit. Même. Oula. Comme Romano, ouais. Mais avec 9 cm de moins. Ah ouais, t'es tout petit. Ah ouais, à 15 ans. 1m45. T'es le plus petit de ton bahut, hein. C'est clair. Bah ouais. Ouais, c'est bien. Et ça pose titre. Et est-ce que ça pose des problèmes d'être tout petit? Bah ouais, déjà, les moqueries. Les moqueries, c'est-à-dire qu'ils te disent quoi? Ils te disent, oh putain, espèce de Romano. Petit nain de jardin. Petit nain de jardin, mais comme Cédric qui dit à Romano, il arrête pas de lui dire t'es un nain de jardin, t'as vu, hein? Ouais, ouais, bah dis donc. Et après, Romano. Tes potes ont aussi des aussi bonnes vannes que Cédric. Eh oui, il est mort de rire, le couillon. Eh oui, que t'es pas bien intelligent, Cédric. Oh, il est malade. Sale. Ouais, c'est petit, 1m45. Mais ouais, tout ce qui est petit est joli. Enfin bon. Oui, mignon, on dit, mais bon. Non, on dit tout ce qui est petit est joli, Marie. Ah bon? Bah oui. Moi, j'ai toujours entendu tout ce qui est petit. Bah non, sinon, ça fait pas de rime, c'est pourri. Ouais. Oui, bon, de toute façon, au final, c'est pas très grave. Oui, c'est pas grave, ça revient au même. Parce qu'on va s'en remettre. Exactement. Je suis pas sûr que ça marche sur tout le monde. 1m45, c'est petit, en effet. Mais normalement, à 15 ans, c'est quelle taille qu'on fait? Bah, je sais pas, environ 1m60. Ouais. Combien vous faites, si vous avez 15 ans ou quand vous aviez 15 ans, rappelez-vous, moi je me rappelle pas combien je faisais à 15 ans. 1m45, c'est la taille du nez de Diffoul, non? Mais on lui dit à nouveau sucre. Ça va, dis donc. Mais on l'a pas banni du net sucre? Bah, non, il est encore là. Comment ça se fait? Chacun a le droit de s'exprimer. Ouais, Radio Libre, mais il y a des limites quand même, sucre. Ouais, 17 ans dans les Yvelines, là, dis donc. C'est comme ça. Ouais, combien on fait à 15 ans, ça y est, je me rappelle. Je faisais 1m90. Ouais, évidemment. Normal. Ouais, mais quelqu'un de normal, quoi. Alors, combien on fait à 15 ans? Comment tu fais, Karim, à 15 ans? À 15 ans, putain, gros. Je sais pas, moi, j'étais tout petit, donc. T'étais tout petit? Ah ouais, je crois que je faisais même pas 1m50. Ouais. Comme Romano. Ah ouais, j'étais tout petit, gros, mais. Et maintenant, t'as fait combien? 85? Non, 80, gros. Tu fais que 80, toi? Ouais, 80, moi, comme ça, ouais. Que 80, toi? Ouais. Donc, tu vois, regarde, il était tout petit, Karim, à 15 ans. Ouais. Tout petit. Ouais, j'ai grandi d'un coup aussi, pareil, comme ça. Tes parents, ils sont tout petits? Bonne question. Non, justement, mon père, il fait 1m85. Oh. Et ta mère? Et ma mère 1m60. Non, mais en même temps, à 15 ans, c'est pas inquiétant, hein. C'est pas, tu vois, t'as pas fini ta croissance. Ouais, si tu vois, voilà, ça va. Bah ouais, dire, moi, 21 ans, 1m54, si tu veux, c'est râpé, quoi. Ah ouais, là, c'est fini, là. C'est râpé. Ouais, mais quand je vois les autres qui font 1m60 et quelques. Ah, tu dois te faire traquer d'être le petit du bahut, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ah, bah, ça m'y connaît le problème. Ouais, bah, moi, c'est à peu près à cet âge-là que j'ai grandi. Hein. Je suis passé d'un des plus petits de la classe à un des plus grands, tu vois. En 3 mois. Donc, tu vas peut-être faire une poussée. Après, tu vas avoir mal à toutes tes. T'as très mal derrière les genoux, là. T'as mal à la jambe. Mon père, c'est pareil. Il était 1m50 et il a pris 30 cm en un an. 30 cm en un an. Ouais, ah ouais, tu vois. Mais il avait des problèmes aux genoux à cause de ça. Ah, bah, ça pousse. Ah, j'ai une nouvelle de Cédric qui m'envoie un SMS. Des chiottes. Je suis malade comme un chien, ça s'arrête pas de couler. Oh là. Ah, dégueulasse. Vas-y, t'as pas mis une photo en plus? Non, bah, j'ai pas la photo. Je sais pas ce que j'ai. Bon, merci Cédric de nous donner des nouvelles. Et oui, il marche pas son portable dans les chiottes là-haut? Non. Non, pas, d'accord, très bien. Bah, apparemment, non, ça passe. Un peu, mais... Ça passe pas de notre building. J'ai réussi à trouver un SMS, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, alors, moi, quand j'avais 11 ans, je faisais 1m55. Ah oui, ça va te dégoûter, ça tient. Oh lolo. À 12 ans, je faisais 1m67. Bonne chance. Merci pour les messages. 1m85 à 15 ans, il faisait Bob. Bob, il a 19 ans aujourd'hui, il est dans la Marne. Tu dois être bien grand, toi, aujourd'hui, Bob. Tiens, Hip Hop, il faisait 1m63 à 15 ans. Il a 19 ans aujourd'hui dans le 44. 1m73. Bah, tiens, il a 15 ans, c'est Tim du 33. Moi, je fais 1m65. Sofiane, 15 ans. J'ai 15 ans, je mesure 1m82 pour Damien. À 15 ans, je faisais 1m70. Ah oui, ça te dégoûte tout ça. Ah, écoute. J'ai 15 ans et je fais 1m48. Message de Tos sur SMS. Ah. T'es content? Ouais. Petit Suédois du 75, 1m76 à 15 ans, 1m75 pour Matt 57, 1m63 et 12 ans, je faisais. Ah ouais, donc donc il était déjà plus grand que toi quand il faisait 12 ans. C'est l'inconnu sur le 41 Sky. Bon, alors tu vas peut-être pouvoir grandir d'un coup, Samy. Toi, en un été, t'as pris combien de centimètres? T'es parti en vacances d'été. Ouais, c'est clair. Revenu, à Tchernobyl. Non, mais franchement, sans déconner. Non, à Fukushima. En trois mois, j'ai dû prendre aller peut-être genre 12 centimètres. Ouais, je suis passé d'un des plus petits à une taille normale et à la fin de l'année, j'étais un des plus grands. Quoi. Trop bien ces endroits. Super. Vacances à Tchernobyl, bon, tu reviens, t'as un bras en plus. T'as grandi. Bon, ça y est, le si, mais tu grandis vachement. Ah ouais, grave. Ouais. Tout ce qui est petit est gentil, tout ce qui est grand est charmant. On dit fleur, dep, comme ça, tu mets tout le monde d'accord. Tout ce qui est petit. C'est bon, ça. C'est joli, hein, t'as vu. 16 ans, 1m60. Ouais, il y en a quand même qui sont pas beaucoup, beaucoup plus grands que toi. T'as vu, on a eu du 1m48, on a eu du 1m55 à 15 ans. Bon, alors, c'est clair que l'ex-soi du 13, lui, il fait directement 1m80 à 15 ans. Bon. Ah, ouais, lui, là, tu peux pas lutter. 16 ans pour Benji, il fait 1m70. Ouais, il fait 25 cm. Après quoi? Comment ils sont 25 cm de plus que toi. Si tes parents ils sont petits, tu risques. Non, son père il fait 1m85 et ta mère 1m60, elle fait, c'est ça? Ouais. Bah tu seras déjà au moins plus grand que ta mère, hein. Oui, tu vas pousser un peu. Bah oui, j'espère. Bah oui, parce que moi j'ai un ami il est pas très grand. Non, ça c'est clair. Ça t'a posé des problèmes dans ta vie, Romano, d'être petit ou t'es non, jamais, parce que déjà au bahut, bon, moi j'avais de la chance, il y avait plus petit que moi, quoi. Est-ce qu'il y a, toi t'es le plus petit du bahut, toi, Valentin? Bah ouais, mais t'es où? À part les filles. Même pas. Pardon. Les filles, elles sont plus petites quand même. Non, elles sont plus grandes. Ah, fait chier ça. Ah ouais, c'est chaud. Ah, moi, il y en avait quand même. Il y avait dans ma classe, par exemple, il y avait bien 3-4 personnes plus petites que moi, quoi. Bah, il faut le faire, mais on les voyait. Le prof, comment il faisait? Il prenait des jumelles pour les voir dans la classe? Non, mais ils étaient. Une loupe ou un microscope? Non, ils étaient d'un. Oui, alors nous allons faire venir au tableau, dans le microscope, le copain de Romano qui est plus petit que lui. Après, il le mettait sous le microscope et hop là, il était un vidéoprojecteur et hop, envoyé sur le tableau, quoi. Et voilà, voyez votre collègue, il est tout petit. Moi, ça m'a vraiment jamais posé de problème, quoi. À limite, le seul truc, même encore aujourd'hui, c'est dans les magasins quand c'est des trucs tout en haut, quoi. Des fois, ça, je galère pour attraper. Tu montes comme les petites vieilles. Ouais. Non, je monte Les petites vieilles, me dit excusez-moi, mademoiselle, vous pourriez m'attraper le premier? Non, je fous le pied sur l'étagère et je me hisse, quoi. Tu prends tous les étagères. Si vous voyez un jour un mec qui escalade les rayons, c'est Romano. Non, mais des fois, il y a des trucs, laisse tomber, c'est trop haut, ça touche quasiment le plafond. Mais bon, pas les avoir. Hein. D'être petit, ça t'a pas posé spécialement de problème à toi? Non, mais avec les meufs et tout, aucun souci, quoi. Bon. Et Romano? Romano, tu faisais combien à 15 ans? Je devais pas être bien grand, je me rappelle pas, mais. Tu devais faire 1m45, non, dans ces eaux-là? Ouais, je sais pas, putain, je m'en rappelais plus. Il y a 6 ans, mais parce que j'ai 21 ans. Mais j'en ai tellement vécu des choses dans la vie. Non, mais moi aussi, ce qui a réduit, mais ça, c'est pas déconné en plus. Je suis asthmatique. Et au niveau réduit le développement. Non mais ça te réduit le développement de la cage thoracique, donc tu grandis pas forcément beaucoup, quoi. Et le cerveau aussi. Eh oui, d'où ton corps d'enfant. Et voilà. Non mais ça vient de là, hein. Je vois par exemple le père de ma copine. En tout cas. Ah bah ouais, mais c'est peut-être ça, hein. Ah, t'es asthmatique toi aussi. Ouais. Non mais ça joue, hein, parce que je vois par exemple tous les asthmatiques, ils ont un torse chelou, quoi, chelou, on n'est pas difforme. Un torse qui est pas développé en fait. Ouais, voilà, ouais. Ouais. T'as un torse qui est tout petit. Oui. Tiens, moi aussi, je viens de Rouen, mais il est dans quel bahut, nous demande Emma. Tu vois, tu plais aux filles. Est-ce que t'es déjà sorti avec une fille? T'es jamais sorti avec une fille encore? Si, t'es déjà sorti avec une meuf. Si. Bon, tu vois, c'est pas empêché de sortir avec une meuf. Ouais, bon. Elle était de ta taille ou plus grande, plus petite? Un peu plus grande. Ouais, ça gêne pas. Hein. Ah, question importante de Minja sur SMS. Merci, Minja, qui nous dit sayonara. Très bien, Minja, ça va bien. Donc, sayonara, toi, ça veut dire quoi? Bonjour, bonsoir. Ouais, c'est ça, bonjour. Ouais, je crois bonjour, non? Sayonara, Minja. Et qui nous demande si t'as des poils. Est-ce que t'as les poils qui ont commencé à pousser? Non. Voilà, loin, t'as pas fait ta croissance. Bonne question, Minja, t'as bien vu ça, tiens. Ma mère m'a dit, tu vas commencer par muer et tout. T'as du jus de tiki ou pas? T'as pas une voix de fille, hein, là, de la voix, elle est. Ouais, t'as une voix normale pour toi. Justement, j'ai mué, mais. Quand tu te caresses le zizi, tu as du jus qui sort? Dégueulasse. C'est un gros sale, ce Romano, qui pose des questions toutes sales sur le zizi qui sort. Non, mais ça aussi, c'est un des signes de la puberté, hein, quand t'as du sperme. Oui, mais. Ça va sans doute pousser dans pas longtemps, hein. Tu vas grandir dans pas longtemps, a priori. Hein. Tu vois, t'as pas encore des poils. Dès que les poils vont pousser, tu vas voir, tout va pousser en même temps. Ouais. Logiquement, hein. Ouais. Ça, c'est ce qui est plutôt rassurant. Ça commence tu serais plein de poils de partout. T'aurais une grosse voix comme ça. Ah ouais, là. Là, on se dirait, tu vas garder ta taille. Mais, a priori, c'est pas le cas. Tout ce qui est petit est tout rabougri. Je parle pour Romano, message de l'inconnu qui nous laisse un très très beau proverbe sur SMS. Bah, c'était ton dernier message, je te l'annonce. Pourquoi tu dis ça, hein? Il va y avoir sanction représailles. Sanction représailles. Tiens, 14 ans et demi, je fais 1m81. Il y a des grands qui nous écoutent. Hein. 1m81, 14 ans et demi, mais tu vas faire 2 mètres comme Momo, toi, c'est dingue. Je mesure 1m65 et j'ai 15 ans. Tu vois, 1m65, c'est 20 cm de plus que toi. Donc c'est vrai que ça paraît beaucoup comme ça. Mais si t'as pas fait ta puberté, d'un coup, tu vas pousser juste. T'aimerais bien, ouais, mais je comprends que t'aimerais bien. Il y a Abdelmajid qui est au téléphone avec nous, qui pourrait réagir pour toi. Alors, on va prendre Abdelmajid, 21 ans, et je sais pas où il est, il va nous dire. Bonjour Abdelmajid. Ouais, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut. Donc t'es où Abdelmajid, toi, t'es dans quel coin? Bah moi je suis de Béziers. De Béziers. Voilà. À la base je suis de Saint-Etienne. Je savais que j'adore me faire baiser. J'en étais sûr, ta Béziers, blague. Pardon. J'ai vu ta gueule arriver, je me suis dit, ça y est, il va faire la blague. Vous n'aimez pas vous faire baiser, monsieur Gros Bédo? C'est malin. Non, baiser, ouais, me faire baiser, baiser, pas trop. J'adore me faire baiser. Bah écoute, c'est très bien, Marie. Ah ouais, putain, j'ai reconnu le petit accent de Saint-Etienne, Abdelmajid. Ah, Saint-Etienne. Donc, ouais, je suis de Béziers et je voulais réagir au problème de Valentin. Ouais. Et le truc, c'est que moi, quand j'avais son âge, j'étais petit aussi, comme lui au collège, et après, Tu faisais combien à 15 ans, tu te rappelles? À 15 ans, je n'étais pas plus d'1m55. Oh, tout petit, comme Romano qui fait 1m54. Et après, sur 2 ans, j'ai poussé d'un coup. Mais c'est venu comme ça, du jour au lendemain. Enfin, sur 2 ans, j'ai grandi, mais voilà. Sur 2 ans, comme ça, ping, ping. Du jour au lendemain, sur 2 ans, ouais. Mais genre, là, maintenant, tu fais combien? Là, je fais 1m87. Ah ouais, quand même. Ah ouais, putain, ouais. Une belle bête. T'as bien pris, ouais. Une belle bête, toi. Et t'as eu des problèmes aux genoux ou pas? Non, au dos, moi, par contre. Ah, c'était chiant. Ouais, en fait, t'as tout ce qui grandit qui peut te faire mal. En fait, toutes les articulations ou les os. Ah, ou en fait, les, c'est pas les articulations, c'est les ligaments. Parce que les ligaments, tes os, ils grandissent plus vite que le reste et du coup, ça tire sur les ligaments. Ah, mais puis le dos, tu peux avoir des scolioses, des trucs comme ça, là. Moi, j'ai une cirrhose. Non, mais c'est pas pareil. C'est génial la cirrhose. Non, mais la scoliose, c'est quoi? Je crois que c'est la colonne qui est pas droite. Non, c'est la colonne qui est pas droite. C'est cambré, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, t'es rentré comme ça. Faut avoir, des fois, ils te mettent un espèce de corset, là. Ouais, pour avoir le dos droit, en fait. Ma meuf, elle en a eu un, moi. Elle a eu un corset parce qu'elle a grandi trop vite. Non, mais je sais même pas. Parce qu'elle est grande, la meuf de Romano, elle est très grande, comme son grand ancien. Mais non, le chien. Tout le monde est grand dans la famille, sauf Romano. Le chien, elle est grand. On a été petit. Ouais, mais ma meuf, elle a eu, mais n'empêche qu'elle se tient bien à droite, hein. Et toi, et en combien de temps t'as grandi? C'est-à-dire que tu te posais les mêmes questions en fait que Valentin. Tu disais putain, je suis tout petit. Et ouais. Et d'un coup, t'as grandi comme ça. Et toi, deux ans, je suis arrivé au lycée. En année été, en fait, ça s'est passé beaucoup en année été. En année été, j'ai grandi pas mal. Mmh. Pourquoi tu rigoles, Romano, quand il parle? Non, mais c'est l'accent, il est marrant. Son accent, il est mignon là. Parce qu'il dit deux ans. À Saint-Chamond, tout le monde descend. Deux ans. Alors deux ans comme ça, ben. Ouais, voilà, franchement, deux ans, donc faut pas qu'il se passe de soucis. Si son père il est grand et que sa mère elle est pas petite non plus. Non, elle est pas petite, 1m60. Faut pas que tu te fasses de soucis, tu grandiras. Ouais, je pense. En plus, t'as les poils qui ont pas poussé. C'est la bonne question de Ninja qui nous a fait penser à ça. Si les poils ont pas poussé, ça veut dire que tu peux encore grandir grave. Ouais, pas se faire de soucis, hein. Donc voilà, Valentin, donc rassure-toi. Okay. Et pour ceux qui te traquent, bah peut-être qu'ils te traquent aujourd'hui. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, les gars, continuez à le traquer, mais peut-être que d'ici un ou deux mois. Et il y a The Tiger 08440. Salut Tiger 08440. Qui nous dit, c'est vrai qu'il y a ça, dans la courbe du carnet de santé, la moyenne à 15 ans, c'est large, mais tu es dedans. C'est entre 1m51 et 1m80. Ah non, il est pas dedans, il est à 45. Ah merde, Ah bah non, t'es pas dedans. Ah bah dommage. Quelle bonne nouvelle, rassurante donc. Ah, désolé. En tout cas, t'as une belle voix, nous dit Camille du 59. Tu vois, Camille qui a ton âge aussi. Eh, une bonne idée de Sofiane. Super, Sofiane. Sofiane, 14 ans. Tu n'as qu'à lui dire de mettre des talons. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? Voilà, super. Ou des échasses. C'est dur à dire, mais des échasses, c'est bien pratique. Des échasses. Bon, bah voilà, Valentin. Donc, t'inquiète pas. Si on a d'autres réactions, reste à l'écoute. Et puis, bonne taille pour me sucer la bite. Qui a mis ce message? Alias sur SMS. Je te dénonce. Merci, Alias. Et alors? Donc, si vous avez d'autres témoignages, n'hésitez pas. Ouais, Valentin. Ouais, je pourrais passer une dédicace. Vas-y, c'est gratuit, profites-en. Et donc, pour les messages, vous nous laissez. Grosse dédicace à Jessie, Fabien, Mathias, Quentin, Thomas, Léa, Wally, Jamie, Rémi, Emmanuel. Wally, je suis baba, caca. Voilà, très bien, merci Marie. Voilà. C'est malin, ça c'était très drôle ça. Bon, bah écoute, Valentin, tiens bon. À toute votre équipe, vous déchirez. Eh ben super Valentin, tu salues tout le monde. Dédicace. Salut tout le monde à Rouen, et puis Abdelmajid, bien sûr, vas-y, fais. Petite dédicace, je passe gros big up à Skyrock, j'écoute tous les matins, vous me faites trop rire sur vos délires. Eh ben merci à toi. Et je passe une dédicace à mon petit frère qui est en train de jouer dans Black Ops 2 et à tous mes collègues de Roche-la-Molière. Eh ben on salue tout Roche-la-Molière. Big up à Roche-la-Molière. Et tous ceux qui nous écoutent en jouant, je sais qu'il y en a plein le soir qui nous écoutent en jouant. Bonne partie, les gars, les filles. Et merci Abdel. Et on vous envoie votre jeu, votre maillot Abdelmajid. Et puis, merci. Big up l'équipe. Salut à toi, ciao. Changez salut, pas, salut. Ciao. Tous les soirs, la radio libre de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. La spéciale de l'été, l'occasion de retrouver les meilleurs moments de l'émission, les pires également. On a tout en stock. Tout pour vous. Restez bien dans le coin. Qu'est-ce qu'on va faire dans un instant là? Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On va retrouver Maroquiche, le galérien du jour aussi. Ah. On reparle gros cul. Ouais. Oui. ça arrive. Alors il y a qui aime. Il en faut pour tous les goûts, comme mais on dit. Oui. Hein. Du petit, du gros. Bah toi, t'es plutôt dans les petits, toi. Je parle pas du cul, hein, je parle de la taille. Ah bah ouais, moi je suis dans les petits. D'ailleurs, je rappelle à tous les nouveaux auditeurs de Skyrock, si vous ne le savez pas encore, que Romano mesure 1m53. Oh, ouais, mais moi j'ai pas un profil de vautour. J'ai fait perdre un centimètre cet été. Là. C'est vrai, c'est ça. C'est le soleil, j'ai fondu un peu. Ça me tasse. Allez, on est de retour tout de suite sur Skyrock, radio libre. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rapée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Salut, c'est Mister V. Cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des tailles, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam! Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas! Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène! Alors dis merci à Sam! Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa! Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport.

Radio Libre de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Et attention, le retour de Pamela dans un instant, elle arrive. Mais juste avant, il y a Mélinda, que vous avez surnommée Mélinda Minage sur SMS. Eh ouais. Mélinda Minage avant Pamela. Et les filles, vous êtes à l'honneur ce soir, c'est bien ça, hein? Oui, on est très contentes. C'est pas mal. Et puis on aura un problème, ah oui, un problème à gérer, problème assez difficile ce soir. Le problème du mois, Romano. Eh oui, le problème du mois sur les moches. Eh oui, ça peut arriver. Moche, mais pas de bol. Qui baisse bien. Ah bah écoutez, il faut quand même qu'elles essayent. Ouais, bah moi, il y a un truc, ouais. T'imagines? Ah, faut bien se rattraper quelque part quand même. Ah ouais, ouais. Bon, on s'occupe du problème du mois dans moins d'une demi-heure. On attaque ça. Et puis, tout de suite, avant Pamela. Ouais, Mélinda, parce qu'il y a eu plein de réactions sur Mélinda Minage. Mélinda Minage, c'est comme ça qu'on t'a surnommé sur SMS. Elle est là, Mélinda Minage. Oui. Mélinda Minage. Et change pas de fesses, hein. C'est le... Bon, si vous venez d'arriver, on était sur les fesses de Mélinda depuis tout à l'heure. Autrement dit, pour vous dire qu'on a passé un très très bon moment depuis le début de l'émission. Ouais. Et qu'il y a plein de gars, tu me parlais de tes fesses que tu trouvais trop grosses, mais qui trouvent ça super. Oh, regarde un message tellement mignon de Jean06. Je pense que Romano t'a choisi le message le plus romantique. J'adore les bouteilles d'Orangina. Tapez dans du gros, quoi. En effet, j'en ai vu des pires, ouais. Mais. Regarde, j'aime les grosses fesses, c'est trop beau des grosses fesses. Ah tiens, et un message d'Anonymous que je voulais te lire là. Anonymous, 14 ans, qui dit: je connais une meuf qui avait un gros cul et des seins énormes. Elle était grosse, elle a maigri très vite et maintenant c'est affreux. Tu vois, elle était mieux avant de maigrir que maintenant. Ouais, et puis toi, t'es pas grosse en soi. Oui, ça va. Hein. Bah non, c'est juste que. Oui, non, mais attends que t'as des fesses un peu fortes, on va dire. Mais attends que ta puberté se finisse là, parce que t'as 14 ans, tu vois, c'est pas fini le bordel. Ouais, ouais. Ouais, je pense aussi. Tu vois, tu vas avoir ton corps définitif. Peut-être que tu vas te maigrir du cul et grossir des seins, que tout ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer, ouais, peut-être. C'est bien possible. Mais ça va être encore pire. C'est possible aussi. Tu vas encore plus grossir. C'est possible aussi, là. Bon, on a des témoignages. On prendra Cérine dans un instant pour toi. Allez. Salut Cérine. Tu es une femme. Oui. Ouais, très bien. Du 94, Cérine. C'est une femme. Oui. Cérine, t'avais des petits conseils pour Mélinda. On parlait de tes fesses, Mélinda, tout à l'heure. Ouais. J'ai lu plein de messages de gars qui aimaient bien les grosses fesses. Bon, Mélinda, elle a des grosses fesses. Qu'est-ce que tu voulais lui conseiller, Cérine, toi? Ben, c'est ma part. Déjà, ça a été complexé. Ouais, ça te complexe un peu, Mélinda. Ah, bah oui. Apparemment, bah, oui. Un peu beaucoup. Ben, justement, je comprends pas. Voilà, bien dit ça. Parce que moi, personnellement, je suis très contente de ce que j'ai. Et t'as des grosses fesses, toi aussi? Oui, pour 14 ans. Par exemple, encore hier dans la rue, je me suis fait aborder. J'ai dit, j'ai 17 ans. Ils m'ont fait, ah bon? Je pensais que t'en avais plus. Ah ouais, t'as dit, j'ai 17 ans. À ton cul. Ah, parce que le fait. Ouais, toi, t'es déjà formé, toi, en fait. Ouais, voilà, enfin, ça va quand même. T'es déjà chargé, comme le dit Sylvie. Oh, c'est classement, c'est Cédric. C'est très sympa. Oh là, il y a du matos, quoi. Oh là, il y a de la bidoche. Non mais la raison c'est les Cérines et c'est pour toi tu résumes bien. Moi je les cache pas hein. Bah ouais, tu résumes bien tout ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Faut pas cacher, faut pas mettre de. Faut assumer, c'est clair. Pas mettre de pull par dessus, c'est un atout les fesses. Ah ouais. Elle fait que de se plaindre, elle devrait s'accepter comme elle est. Regarde, Elodie, 16 ans, qui nous laisse un message. Moi, ma meuf a un gros cul et c'est le pied. On peut jouer. Ah bah voilà, tu vois. C'est Air Jordan qui nous laisse un message. Mais tu mets du combien genre en pantalon? 50. Ah merde. Non. J'ai 38. 38, non mais tu te fous pas de la gueule du monde. Ça va, 38. Tu te fous pas de la gueule du monde. C'est tout petit, 38. Ouais, c'est normal. Choqués, hein. Bah tiens, on voit une photo, on va te dire si on est choqué, tiens. Je l'envoie sur quoi? T'as quoi comme portable? Non mais 38, c'est ce que je porte, j'ai pas de cul. Je peux l'envoyer sur l'appli si vous voulez. Ouais, bah voilà, si t'as l'appli Skyrock, tu l'envoies sur l'appli. Bah je vais l'envoyer. Tu nous l'envoies, ça arrive directement dans le. Non mais envoie carrément de profil, comme ça on voit tes seins et tes fesses, tu vois. Sous tous les angles là. Non mais comme ça on voit, parce que si t'envoies que ton cul, on va pas savoir. Donc on va mater ça. Et donc toi Cérine, ça t'a jamais complexé? Et quand ma mère toute la journée elle est là, bouge tes grosses fesses. Ah, en plus c'est ta mère qui te traque, toi, donc tu vois. Très bien, elle est sympa. T'as été éduqué à la dure. C'est bien les grosses fesses, plus de bourrage, pour plus de rembourrage, je cite le message de Théo Rider. Mais je lui demandais en fait, elle était de quelle origine? Moi? Marocaine. Oui. Marocaine, c'est les grosses fesses du Maroc. Ah bah c'est normal. Et toi Cérine, t'es de. Algérienne. Toi t'es Algérienne, toi t'as des grosses fesses de l'Algérie. Et Marie, Marie, t'as pas un gros cul, toi, hein? Non, moi, il est tout plat, moi. Toi, t'as des gros. Bah, tout plat, faut pas exagérer. Non, mais c'est vrai, il est tout plat. Bah, par rapport à tes seins, oui, mais c'est pas tout plat. Non, oui. C'est Momo qui a un gros cul dans l'équipe. Ah, putain, Momo, il a. Putain, il a des grosses fesses, mais. C'est énorme. La raie de Momo, elle fait la taille de Romano. Ah, elle a une raie de 1m54. Il arrive. Non, mais c'est vrai le cul mais... de Momo, ça non, mais tonneau, c'est un tonneau. En même temps, Momo, il est complètement proportionné. Moi, je trouve que c'est. Il a un corps. C'est vrai qu'il fait 2 mètres, donc. Mais il est vilain quand même. Non, mais je veux dire, il est épais partout. Il a pas un cul qui sort. Non, mais Marie, entre nous. Le cul qu'il a. Là, putain, il a plus. Mais j'ose pas imaginer sur le caleçon. Non, mais moi, je t'imagine sur les chiottes, moi. Moi, je t'imagine en train de chier. Tu mets des bordées en pantalon. Non, mais quand tu dois péter, gros, comment tu dois avoir. Non, parce qu'en pantalon, il doit mettre du 60. Non. Mais t'as un gros anus. Ah bah évidemment, si tout est proportionné. Non, pas du tout 60. T'imagines, ce trou du cul, ça doit être mon poids. C'est vrai, c'est ça, bah ouais. C'est du 42. Attends, mais en taille américaine. Non, mais tourne-toi, c'est 42. Tiens, Momo, c'est un carré. Là, je touche pas son cul. Je touche pas, gros. Je vais pas. 40-32, c'est Lévis, je sais pas à quoi ça correspond. 40, c'est taille américaine. En tout cas, Cyrine, je pense que t'as la bonne attitude pour ceux qui aiment pas leur pour ceux qui aiment pas leurs fesses. Eh ouais. Donc merci Cérine. Ouais. Bah oui, merci Cérine. Et Mélinda, ouais. On attend la photo et on va te dire dans un instant ce qu'on en pense. C'est envoyé ? Oui. Ah là pour l'instant j'ai. Moi j'ai je vois. Ah ça y est. T'as une glace IKEA ? Oui. Ouais, il a repéré la. T'as pas un gros cul. Bah si. Non, t'as des jambes qui vont bien avec ton cul, non? T'as pas un gros cul. Ah, mais c'est quoi cette histoire? T'as pas de gros cul. T'es cambré quand même. Hein. On voit. Mais la glace, elle est déformante, non? Non, ouais, c'est. Non, mais non, c'est Non, mais alors, envoie de dos à ce moment-là, parce que là, t'as pas de dos. Non, mais ben, on soit un gland, Marie, tiens. Ah, dégueulasse. Il y a fait que le PSG qui nous envoie sa bite. Bon, c'est mignon. Non, c'est pas mignon, mais c'est gentil. Merci. Tiens, Marie, c'est une bite pour toi. Bah, tiens, c'est pour toi. Ah, dégueulasse. Non, mais alors, ce qu'on a vu, la photo, ça va. Non, mais franchement, ça va complètement. Et enlève le flash, on voit rien. Non, mais ouais, t'es cambré, quand même. Et on voit de dos, en fait. Il y a une tache de sperme sur ton mur. De dos, bon, bouge pas, en tout cas, Mélinda. D'accord. Et puis, bon, t'inquiète pas, ça va. Et puis, ouais. Cérine, tu voulais faire une dédicace, hein, je crois, tu nous as dit, toi. Oui. Vas-y, fais péter. Ouais, alors, je veux dire déjà. Ouais, petit tatou. Ouais, la petite salope, t'inquiète, demain tu verras. Salut la petite salope, la petite fatou. Aussi, la carte d'âge, bac à sable, toutes mes sahab et ça. À qui d'autre aussi à ma sahab de toujours aussi, à mon grand, à ma petite, et à toutes les autres salopes qui me reconnaîtront. Eh bien écoute, merci Cérine, on salue toutes les... Tu es très bien entourée en tout cas, Cérine. Ouais, je suis très entourée, ça je sais. Eh bien on big up tout le monde, et puis on t'envoie ton jeu ou ton maillot, et puis quitte pas Mélina, on t'en prend dans un instant, tu restes avec nous, bouge pas. D'accord. Avant ça, on s'occupe de Pamela. Ah oui, Pamela, allez, c'est parti. Eh bien oui, un peu de place, toi. Pamela, le problème du mois qui arrive, et le galérien du jour, je vous ai parlé de Maroquiche, on l'a pas oublié, Maroquiche, ne bouge pas. Minute papillon. Oh, l'heure aux filles d'abord. Oui. Une voix sensuelle, ouais. Un physique de rêve. De rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Et attention, qui avons-nous choisi pour le deuxième collector de ce soir, les collecteurs de Pamela? Eh bien, on va rendre hommage à cette très belle région qui t'a donné naissance, Romano, la Bourgogne. Ah, très bien, avec Guil Bourguignon. Oui, avec Guil Bourguignon, le célèbre Bourguignon. Eh bien, un des coups de fil à Guil Bourguignon. On va voir. Vous allez voir dans quel état il est. Comment on fait la teuf en Bourgogne. Tout ça, c'est super. Ah, il est fort. Il y a de l'ambiance là-bas. Il y a de l'ambiance. C'est donc un des pervers qu'on a découvert sur Skyrock. Voici le collector de Guy le Bourguignon. Juste avant qu'on s'occupe du galérien du jour, du cul de Mélinda et du problème du mois. Tout ça avant minuit sur Skyrock. Allez, vas-y. Oui. Pamela, balance tout. Allô? Oui. Guy? Oui. Oui, c'est Pamela. Ah, ah, mais dis pas que t'es encore en bringue. Non. T'es où là? Ah, je suis des amis. Ah, je suis des amis, on peut se parler deux minutes là? Ouais. Ouais, dis donc. Tu peux te mettre à l'écart, qu'on soit tranquille, parce que j'entends les voix là, ça me perturbe. Ah, dis-moi. Wow. Ouais, dis donc, j'ai vu là, j'ai regardé sur internet. Il y a Patrick Sébastien là qui passe à Dijon. Oh, j'en sais rien, peut-être, je sais pas. Ah, bah, je voulais te proposer d'y aller. Ça me. Non. Ah, oh, bah, alors, t'aimes plus? Et on fait tourner les serviettes. Hey. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Oh, rien de spécial. Y'a que du vieux, là. Vous faisiez quoi chez les amis? Que du vieux. T'étais en train de picoler un peu, là? Un petit peu, ouais. Un petit peu, gentiment, quoi. Bah, ouais. Ah, tu bois quoi, du Bourgogne? Qu'un verre à la fois. On boit de tout, hein. Tout ce qui se boit. Oh, mon Dieu. Ah, c'est bon, des fois, un bon petit coup de rouge. Ah, bah oui, ça fait pas de mal, hein. Ah, tu bois un peu de gouttes? Hein? De la gnoule. Oh, un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, bon. C'est histoire de se nettoyer, ça, quoi. Ça rince un peu, c'est le rince goré, comme on dit, quoi. On est pas des bœufs. Ah, on est quand même pas des bœufs. Ah, moi, tu sais, je t'adore, Guy. Moi, tu m'as manqué, tu sais. D'accord. Ah bon? Ah bah oui, évidemment que tu m'as manqué, ouais. Je pense souvent à toi. Hein. Ah, là, tu pourrais pas te mettre dans un coin, là, que on se caresse. Hein? Tu pourrais pas te mettre dans un coin qu'on se caresse? Comment ça? Bah que tu te branles un peu, quoi. Ah. Comme la dernière fois, là, c'était sympa. Ah, toi, tu te caresses aussi? Ah bah ouais. T'es où, là? Là, je suis dans ma chambre, là, j'étais en train de... Ah, moi, j'ai regardé du sport. Ah, du sport. Bah, quand des amis, regardaient ça, je regarde. Ah, là, ouais. Mais là, ils sont partis, mes amis, là? Non, mais j'ai changé de... J'ai été dans ailleurs. Ah ouais, t'es pas... Non. Ouais. Ah, je peux me caresser, ça te dérange pas? Non, vas-y. Ah. C'est bien. Ah. T'as glissé ta main dans ta petite culotte? Ah ouais. Ouais. Et puis t'as laissé en l'air ou pas? Ah ouais. Enlever ton soutien-gorge? Là je suis en nuisette, donc je peux. Ah, t'es en nuisette? Ah. Je peux faire tomber un peu la nuisette si tu veux et me découvrir la poitrine. Ah bah oui. Ah ouais. Je malaxerai les seins. Ah ouais. En même temps, je te glisserai mes doigts dans ta petite chatte. Ah. Hein? Ça te dérange pas si je mets un peu Patrick Sébastien derrière? Oh non, monsieur. Vas-y. Vas-y, attends, je monte un peu le son. Ah. Ah. Ah, Guy. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. J'ai envie que tu fasses tourner ta quéquette, moi. Ah oui, c'est vrai. Ah bah je te la mettrai, oui. Ah. Et là je te la mettrai. Tu me la mettrais où? Oh, partout. Dans la bouche, dans ta chatte et puis dans ton petit œillet. Je te la mettrai dans les trois. Ah. Hein? Ah. Je t'enfilerai, tu verrais. Hein? Ça te fait du bien, non? Ah, j'adore. Ah. T'aimes bien qu'on te prenne partout comme ça? Ah ouais, j'adore qu'on me prenne partout, ouais. C'est net. Et on fait tourner la quéquette. Et puis après, on s'en fout. Puis après, je me retire et puis j'éjaculerai sur tes seins. Ah ouais, c'est bon. Je donnerai tout mon sperme sur tes seins comme ça. Hein? Ouais. C'est bon, hein? Ah ouais, ça serait bon. Hein? Ah, tu sais que tu me fais mouiller comme une dingue. Ah bon? J'ai les doigts trempés. Trempés, bah c'est bien, c'est bon. Tu veux que je les lèche? Ouais, ben lèche-les, c'est bon. Ah, attends, je vais changer de disque. Ouais. Je vais mettre le petit bonhomme en mousse. Ouais. Oh, j'adore. Eh bien, celle-là à toi, moi j'adore. Ah ouais, ça vient aussi, ouais. La la la la la la la. Oh, Guy. Alors, t'as encore tes doigts dans ta chatte, là? Ah bah... Hein? Encore en train de te caresser? Ah... Hein? Allez, Guy, lèche-moi les seins. Oh, je te boufferai les seins, oui. Ah. Je te lèche le bout des seins, je te les mordillerai. T'as le bout des seins tout dur, là. Hein? Oh, oui. T'as le bout des seins tout dur. Ah, dur. Ah, dur. Ah bah c'est bon que c'est comme ça. Ah ouais, c'est trop bon. Hein? Ah ouais. Ah, ils sont tellement durs que je pourrais te crever un œil. Ah ouais, je passe ma queue sur le bout de tes seins. Ah bah tiens. Avec mon gland, je mettrai mon gland sur le bout de tes seins. Hein? Avec tes sacrés 20 lieux. Ah. C'est bon? Ah, c'est bon, ouais. Ça reste bien? Ah ouais, toi tu sais parler aux femmes, toi. Ah bah tiens. Ah, toi, tu sais me faire vous mouiller, vin Dieu. Ah, bah c'est bon. Ah, vin Dieu, j'ai les doigts trempés, quoi. Ah, bah c'est bon, c'est ce qu'il faut. Ah, les seins, tellement ils sont durs que ça commence à me faire du mal. Ah bon. Ah. Tu bandes. Ouais. Ouais, il bande. Ouais, je bande. Ah, tu bandes. La queue est toute dure, toute... Oh. Toute raide, tu te la caresses un peu, là. Ouais. Ah, vas-y, mais tes amis risquent pas de rentrer. Non, j'étais dans une chambre derrière, plus loin. Ah, derrière. Mais en parlant de derrière, moi j'adore me faire titiller l'œillet, comme tu dis. T'aimes bien que tu reprennes par derrière. Ah, vain Dieu, toi tu lèches, toi. Ah ouais, puis je te mettrai ma queue et je te lécherai, puis une fois que c'est bien mouillé, je t'enfile ma queue. Mais dedans. Tu me lécherais comment? Le trou du cul avec ma langue, je te passerai ma langue sur le trou du cul. Ouais. Et puis je t'emmène ma queue après, une fois qu'elle est. Le petit trou du cul bien mouillé, je mets ma queue dedans après. Oh Clément, Dieu. Hein? Ah. Hein? Ils font rien qu'à nous. Ah. C'est bon, hein? Ah ouais. Tu mouilles bien? Ah ouais, Ah. Tu vas jouir, non? Ah. Hein? Tu vas jouir, non? Ouais? Ah, qui? Tu jouis, là? T'es en train de jouir? Ah, qui? Tu jouis bien, là? Ah, hein? Ouais. Mais ouais. Dis-moi encore des choses, Guy. Ah, tu sens ma queue? Tu sens ma queue? Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, c'est bon, hein? Ah, c'est bon, comme tu dis. Ah, c'est bon, c'est bon. T'as joui? J'ai joui. Oh. Ah, j'ai joui. Et toi? Ben, ouais, moi aussi. Pendant que t'es en train de jouer, j'ai joui. Ah, t'as joui. Ah, c'est bon de jouir. Mais comme j'avais des Kleenex dans ma poche, j'ai sorti des Kleenex et j'ai joui dedans. Ah, c'est mignon. En avoir partout, moi j'en avoir pas. Ah, bah ouais, non, mais c'est clair. Avec tes amis, la main à tes potes, avec tes amis, ça craint, quoi. Bah oui, je vais pas juste. Elle t'oubliera pas de te laver la main avant de les resserrer, hein. Ah oui, non, mais je vais aller me laver. Ah, bah bien sûr. On est pas des bœufs, hein. Ah, on est quand même pas des bœufs, hein. Ah ouais. Ah, t'es. Ça fait du bien. Hein. Oh. Ah, ça te fait du bien. Ah, là, ouais, ça fait du bien. C'est bien, ça. Ah, je vais remonter un peu le son. Ah, ça fait du bien. Bah, écoute, ouais, ce que je fais, c'est que je te rappelle semaine prochaine. Ouais, ben. Finis vous bien aussi. La soirée chez tes amis, là. Vous restez encore longtemps, là. Ah, bah, j'en sais rien, je sais pas. Ça, on commence à rester amis. Hein. Vous allez. Vous couchez pas ensemble, vous êtes pas des partouzeurs. Non, non. Oh non, non, ils sont pas ouverts, eux. Non, non, non. Non, non, non. Ouais. Bah, non. Picolez bien. Ouais, bah, on va continuer, ouais. Bon, et bah, tu vas. Tu vas me dormir, merci. Ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu voulais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, j'ai pris un apéro, là, je suis un petit peu pété, ça fait du bien. Ah bah, ça fait du bien de nous détendre un peu. Ah bah, ça, c'est clair, ça. Ouais. Ah bah, écoute, mon Guy, je te fais des gros bisous partout. Ok, bah, moi aussi. Et puis, à la semaine prochaine. D'accord, ça marche. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Et bah, voilà, le rendez-vous est pris, alors. C'est ça, c'est l'amour. Et voilà, c'est l'amour version bourguignonne. Ouais, et ouais. Oh, quelle soirée. Lui, il a du son qui déchire pour baiser. Ça, vraiment, c'est excitant, j'y avais jamais pensé, mais alors, vraiment, ça, c'est... C'est la vie de merde. Ça, c'est super. Incroyable. Bon, alors, pour la suite, eh bien, on va s'occuper de Maroquish. Alors, Maroquish, galérien de la soirée, vous allez voir. Maroquish qui est au téléphone avec nous et qu'on va prendre tout de suite. Maroquish, pour te présenter, t'as 15 ans, Maroquish. Ouais, toi, c'est ça. Oui, c'est ça. Voici donc le galérien du jour. Oui, c'est moi. Non, c'est pas moi. Et non, c'est pas toi. Alors, que t'est-il arrivé, Maroquish? Qu'est-ce qui t'arrive? Explique à tout le monde. Ah, voilà, en fait, le problème, c'est que moi, je suis dans un appartement, on est 5 déjà, j'étais avec ma mère et mes soeurs et tout. Et il y a la meuf à mon frère qui est venue s'installer. Enfin, à la base, c'était pas s'installer. Mais elle est venue en vacances ou elle est venue définitivement squatter? Non, bah en fait, je sais pas, parce que apparemment, elle m'a raconté qu'elle s'est fait virer de chez elle, sa daronne, elle aimait pas les arabes et tout. Ouais, sympa. J'ai pas compris. Sympa. Ouais, c'est hyper agréable. Elle doit être contente parce que vous êtes nombreux à la maison, elle doit se sentir bien dans un petit appart. Bref. Oui, alors il y a des arabes partout. Ouais. Et partout. Ah oui, on est envahi là. Oui, je vous le dis, je vous l'avais dit, elle l'avait dit, Marine. N'est-ce pas? Le truc, à la base, c'est que je vais dormir un week-end par semaine, un truc comme ça. Mm. Et après, là, maintenant, ça fait deux mois et demi qu'elle dort ici. Ah ouais, quand même. Maintenant, ma daronne, elle lui a fait les clés de la maison et tout. Mais le truc, elle aime pas les arabes, elle est con parce qu'elle sort quand même. Mais non, c'est sa mère, c'est sa mère qui la meuf parce qu'elle sortait avec un arabe. Ah, j'ai pas compris. Ah ouais, mais alors, je me disais dans quel truc. Putain, c'est la fille de Marine. En fait. Cédric sort de Difool. Ah ouais, on a compris là. J'avais cru que c'était la meuf de ton grand-frère qui aimait pas les arabes. Non, mais sinon, dans ce cas-là, elle est dégénérée. Bah ouais. Oui. Ah ouais, donc la mère, elle est. Elle a viré sa fille. Bon, elle est raciste, quoi. Voilà, et sa fille, là, ça fait deux mois qu'elle vit chez nous. Et genre, elle a pris ses habitudes comme si elle était chez elle. Ah. Ah, elle prend ses aises. Toi, tu l'aimes pas, toi, elle? Genre, elle se croit un peu chez sa mère, comme on dit. Parce que moi, je parle pas trop avec elle, parce que déjà, hier, j'étais en train de me doucher, elle rentrait dans la salle de bain, j'étais presque à poil. Aïe. Ah ouais, normal. Tu fais des avances. Ouais, mais tu l'excites. Non, mais surtout, elle pourrait frapper, elle est quand même chez toi, quoi. Ouais, c'est clair. Déjà, tu frappes. Mais en plus, quand j'étais chez les gens. J'étais dans la salle de bain et là, je voulais partir pour aller me changer, pour aller au lycée. Et elle, je vois, elle a mis son maquillage dans la salle de bain et tout. Oh, en fait, elle se croit chez elle, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Elle se croit chez sa mère. Genre, j'allais arriver en retard dans mon lycée et tout. Donc après, je suis partie me brosser dans ma cuisine et tout. C'était la merde, quoi. T'as dit que vous étiez 5 à la maison. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres, à part ton grand frère? Ton grand frère, tu me diras ce qu'il en pense aussi, parce que c'est intéressant de savoir. Ouais, bah, ma mère, en fait, elle essaie de le dire à mon grand frère, mais mon grand frère. Ah, ta mère, elle en parle. Ah, elle a capté ta mère, ouais. Ouais. Voilà. Et mes sœurs, ils sont même avec moi. Ouais, en plus, entre filles, en général, c'est. Ouais. Rivalité. Ouais. Faites-lui tout sa gueule. Ah, pour non, toute la mais famille. Non, parce qu'après, mon frère, il va pas se sentir bien. Moi, je kiffe mon frère, tu vois, donc ça, c'est pas. Et ton frère, il s'en est pas rendu compte qu'elle était un peu, qu'elle gênait un peu la famille? Bon, en fait, il dit que c'est de la merde. Il dit que c'est de la faute de ma mère, quand ma mère, elle l'a accepté un soir, et du coup, elle a pris son aise et tout, donc. Mais ça va, tu peux lui dire. C'est vrai que pour ton frère, c'est pas évident de foutre sa meuf dehors, ça, c'est. Non, bah pas dehors, mais tu peux lui dire, tu peux un peu. Non, mais moi, je sais que perso, ma meuf, elle dépasse les bornes avec mes parents, je me gênerais pas pour la foutre dehors. C'est clair, ah ouais, bah, putain. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un minimum. Avec le chien, tu mettrais le chien dehors. Non, mais je sais pas, quand t'as un minimum d'éducation, quand tu vas chez quelqu'un, si la meuf, elle est sans gêne, c'est que c'est pas la bonne personne. Ouais, tu commences pas à fouiller partout. La salle de bain pendant 2 heures alors qu'il y a non mais ouais derrière, tu vois hein. c'est abusé ouais. Demande à ton frère de faire un plan à 3, dit l'homme au bob. Ce que je comprends pas, c'est que des fois elle peut rentrer chez elle et tout, mais elle peut pas y rester. C'est ça que j'ai pas compris. Non mais ça après bon, elle a peut-être des soucis avec sa famille, avec sa daronne. Mais bon, tu pourrais lui dire au moins que le matin quand toi t'es pressé pour aller au bahut, que la meuf passe pas 2 heures dans la salle de bain à se maquiller. Ouais, tu vois, ma daronne elle a dit vas-y, je vais lui dire, parce que ma daronne, tu vois, elle s'en fout, elle lui parle normal. Non mais faut qu'elle lui dise, ouais, il faut quelqu'un de la famille lui dise. Dis parce qu'après ça va créer des tensions et tout, et moi je veux pas ça. Non, mais dans la logique, ça serait à ton frère de lui dire, c'est sa meuf quoi. T'as, c'est lui qui l'a ramené, il devrait lui dire ouais, c'est abusé ce que tu fais. Hein. Et toi, tu peux pas essayer d'en parler à ton frère, dire ouais, fais chier. Ouais. Ouais, mais après, s'il va me le parler, il va s'énerver contre moi, après c'est moi qui vais tout prendre. Ah, après, si toi tu en parles, ou alors vous en parlez tous, ou vous regroupez tous, tes sœurs, ta mère. Ouais, non, c'est pas comme ça. Nous, on parle, mais elle, je sais pas, elle veut pas changer, tu vois, ça m'énerve. Alors, faut lui faire comprendre gentiment. Et si elle comprend pas, là, tu passes à la deuxième étape, tu lui pourris la vie. Message de Titan sur SMS. Non, mais aussi, non, mais même, moi, je sais pas, moi, je lui dirais. Ouais, moi, je lui dirais, écoute, les 2 heures dans la salle de bain, c'est pas possible, on est 5 dans la maison. Donc, tu bouges ta race, quoi. Je sais qu'il faut travailler la gueule parce que t'es trop moche sans maquillage. Ouais, tu lui fais comprendre gentiment, quoi. Ouais, tu lui dis, ça va bien, tes 2 heures de maquillage, j'en peux plus. Ouais, un jour, j'allais l'insulter parce qu'elle regardait une série, là, les Stew, je sais pas quoi, tu vois. Ah, celle qui choisit la télé? Il y avait des trucs à poil, et nous, entre musulmans, tu vois, on regarde pas ça, en plus, il y avait des petites sœurs. Ah, tu m'avais dit ça, Karim, que dès qu'il y a quelqu'un qui s'embrasse... Ah ouais, ça zappe direct. Tu changes de chaîne. Et non, genre, nous, tu vois, elle avait pas zappé. Et après, je lui ai dit, ouais, dès qu'il y a des trucs comme ça, faut zapper. Après, j'avais fait un petit chip, tu vois, comme ça, d'énervement. Après, ouais, genre, qu'est-ce que tu veux, dit, ouais, petit con. Tu commences pas à chipper, moi, j'ai pas ton âge, moi, j'ai 19 ans, t'en as 15. Après, il y avait mon frère. Non, mais t'es chez moi, là. Je voulais pas l'embrouiller devant mon frère, j'ai fermé ma gueule, après, j'ai bougé. Ah, mais ton frère, il devrait comprendre qu'elle est quand même, toi, qu'elle respecte pas la famille, quoi. Parce que si vous avez pas envie de regarder la télé, ça, je peux te dire qu'elle y toucherait pas, quoi. Ah ouais, jamais. C'est sacré. La télé, comment c'est sacré? La télé, elle se met, regarde. Ah, bah, il y aura embrouille, hein. Moi, je dirais, vas-y, bouge du canapé. Mais sinon, t'appelles sa mère, tu dis. T'es cru chez toi, madame, connasse, elle traîne chez des Arabes. Hop, la merde. Bim. Vie chez des Arabes. C'est le corbeau. Elle traîne chez des Arabes. Hop, tu raccroches. Méthode radicale de Johnny95. Prends ses affaires, pose-les devant la porte d'entrée, fous-la dehors. Ça, c'est le message de Kader. Du frère, elle va te corriger. Elle a les clés de ma maison. Elle a les clés de la maison. Changer la serrure, ça, c'est mon idée, ça. En train de le faire. Moi, 80 euros, on a payé. Elle se croit. Putain. Elle. Moi, je la dégagerais de chez moi. Ah, mais tu attends moi avec ton frère. Ouais, mais cette meuf, elle a pas d'éducation. Hein. Faut y aller franchement, ouais, faut lui dire qu'elle est pas chez elle. C'est tous les messages que vous nous laissez là. Et elle participe un peu à la bouffe et tout pour aider ta mère. Bah, elle bouffe, ouais. Oh, c'est la meuf qui fait la vaisselle. Il y a 2-3 assiettes, elle le fait, mais sinon rien. Ouais, mais genre, elle donne pas d'argent, elle fait pas des courses. Non, mais demande à ton frère. Rien du tout. Ah ouais. Au moins que tu vois. Un jour, elle a acheté une baguette, tout ce que j'ai vu. Ah ouais, classe. Bah, putain, et puis une baguette pour 5, bon, ça fait pas cher. Tu vois, l'hébergement, tu vas pas t'étouffer. Ma mère, elle a voulu le rembourser. Ouais, en plus, ta mère, elle est gentille, donc. Ouais, puis la baguette, elle l'a mangée, elle, tout le temps. Dans la chambre. Parce qu'elle est super bien éduquée. Ah ouais. Dans la salle de bain. Si vous avez déjà eu quelqu'un, un intrus à la maison, là, dites-nous comment vous avez géré l'histoire. C'est le pire, c'est que des fois, ils font des câlins et tout dans ma chambre, et vas-y, ça rend fou, ça. Mais tu les entends? Non, parce que des fois, genre, je fais le mec un peu vicieux, genre, je marche tout doucement, après, je la porte d'un coup, tu vois, je la vois, elle est sur lui et tout. Ah bon, ça, c'est normal. Ouais, bon, ça, qu'ils ont envie de baiser. Ouais, mais dans ta chambre à toi? Ouais, dans ma chambre. Ah, dans ouais, ma chambre, normal, même dans le salon. Des fois, j'entends. Ouais, putain, le soir, je me couche, c'est l'oreiller, il colle et tout. Ah non. Eh, mais ta mère doit pas aimer ça. Je me demande de ce que c'est, quoi. Oh là là. Ah, la dernière fois, je suis normal, je vois des capotes et tout. Vas-y, ça m'a rendu fou. Bon, c'est vrai qu'elle est. Elle est normal, particulière, quoi. Ouais. C'est déglingue. Tiens, Karim, dans ta maison à toi, chez Hanna. Ah, moi, y'a pas de ça, moi. Tu ramènes pas de meuf, moi, direct. Y'a ton, je sais pas, ton frère qui ramène sa meuf. Jamais, impossible. Il ramène sa meuf et puis elle. Et je frotte dans sa chambre. Regarde, ah non, mais. Elle regarde XXL. Ah non, mais embrouille familiale. Normal, quoi. Embrouille familiale, je me bats avec lui, moi, c'est pas en couille direct, gros. Ouais, bon, on va peut-être pas faire ça, Maroki, t'es plus tranquille que toi. Toi, entre garçons, ça peut passer, toi. Par contre, un garçon et une fille, c'est plus chaud, tu vois, t'as pas les mêmes réflexes qu'avec. Mais vas-y, dis-lui, casse-toi de là. Moi, j'aurais dit ça, moi. Franchement, j'aurais été froid direct, hein. J'aurais dit, mais tu sais quoi, prends tes clics, gros, tant que c'est ta mère. Moi, c'est pas avoir mon rêve, sinon, je m'en fous, je lui dis, casse-toi. J'en ai rien à foutre, moi. Il a raison, j'en ai rien à foutre. Ben ouais, mais bon, dans ces cas-là, qui réfléchissent un petit peu, il la ramène, ça fout la merde. Donc à un moment donné, va te faire. Moi, je pensais qu'elle reste une semaine, deux semaines, là, elle reste deux mois. Ouais, mais là, elle fait squat. Mais tu sais, ah bientôt, elle a trouvé ça bien. Et bientôt, elle va te mettre dehors. Hein. Elle va dire, ouais. Bon, faudrait partir maintenant, là, vous nous dérangez. Ouais, vous êtes 5 en trop. Ça crée des embrouilles entre moi et ma daronne. Je lui dis, ouais, faut lui faire partir et tout. Ça fait 2-3 mois, là, on est trop dans la maison, c'est très bien, on se colle et tout. C'est pas bon, ça, vraiment. Après, elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pour ton frère. Bon, alors on vous attend. Je suis d'accord avec Titan. Qu'est-ce qu'il a dit, Titan? Gentil au début et après je pourris. Ah, c'est Mike qui nous envoie le message. Ça peut être une méthode, ouais. Tu t'en fous d'abord. Coup de la télé là, mais. Ah, la télé, ça sert vraiment, ça t'a choqué. Non, mais ça va, l'eau, tu rentres chez toi, l'eau, elle est sans gêne. Dans le canapé, limite, elle regarde les ch'tis. Elle est allongée. Elle est où? Ouais, bah. Je sais pas où. Ah, et puis moi, je commence à prendre la télécommande. La meuf, elle commence à me dire, ouais, genre, ouais, je suis chez moi. Je lui dis, non, mais t'es pas chez toi. Non, chez toi, bien compris. Là, il y a embrouille. Connasse. Ah ouais, non, mais. Oh, ça y est, les vénères. Coup de télécommande sur la gueule. Bon, vos réactions pour Maroquiche. Si vous avez vécu le même truc, faites-nous signe, dites-nous comment vous réagiriez. C'est parti, Maroquiche. Et c'est reparti pour les fesses. Vos fesses, les filles, elles sont à l'honneur ce soir dans la radio libre sur Skyrock. Les fesses de Melinda, Melinda qui nous a appelé parce qu'elle trouvait qu'elle avait un gros cul. Bah tiens, on va te le donner, Melinda, le verdict sur tes grosses fesses. Elles sont bien tes fesses, ça va? On fait juste un peu de sport. Oui, j'ai une photo de dos. Vas-y, envoie-nous toutes les photos que tu veux. On voit. Mais là, tout nous va. Hein. Tu sais pas, on a fait le tour de l'équipe. Romano, qui pourtant aime pas les. Aime bien tout ce qui est fin parce qu'il est tout petit. Autrement, il a l'impression d'être encore plus petit. Ouais, moi, je suis plus ce petit cul, ouais, oui. Mais bon. Petit non, cul, mais, petite jambe, petit sein, petit tout, Romano. Il aime bien. C'est vrai? Ouais, quoi, ouais, petit. Ça t'a pas empêché de sortir avec Mamouta XXL. Ouais, bah tu vois, moi j'ai essayé. Je sais que c'est pas mon truc. Non, quoi. Mais en même temps. Ouais, parce qu'après, il a l'air tout petit. Là, mais même, j'ai pas. Imaginez, par exemple, Romano qui sort avec, Nicki Minaj. Ouais, ça ferait bizarre. Ouais, non, ça le fait pas. Non, mais c'est ça, mais. Romano et Valérie Damido en couple, ça ferait bizarre aussi. Ouais, non, mais Valérie Damido. Tu serais tout petit. Non, mais elle est quand même plus large que Nicki Minaj, quand même. Oui, parce qu'elle est large partout, Valérie Damido. Mais ouais, Nicki Minaj, on parlait du cul, Nicki Minaj. Après, faut regarder des mecs qui aiment les filles non, fortes. Mais après, il y en a pour tous les goûts, hein. Je salue d'ailleurs Khalid qui nous laisse un message et qui lui aime quand il y a, comme il le dit si romantiquement, quand il y a de la viande. Tu vois, moi, j'ai déjà eu un mec qui était plus mec que moi. J'ai nous pas envoyé, aimé, hein. Et attends, elle va arriver, on est en train de mater là. Hop là. Boah, attends, ça va, c'est normal, non, mais tu penses que c'est un gros cul, parce que t'as plutôt ton cul de petite fille. Parce que le pantalon, il est abominable, par contre. Le pantalon, on dirait un rideau, oui. Ça, c'est affreux, hein. Le pantalon, oui, c'est un rideau. Et les filles, parfois, vous habillez avec des trucs, bon. Ah, c'est. Après, c'est vos goûts, hein. Ça, c'est monstrueux, hein. Mais non, mais sinon, le reste comme tu es, hein. Oh non mais c'est clair, attends ça va. Et c'est comme je sais pas, il y a des filles, vous avez peut-être vu dans votre entourage des filles et même des gars qui s'arrivent qui sont anorexiques. Mmh. Et en fait ils sont anorexiques parce que leur corps il a tellement changé, ils se trouvent gros alors que ils ont tout simplement un corps d'adulte qui se forme. Bah ouais c'est normal. Ils ont plus leur corps d'enfant et ça n'arrive pas à l'assumer. Ah ouais, bon, ouais. Ça là, non, mais ça va voir mon explication psychologique. Ah, ouais, elle était très bien, hein, ton explication psychologique. Je pense merci. Non, mais c'est vrai en plus, ça marche comme ça le machin. Ouais. Non, bon. Mais moi je comprends ça. Je comprends. Moi j'ai eu un mec qui était beaucoup plus mec que moi et j'ai jamais réussi à m'y mettre, quoi. D'ailleurs, je n'ai pas eu un, j'ai eu tous. Non, mais. Ils étaient tous plus maigres que moi. Mais t'es con, mais non. Voilà. Absolument pas. Mais, c'est, ouais. Bon, c'est vrai que tu te sens un petit peu pas bien quand tu fais l'amour et tout ça, quoi. Voilà. Et puis même, t'auras un gros cul, à tout le monde. Mais t'as pas de gros cul, en plus. On a trouvé plein de gars qui trouvaient que c'était super. Ah, t'as eu juste un pantalon pourri, là. Voilà. Le pantalon rideau, il est pas super. Donc, tu vois. Tu vois, t'as dit franchement, Melinda. Ouais. Bon, voilà. Prends-toi pas la tête et puis, suis le conseil de Cérine qu'on a eu tout à l'heure, là.

Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Tous les soirs, Difool Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Ah très bien Romano, t'as branché le sport élect, je vois que t'es prêt et t'es chaud pour le problème du mois. Ah, j'ai pas eu trop le choix. Hein. Ah ouais, bah. Alors très bien, les électrodes, la tu torture. Les as. Bon bah écoutez, on va y aller, on attaque le problème du mois, les réactions font maroquiche avec la meuf de son frère qui squatte à la maison et qui en fait se croit chez elle. Ouais, quoi. Elle se croit un peu chez sa mère. Oui, c'est ça, alors qu'elle est chez la mère de maroquiche. Oui, même. C'est ça, elle squatte quoi. Bon, il y a eu plein de réactions pour maroquiche, on va les prendre. Et donc on attaque tout de suite le problème du mois, attention. Allez. La manette est là. Ah, merci de me la donner. Je l'utilise avec délicatesse. Je monte légèrement le bouton. Ah, non, bah, toi, fais moins fort. Hein. Je l'ai monté tout doucement. Ouais, ouais, tout doucement, mais mollo quand même. Légèrement, avec délicatesse. Ah, voilà. Bon, après, je vous pose une question, je m'inquiète, j'ai une douleur. Non, mais c'est normal, c'est l'électricité. Non, mais tu sais, quand je monte le bouton, je t'électrocute. Regarde. Non, mais. Non, mais j'ai un truc, j'ai souvent mal, tu sais, sur le dessus de la main, là, vers. Des petites fissures que t'as. Des fissures. Une petite fissure sur l'os. Moi, j'ai ça, l'anus. Ah, d'accord, très bien. Oui, j'ai la même chose, parfois ça me brûle. Ah, ok. Ça me fait mal. D'accord, c'est... bah, c'est à peu près la douleur. Ça fait ça, ça fait une bosse dans mon trou du cul. Peut-être une déchirure. Voilà, merci Marie en tout cas d'avoir aidé Romano. Ah bah, ah, c'est réponse express. Ah ouais, génial. Romano, arrête de jouir. Il y en a que tu as réveillé aussi là. J'étais en train d'être tranquillement en train de m'endormir dans mes rêves en vous écoutant. Ah bah attends, c'était moi une. Et Romano m'a fait peur. Ah bah ouais, mais au moins t'es réveillé pour le problème du mois, tu le rattrapes pas mon pote. C'est vrai. Alors le problème du mois. Je t'ai réveillé pile à temps quoi. Il y a Squeeze Paul qu'on salue aussi qui vient d'arriver pour le problème du mois. Et c'est parti. C'est parti. Squeeze Paul qui vient d'accord. Spécialement pour le problème du mois. Il dit, j'ai vu votre message sur Facebook, mais je suis pas arrivé à temps, mais t'as rien loupé, c'est bon. Ah non, non, ça démarre juste maintenant, t'as juste raté le sommaire. Allez, c'est parti. Salut à toi, princesse du sexe, il écrit à Mystrique. Hein. Ah, lui aussi. Je me présente, je m'appelle Vincent, j'ai 20 ans et je suis de Créteil. En fait, actuellement, je suis à Risoul dans les Alpes. Je suis saisonnier là-bas. C'est la première fois que je fais la saison. Je bosse dans un restaurant. Jusqu'à maintenant, tout se passait bien. On s'entend bien avec les collègues, on se fait des soirées en boîte le soir. Et de temps en temps, il m'arrive de niquer des touristes. C'est bien pratique, il en arrive toutes les semaines des nouvelles. Ah, ça c'est vrai que là-dessus, évidemment, ouais. Quand t'es saisonnier, c'est un peu le bon c'est plan. Pas quoi. Faux. Par contre, dans le restaurant, j'ai une collègue qui est particulièrement laide. Par exemple, il lui manque des dents. Elle est blonde décolorée, avec des mèches noires qui ressortent. Ce n'est pas du tout mon style. Et puis son look, n'en parlons pas. Elle s'habille comme une vieille alors qu'elle a 20 ans comme moi. Elle n'arrête pas de me chauffer. Pendant le service, régulièrement, elle me met des petites mains au cul quand je viens chercher des choses vers la cuisine. Et également, elle me caresse parfois le sexe discrètement. Elle me dit, et elle rigole, elle me dit, alors c'est quand qu'on passe... Ah! À chaque fois, elle rigole. Elle me dit, alors c'est quand qu'on fait l'amour? Moi, en souriant. Moi, ça me met mal à l'aise. Et puis, le temps passant, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de la baiser? Je me suis dit, pourquoi ne pas vivre une nouvelle expérience? Finalement, un soir après le service, nous avons bu quelques verres et elle m'a demandé si je veux... Et elle m'a demandé si je... Ça y est, je l'ai déréglé. Ah, tu disais bien jusqu'à maintenant, c'était clair et tout, et là, il y a... Elle m'a demandé si je voulais... Ça y est, il peut plus. Ah, elle m'a demandé si je voulais venir prendre le dernier verre à la maison. J'ai accepté. On s'est retrouvés dans sa piole. Effectivement, on a bu un dernier verre. Et après, elle a essayé de m'embrasser. Et là, je ne sais pas s'il m'a pris. Je me suis laissé aller. Toute la nuit, nous avons fait l'amour. Elle m'a fait la totale. Oh là. Ah, elle m'a fait la totale. Elle m'a sucé comme on ne m'avait jamais sucé. Elle m'a branlé, on a fait un tas de positions, c'était la folie. Le problème, c'est qu'en me réveillant le lendemain à côté d'elle, je me suis dit, bon Dieu qu'elle est moche. C'est sympa. C'est vrai que je ne l'avais jamais vue sans maquillage. Ah et ouais, au réveil, oui, en général. Et que ça a caché quand même certains de ses défauts. Elle a la peau très granuleuse avec des boutons, en plus de ne pas avoir de dents. Quoi, il lui en reste quelques-unes quand même, j'imagine. Le problème, c'est que moi, vraiment, une meuf comme ça, je ne peux pas rester avec elle. Pourtant, au pieu, c'était le rêve. Dois-je continuer à la voir pour m'éclater et faire le salaud de base ou lui avouer qu'elle ne me plaît pas et que, et que c'est juste l'histoire d'un soir. Et en plus, le pire, c'est que j'ai peur qu'elle en parle aux collègues et je sais très bien que je vais me faire traquer si je leur en parle, car on n'arrêtait pas de se foutre de sa gueule au restaurant. Aidez-moi, car ça ne tourne plus rond dans ma tête, ni dans mon caleçon. À l'aide, à bientôt. Ça ne tourne plus rond dans mon caleçon. Voilà donc, pour le problème du mois. C'est le problème du mois de... Vincent. Vincent, en gros, qui a baisé une moche, il s'est rendu compte que la meuf, c'était un coup phénoménal au lit, quoi. Alors, tu veux quoi comme témoignage? Bah, par exemple, si les mecs, ou les meufs, d'ailleurs, vous êtes déjà sortis avec un mec, bon, il était pas top, et sexuellement, putain, c'était, mais. Délire. La folie sexuelle, ou alors, si vous êtes déjà tapé un moche. Oh, le pauvre. Dites-nous, et puis dites-nous ce que vous avez fait après, si vous êtes resté avec, et avec le temps, vous l'avez trouvé beau, parce que des fois, des gens, tu peux les trouver moches au premier abord. T'es amoureux, tu et puis, bon, regardez, on se moquait des dents tout à l'heure, mais les dents en moins, c'est peut-être pour les fellations de Dylan de Tour. Mais oui, ce que je disais. Ah, mais comme on dit, ouais, elle raye pas le casque. Mais exactement, bon, vous aviez raison. C'est chaud quand même, une meuf qui a pas beaucoup de dents. Bah ouais, mais bon, c'est, au moins c'est pratique pour ça. Ah ouais, c'est pratique pour ça, mais faut pas qu'elle sourie trop, quoi. Romano est dyslexique, vous croyez? Non, au début c'était super bien. Putain, quand t'as même. T'as bien lu au début, oui. Oui, vrai. Bon, après il y a un moment donné où ça a merdé, quoi. Quand j'ai eu un coup de cloqueté de neck. Trop fort. Quand il y a eu un coup de sport électrophore. Ah, voilà, c'est ça. Tu fais la traduction. Merci. Eh ben, dites-nous. Non, c'est pas ta radio qui est en panne. Non, pas de souci. J'ai un problème. Marie-Lou. Non. Ah, bah, les premiers messages arrivent. Lou gris, faut la baiser comme il faut. Comme le dirait Patrick. Ouais. Vous le savez. Bon, bah, en tout cas, dites-nous. Ouais, moi, j'aurais fait le contraire, moi. Non, mais Marie, t'es déjà fait niquer par un moche. Mais non, mais vous l'avez trouvé moche, mais moi, je le trouvais beau. Il y a deux des moches, même plus, même. Oui. Non, mais il y a bien des mecs, tu t'es tapé, tu te rendu compte que bon, c'était pas des panels, quoi. Non, juste après avoir couché avec eux, tu t'es dit, hop, j'aurais pas dû. Ah non, ça non. Non, jamais. Non. Romano aussi. Moi, je travaille mon truc avant, moi. Bah ouais, bon, Mamouta. Mamouta, c'est vrai, ouais. Bah à la base, moi, quand je l'ai vu, nous, on avait fait une rencontre par téléphone, donc j'avais pas vu sa tronche. Ouais, oui. Et là, tu t'es lancé quand même, comme lui, un peu, t'as vécu la même chose, en fait. Non, mais moi, pareil, parce que j'ai hésité, tu vois, je lui avais donné rendez-vous à un point dans Paris, quoi. Et en fait, quand je suis arrivé. Tu sais, il y avait quelqu'un qui attendait et moi j'étais à mobylette, quoi, en scooter. Mmh. Et en fait, quand je l'ai vu, je fais ah putain non, c'est pas vrai que c'est elle, quoi. Donc là, j'ai refait un tour du pâté de maison, je suis repassé devant, je fais putain si c'est elle. j'ai refait un tour et je me dis ah non putain, je peux pas y aller, quoi. Et là, au quatrième tour, je me suis dit ouais bah vas-y, je vais y aller, je vais la baiser. Mais pourquoi t'y aller? Parce que t'avais trop envie de baiser ou ouais, mais je sais pas. À un moment donné, j'ai eu un déclic dans ma tête, j'ai eu une pulsion, je me suis dit ouais, faut que je la baise. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est. T'étais guidé par ta bite, quoi. Non, mais c'est vrai, là, sur le coup, parce qu'au début, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, putain, y a pas moyen, quoi. Tu sais, j'étais en scooter, j'ai même hésité à me barrer, tu sais, à me dire, ouais, vas-y, la meuf, je la laisse en galère, adieu, Berthe. Ça s'appelait Berthe. C'est pas Mamouta. Adieu Mamouta. Ah. Et à un moment donné, tu sais, plus je me disais, ah non, je peux pas y aller. Et à un moment donné, bim, déclic, j'ai dit, ouais, une pulsion, quoi. Genre, limite, j'ai une demi-molle, j'ai dit, ouais, faut que je la nique. Et après, j'ai été la voir. Bon, mis à part ça, elle était sympa. Hein. Non, mais après, elle était sympa, elle était pas moche. Hein. Moi, j'ai vu. Oui, bon, on va dire que la meuf était pas réellement à mon goût, quoi. Oui, c'était pas ton en temps normal, on va dire que c'est pas une meuf que j'aurais draguée, par exemple. Il y a Benny, là, qui nous dit, moi aussi, je suis sorti avec un mec moche, mais c'était trop un bon coup. Ah bah voilà. Non, mais à côté de ça, Mamouta, ça va. Hein, Bah, Benny, elle aimait bien, elle aussi, son mec moche. En même temps, quand t'es après, pas... moche, qu'est-ce que ça veut dire, moche? Oui, voilà, de toute façon, oui, c'est moche pour certains et puis beau pour les autres. Hein. Tiens, mais il y a des gens qui sont pas moches, quoi. Vraiment moches, quoi. Ouais, non, mais j'étais en train d'essayer de trouver un mec connu ou une star à la télé. Non, mais le truc, c'est quand tu sais que t'es pas très beau, tu compenses, justement, tu fais bien l'amour et tout ça, tu compenses. Romain, il dit les moches, elles baissent toujours mieux quand ça pourrait être la dernière fois. Ouais, c'est sympa, ça. Un truc de salaud. Tiens, regarde, je me suis déjà tapé une LED, mais c'était le pied au lit. Et je suis sorti 2 mois avec. Message de Xalist pour, ah bah le, pour ton problème du mois. Voilà. Et les mecs moches sont sympas, nous dit Nana 93. Non, mais elle est beau aussi, hein. Oui. Oui, et puis t'as des cons partout en même temps. Hein. J'ai baisé une moche, c'était trop cool. Il faut qu'il l'encule. Ah bah tiens, Patrick vient d'envoyer un message. Encule-la comme il faut. Ah, c'est ça. Ouais. Bon. Eh bah, le problème du mec là. Envoyez Vincent, vos numéros, là. Ouais. Oui, Marie. C'est que s'il la rebaise, l'autre elle va tomber à moitié amoureuse et puis là tout le monde va être au courant. Enfin bon, ça va être l'enfer. Oui, surtout qu'avec la tête qu'elle a, elle doit pas trouver des mecs à tous les coins de rue. Ouais, ouais. Moi je pense que tu vois, il va arrêter direct quoi. Comme ça. Non, mais le problème c'est que là, même là, tu sais, la meuf, si elle veut faire la salope, elle peut dire à tout le monde, ouais, il m'a baisé quoi. Tiens, au début je trouvais mon mec moche, mais je sortis avec lui parce qu'il était sympa et on est 2 ans ensemble depuis. Et vous êtes depuis 2 ans ensemble. Bah écoute, c'est bien ça, Sabrina. Non, puis quand t'es amoureux, ouais, de toute cool. façon. Donc en fait, tu l'as trouvé moche au début, t'es tombée amoureuse, maintenant tu le trouves beau et vous êtes ensemble depuis 2 ans. Ah bah c'est magnifique. Et oui, quelle belle histoire comme de la Saint-Valentin. Ah, tiens, les hommes de moche, les Bogdanov, ils sont vraiment chum. Oui, ils sont très moches. Ah ouais, ouais. Il y en a un qui a une nana qui est plutôt jolie d'ailleurs. Ouais, mais moi je l'ai vu vers chez moi. Elle aime les mentons. Et non, mais la meuf, mais le mec, je l'ai vu, putain, je te jure, j'ai bloqué dans la rue. Pour de vrai, t'as vu Igor ou Grishka? Bah, je sais pas, putain, moi, j'ai mais pas. Mais non, il y en a un qui a un menton plus long. Bon, en tout cas, bon, moi, j'ai vu celui qui a une meuf qui est une blonde. Il pose dans les magazines, c'est une princesse de je sais pas quoi d'ailleurs. Oui, c'est ça, qui est plutôt pas mal. Et, mais, non, mais l'extraterrestre. Ah, bah, moi, je sais pas, moi, je vais pas parler, mais je les ai vus dans la rue. Mais le mec, déjà, ils sont grands, ces cons. Ouais, ils sont grands. Ah, ouais, et le mec, je le vois, et putain, je passe à côté, mais. T'as mec, vu, on dirait qu'ils sont pas humains. Non, mais il fait flipper, hein, le mec. Pire qu'à la télé, non? Non, mais les lèvres, c'est bizarre, mais ils sont gonflés des pommettes et. Bah, les pommettes, pas, il a, on dirait des extraterrestres. Il a le visage qui s'élargit, quoi, avec les pommettes. Ah, ils font, je sais pas, ils font des opérations, c'est pas possible. Ah, bah oui, bah oui. Non, Marie, c'est totalement normal. Ils ont 3 mois. Non, parce qu'eux disent qu'ils ont des gènes d'extraterrestres. Bien sûr. Enfin, ils se sont fait opérer. Et bah, la meuf, c'est vrai que la meuf, bon, c'est pas non plus un top modèle, mais. Par rapport à eux. Ah, bah ouais, c'est même étonnant qu'il y ait les mecs qui se trouvent une meuf, quoi, tu vois. Karim, tu voulais réagir sur les Bogdanov? C'est la famille, gros. C'est la mif. C'est le frère caché. Big up. Non, mais t'as pas les pommettes. T'as le menton, mais t'as pas les pommettes. J'ai pas le menton, gros. Mais non, mais t'es beau gosse. Casse-toi. Je les ai déjà vus. J'en ai déjà vu un, gros. Ah, toi aussi? Ouais, et alors, il t'a dit, salut mon frère. J'étais avec toi, gros. On était en voiture. On l'a vu passer dans sa smart. J'ai vu à Bogdanov, moi. Bah ouais, gros, avec toi et Marie. Mais j'étais là aussi. Bah ouais, j'étais en train de me dire, mais oui. Mais non, mais ce qui est ouf. On l'a vu passer. Mais oui, on l'a vu passer. Grosse tête. Mais oui. Non, mais le menton. Tu sais, il y a le menton et t'as l'impression qu'ils en ont remis un deuxième par-dessus. Qu'ils ont rajouté un bout de chair. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Ah, il a fait des plis, ouais, bizarre. Ah, c'est étonnant. Ah, ouais, non, c'est. Ah, bah, c'est étrange, oui. Voilà, bah. Voilà un exemple, là, tu vois. Voilà, là, on en a un bon. Alors, ouais, les Bogdanov, ouais. C'est clair, ils ont des gènes d'extraterrestres. Ouais, quoi, c'est ce qu'ils disent à la télé. Ils sont perchés, surtout, Bon, bah, on s'occupe du problème du monde, on aura la lecture de la réponse de Mystrick. Et bon, tous les témoignages, j'ai laissé vos numéros. Bon, là, a priori, il y en a un paquet qui ont baisé des moches. Dans les deux sens, en plus, des filles, des mecs. Ouais, c'est marrant. Et c'est marrant les messages de filles qui sont tombées amoureuses après. Je me suis déjà fait un mec qui n'était pas moche, même mignon, mais il me dégoûtait. Et pourtant au lit c'était génial. Mais je n'ai pas pu continuer. Il me répugnait trop, même si c'était l'extase. Ah bah voilà, bah. C'est difficile. Vincent du problème du mois, il est un peu dans le même cas. Bon, elle est moche, mais elle baisse bien quoi. Ouais, le tien il était pas moche, mais tu le trouvais pas bien. Donc où est-ce qu'on disait les goûts? Oui, s'il te plaît pas. Non, faudrait qu'il la refile à une collègue. On nous dit sur SMS. Ah, un collègue, pardon. Un collègue? Ouais. Quoi, mais bon, si tous les collègues se foutent de sa gueule. A priori, bon, c'est pas Miss Monde, hein, la meuf. Il n'y a pas non plus trop de demandes pour la baiser, quoi. Bon, tous les goûts, non. Bah, on sait jamais, tu sais, un mec bourré en fin de soirée. Bon. Voilà. Bah, la preuve, là. Hein, Ouais. Refile-la dans les pattes d'un pote, là. Il y a Slimane qui nous laisse un message. Ouais, c'est pas con. Ça va faire plaisir au pote. C'est un sacré cadeau que tu vas lui faire, quoi. Ouais. Eh oui, il faut penser au cadeau. Il va pas être déçu du voyage. C'est vrai. Bon, alors, on va retrouver Maroquiche, là. Alors, il y a plein de réactions, plein pour Maroquiche, galérien du soir, on peut le dire. Maroquiche avec la, c'est pas ta faute en plus, la copine de ton grand frère qui squatte à la maison et qui se croit chez elle, en fait. Ouais, elle se croit chez sa mère, ouais. Ouais, c'est ça. C'est une grosse sans gêne. Ouais, tranquille, la meuf. Alors, c'est ce que nous salope, dit. Salope, comme tu dis, ouais. Ben, il a qu'à la tuer, cette salope. Non, pas jusque là. DDS, mets les poings sur les i tout de suite. Une bonne gifle et ça passe pour B2O qui vient d'arriver. Pas de violence. Faut y aller, franchement. Pour... Bifle, ouais, mais là, faut lui faire. Bah, parce qu'après, derrière ton frère, il va te corriger, ouais. Oui, et puis surtout, t'as pas envie de gâcher les rapports que t'as avec ton frère. Juste ça, moi qui me dérange. Oui, t'as raison. Il faut y aller, franchement. Vas-y, porte tes couilles, va lui dire. Elle a un grain, la gonzesse, pour Louis. Fais un mot anonyme. Ah, un mot au nom de la famille, mais tu signes pas. C'est Estelle qui nous envoie un message. C'est une bitch pour faire des 44. Trucs qui la font chier, tu vois. Faire des trucs qu'elle aime pas. Ah ouais. Tous les trucs qu'elle aime pas, tu les fais, en fait. Je sais pas, ta mère, qu'est-ce qu'elle aime pas bouffer, par exemple? Ta mère, faudrait qu'elle prépare juste des trucs qu'elle aime pas manger. Ouais, voilà, ouais. Ouais, mais dès qu'elle aime pas, elle mange pas. Madame, elle lui fait un autre plat. Bah justement, faut non, que ta mère arrête pas l'autre plat, ouais, plat. C'est même plat pour tout le monde et puis c'est tout. Non mais t'imagines l'autre comment elle est sans gêne? Ah ouais, mais t'es fou toi. Non, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Vas-y, fais-moi l'autre plat, la vieille. Non, en plus non, mais c'est pas avec ma daronne, par contre là, j'ai pas rigolé. Ah bah oui, oui, il y a des limites quand même. Mais déjà, elle a déjà passé les limites, hein, d'après ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Non, mais c'est une mal élevée. Elle est trop à l'aise. Faut qu'elle redescende sur terre, cette connasse, nous dit Fatima. Là. Cette connasse. Nique sa mère, message de KSV. Explique des foules, je viens d'arriver. Bah, c'est tout simple, c'est Romano Caris qui vient d'arriver, un fidèle. Dis donc, t'arrives bien tard, Romano Caris. Ah, qu'est-ce que c'est que ce travail? La meuf de son grand frère, à Marrakech, squatte à la maison et bon, elle casse la tête en gros. Ouais, c'est ça, bah, elle est mal élevée, elle se croit chez elle, elle squatte la salle de bain 2h le matin. Et là, il y a Julien, tiens. Elle squatte la télé, t'arrives, elle te dit, ouais, je suis plus grande que toi, tu me mal respect. Je suis plus grande que toi, tu me. Rien que ça, moi, ça me rendrait fou, moi. Ah ouais. Bon, hé, Julien est avec nous pour réagir parce que lui, il a vécu ça. Julien de Toulouse, salut Juju. Salut l'équipe. Salut à toi. Salut, Julien. Juju. C'est gentil. Salut. D'appeler pour Marrakech. Salut Juju. Ouais, t'inquiète, tout ce coin. Ah, qu'est-ce qui se passe à la maison, Marrakech? Ah, c'est l'autre qui. Est-ce que c'est l'autre qui fout le bordel? Ah non, ça c'est la maman, ça. Je crois que c'est la daronne. Ah ouais, ta mère est à bout de nerfs avec cette meuf, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle dit, Karim? Ah, Karim met son casque. Alors, petite traduction sur la prise de tête. Alors. Il est en train de se faire dresser, je crois. Ouais, il y a la daronne qui vient d'arriver derrière. Mais c'est normal, elle est à bout de nerfs, la daronne. Ah, elle parle plus, t'as pas compris, Karim? Non. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère, Marrakech? Elle ne peut plus parler, je crois. Allô. Ouais. Bon, Marrakech, tu es là? Ouais. Ouais, je suis là. T'es obligé de raccrocher ou pas? Non, parce que vas-y, parce que même demain, je commence à 6h30. Bon, alors, Julien, ouais. Dis-nous vite, Julien, on va faire vite pour Marrakech. Ah, vous me tuez, là. En fait, voilà, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais avec ma meuf depuis peu, là. Elle avait un appart sur Toulouse, donc en centre-ville. Et elle a eu un problème avec son frigo. Du coup, moi, j'ai négocié serré, mais vraiment serré, avec mes parents pour qu'elle vienne à la maison. Ouais. Donc, du coup, ils ont accepté. Je venais juste d'avoir le permis, donc j'ai récupéré un camion pour la déménager. Genre, j'avais tout son appart. J'avais un bordel pas possible chez moi. Et c'était grand, et c'est grand chez toi, parce que chez Marocchi, je suis tout petit. Ouais, non, en fait, moi, j'habite dans la campagne de Toulouse. C'est genre, il doit y avoir 400 mètres carrés sur deux étages. Ah ouais, donc t'as la place, allez. Ah ouais, ça va, ouais. Ouais, c'est pareil. C'est ouais, voilà. Non, mais après, il y avait de la place. C'était pas trop le souci. En fait, c'est juste, voilà, c'était la meuf, elle a toujours vécu toute seule, donc elle s'est crue toute seule, quoi. C'était genre, elle avait ses règles, elle piquait serviette à Madarone. Madarone, elle s'en rendait compte, et voilà, genre, un repas à table, genre, elle se servait dans le frigo. C'était toujours dans son sens, c'était toujours dans sa pour elle. Et un jour mes parents ils m'ont attrapé, ça me fait délirer les gens comme ça, parce qu'il faut quand même être sans gêne pour piquer les serviettes de ta daronne quand même. Mais il y en a. Cédric, il est un peu comme ça, hein. Mais non, mais pas. T'es un peu sans gêne. Non, mais moi, t'étais déjà venu chez moi, le mec, j'aurais pas été là, l'autre, il commençait à ouvrir les placards, moi, je l'ai calmé direct. Non, hein. C'est pas vrai, ça. Si, le mec, il commence à ouvrir les portes. J'ai faim. Ouais, tu sais, mais ça va, tranquille. T'es fou, toi, jamais j'ai fouillé dans tes placards. T'as pas des merguez, je veux des merguez. Ouais, bouffe, c'est du voisin. Non, je suis un pote, parce que quand je suis à l'aise, tu sais, je peux me faire à manger, tu vois, genre, je vais dans la cuisine, je me fais des pâtes. Ouais, tu demandes. Non, mais t'as eu une meuf qui était sans gêne. Ah, ma meuf, elle l'avait redressée direct. Un jour, le Belge, il vient, là, avec la meuf, là, du Brésil, là. L'autre, elle vient. Ah, Barrio. Elle vient à la maison. La meuf, elle dit à ma meuf, vas-y, tu veux pas me faire une viande? Ouais, bah, la F1. Ah, non, mais ouais. Bah, attends. Ah, mais t'avais pas entendu. Ma meuf, elle fait un autre. Romano, tu sais pas recevoir. Tu reçois la meuf du Belge, Barrio, il te demande une viande. Ma meuf, elle lui a dit direct, non, mais si, c'est pas un restaurant, non, y a pas de viande. Je crois qu'elle a mal compris, c'est chelou, ça. Ah ben non, mais lui a dit en français, tu sais, ma meuf n'est pas débile non plus. Elle arrive encore, je te jure, mais tu devais être plus loin, mais je te jure qu'elle a dit ça. En gros, elle est pas comme ça. Ah bah écoute, Jean-Lai, c'est lâché un peu. Ah ouais, t'avais fait, j'ai envie de manger une viande. Bah ouais, c'est bien. Elle voulait manger au restaurant, elle voulait peut-être pas bouffer chez toi. T'es plus avec Mario, c'est fini? Non, c'est fini. Non. Fini, mais quelle belle histoire d'amour. Ouais, dommage. Bon, au final, ça s'est fait. Comment ça s'est passé, toi, Julien? Après au final mes parents ils m'ont parlé, tu sais, genre réunion de famille, genre réunion de crise. Carrément. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit bon c'est très simple, ta copine on l'aime pas, genre il faut qu'elle dégage. Ça mérite d'être clair. Voilà, c'est clair, ouais. Voilà. Ah bah c'est clair. Mais mes parents ils sont comme ça, des voilà, c'est pareil. Mes parents ils font un petit tabac complet et elle s'amusait à fumer des clopes à la fenêtre de ma chambre, tu vois. Et bien sûr, ma daronne, le matin, quand elle se lève et qu'elle ouvre la porte, quand elle est plus là, genre, elle la clope. Quand t'es plus fumeur, tu sais. C'est moi qui ramasse. Ouais, elle fumait du shit, non? Non, elle fumait pas, non, ça j'aime pas ça. Voilà, et donc du coup, pour raconter la fin de l'histoire, moi je lui ai expliqué un peu ce que j'en pensais. Du coup, ça s'est calmé, en fait je me suis fait piger comme un con. C'est-à-dire que à cette meuf, je lui ai trouvé un appartement avec ma sœur qui est en train de m'écouter, là, je lui fais un petit bisou. On lui a trouvé un boulot, on lui a trouvé une école. Elle t'a et genre une fois Une fois que, non, mais même pas, encore mieux. Une fois que, en fait, je l'ai redéménagé chez elle, du coup, encore une fois, genre, je me suis tapé la, la machine à laver, portée tout seul comme un grand sur trois étages, tu vois, en elle, fait, elle ce me que t'avais transféré chez toi, tu l'as retransféré chez elle, dans son appart, voilà. Que tu lui avais trouvé. Avec... Voilà. Oh là là. Putain, voilà. T'étais gentil. Genre, hein. Et genre, ça va comme mec. J'avais son taf à 20 minutes de chez moi, et genre, tous les matins, vu que, ben, je travaillais pas à l'époque, tous les matins, genre, je l'amenais au taf, le soir, je la ramenais chez moi, genre, voilà, je faisais taxi. Non, mais l'autre, elle est maline. Une fois que... Ah non, mais non, mais elle était très, très, très intelligente. Ah non, non, mais pas, mais non, mais c'est moi qui ai été trop con, en fait. Ouais, bah, l'amour rend con, des fois. C'est surtout ça. Et oui, ouais, c'est ça. Et oui, l'amour. Voilà. Rend con. Et t'es resté, ouais. T'es resté combien de temps avec elle? Et du coup, comment elle t'a dégagé? 9 mois. Elle t'a dégagé après? Bah ouais, bah en fait, le truc, c'est qu'on faisait des soirées avec mes collègues parce que je faisais du basket. Tu vois, ouais. Je fais 2 mètres depuis que j'ai 7 piges. Donc voilà, j'ai toujours fait du basket. Mmh. Et le truc, c'est qu'il y avait un mec toujours au taquet proche d'elle. Elle me disait, mais non, t'inquiète pas, y a-t-il. Et jusqu'au jour où, bah, en fait, une fois qu'elle a été installée, elle m'a largué. Et maintenant, ça fait un an et demi que je suis ensemble. Et limite, elle t'a peut-être même fait cocu pendant que tu lui payais son appart. Ah non, mais c'est sûr, mais en fait, j'ai eu les codes, en fait, j'ai réussi à pirater le compte du mec, et j'ai vu des conversations genre, tu me plais trop, machin, je te veux, après il y a eu une petite pause. Non mais après, c'est abusé. Ah ouais. Il y a eu genre, comment dire, pourquoi tu m'as choisi, parce que t'es mignon et tout, et lui il a dit, parce que moi je t'ai choisi parce que t'es nymphomane. Ah ça c'est sûr que niveau cul ça allait, mais elle envoyait du large, mon dieu. Ah ouais, elle avait le feu au cul, la coquine. C'est dégradant, quoi. Ah, oui. C'est pour ça que t'es tombé amoureux, c'est parce que niveau cul elle envoyait bien, enfin le... Ah ouais, mais ça, ouais. Si. Elle avait une cheminée qui tirait bien, quoi. C'est ça, voilà. C'est charmant. Bon. Cheminée qui tirait bien. Donc faut pas se laisser marcher sur les pieds. En gros. Non mais voilà, il faut pas. Voilà, c'est pour un petit conseil à Marokich. Ouais. Voilà, c'est simplement, soit il prend son frère entre quatre yeux et il en discute, soit il lui met la misère à la gonzesse. Ben, t'es, j'ai envoyé un message, d'ailleurs c'est moi Titan, il écrit, ah, il oui, faut Titan. Qu'il lui mette la misère. Voilà, donc gentiment au début, Titan, tu disais, c'est ça, tu disais gentiment au début, voilà. Puis après on passe aux choses sérieuses. Voilà, gentil au début, après si ça rentre pas... Ouais, ben, faut y aller plus fermement, ouais. Non, mais essaie d'en discuter en tête-à-tête avec ton frère, il va te comprendre ton frère, non? Ouais, j'espère. Ouais. Et puis après, c'est plutôt à lui de gérer cette histoire aussi, quand même. Ouais, aussi, ouais. C'est, bah, ouais, parce que c'est quand même sa meuf qui casse les couilles à tout le monde. C'est lui qui a ramené le boulet. Hein. Ouais. Le boulet. Ah, c'est un boulet. C'est clair, non, je suis d'accord. Gérer maintenant, parce d'accord. Que sinon, ça va être la guerre à la maison. Ouais, c'est déjà bien parti, a priori. Hein. Bon, ben, Julien. Oui, ma soeur, elle aimait bien la meuf, mais à un moment donné, elle a pété un câble aussi. Ah bah attends, l'hôtel a profité. Non mais y'a de quoi, oui. Romano te piquerait tes tampons, tu réagirais mal aussi. Ah ça c'est clair. Ouais, je fais une crise de nerfs. Ah non mais tampons, c'est terrible d'être sans gêne à ce point. Et t'as retrouvé une meuf mieux depuis, Julien? Franchement ça fait 2 ans et je trouve rien du tout, enfin, je trouve rien. Mais elle t'a traumatisé l'autre. J'ai mis un bon moment à m'en reprendre. Bah c'est ça, ouais. Et voilà, maintenant j'ai 20 ans, j'ai mon taf, tu vois, je suis commercial, donc voilà, j'ai vraiment envie de me poser un truc sérieux, quoi. Mais dans l'année, là, t'es mis à bout un truc sur le bout de la bite quand même. Un truc. Ah, mais quand même. Ah, ouais, quand même. Sinon, j'aurais eu la fille de Bah oui. Ah ouais, ça gonfle. Et là, c'est gros. Et oui, charmant. Et oui. Bon, bah écoute, Julien, merci à toi. Et puis, si vous êtes du côté de Toulouse, il y a un gars sympa à Toulouse, il a une grande maison, et puis il est généreux en plus. Ouais, bien sûr, vas-y. T'as retrouvé avec des lichetonneuses. Ça va l'aider, ça. Un nouveau délire. Lichetonneuse de Toulouse, 41759, skyrock.fm. Tiens, je suis là. Tiens, on a Choups du 45, je suis là s'il veut. Et bah voilà. Elle est pas à Toulouse. Mais envoyez le numéro à antenne. Et bah envoyez, on transmettra alors. Bah t'as déjà Choups du 45. Tu voulais faire une petite dédicace? Bah, je fais une petite dédicace à ma sœur qui m'écoute, à Sorine, collègue du basket, à tous les commerciaux de chez Wurt, et à vous l'équipe déjà, parce que ça fait au moins un peu moins de 10 ans que je vous écoute tous les jours, genre je me lève le matin à 6h, j'allume la radio, on vous déchire et tout. Et Romano, t'es le meilleur. Ah, merci. Ça fait plaisir, tu fais plaisir. Moi, Cédric, mais tu fais plaisir quand même. Ouais, c'est pas grave. Merci, Julien. Salut, ah oui, je suis ton idole. Salut Julien. Et, et Maroki, je prends les choses en main. Bon, bon courage à toi. Et puis bah, bon réveil. Y a moyen de gratter un petit t-shirt là? Ouais, on va t'envoyer un t-shirt. Ouais. Ok, pareil, je t'ai pas dit Julien, mais pareil pour toi, on t'envoie un t-shirt à la maison là. Tiens, Leïla, je suis là et je suis de Toulouse. Laisse ton numéro, Leïla, t'as oublié de laisser ton numéro. Je suis de Toulouse. Voilà, je suis nouvelle à Toulouse pour Kamstagada qui, elle, a laissé son numéro. Je suis là où il veut, quand il veut. Wow! Ben vas-y, faites tourner les numéros après. Non, je pose la question, est-ce que vous êtes là les filles? Et vous êtes là. Ouais, direct. Bon, c'est parti, on fait tourner. C'est un bon souvenir. Allez. trop bon, trop con, parfois, fais attention. Hein. Ouais. Et t'emballes la cruche de l'eau, qu'à la fin elle se casse, faut faire attention aussi. Ouais. Ça, Pierre qui roule la basse des mousses. Ouais, non, non. Serre-moi une mousse. Serre-moi une mousse, voilà, c'est ça. Oui. Ah, ça Pierre, avant de rouler, serre-moi une mousse. Bon, problème du mois et témoignage maintenant pour le problème du mois. Ouh là là, mais témoignage en masse qui arrive là. Ah bah ouais, vous avez eu un paquet de SMS et de machin, d'appli là, de messages quoi. Les messages provenant des applications. Ah, des messages provenant des applications. Des smartphones. Oh putain. Comment, putain, je me suis oublié le mot, comment on dit des messages. Des messages, c'est ça le mot. Des messages, non, des applis, c'est pas des SMS, mon pote. Ah non, ouais, non, des applis. T'es complètement largue, techniquement parlant. Tu l'expliques gros, je comprends plus rien. Eh bien, Hamid, je sais pas comment il nous a joint, mais Hamid est avec nous en direct du 95. Salut Hamid. Salut, ça va bien? Ça va bien, Hamid? Salut, Hamid! Ouais, tranquille, et toi, tu foules? Salut, l'équipe, ça va? Ça va, ouais, ça va. Pleine forme. Romano, ça va? Ça va, tranquille, en plein temps. J'ai du mal à m'exprimer, mais tout va bien. Ouais, t'inquiète. Alors, toi aussi, t'as niqué une moche? Ouais, laisse tomber. Bienvenue au club. T'as niqué une moche. Bah, ouais, non, mais. Non, mais ça tu peux être amoureux et puis. Ouais, mais non, laisse tomber. Là, je pense pas qu'elle soit plus moche que la mienne. Toi, c'était pas possible que tu tombes amoureux, d'accord. Ah, moi, j'ai eu du niveau, quand même, hein. Ouais, t'es tombé amoureux de moche. Bah... Tête de tortue. Non, mais j'étais pas amoureux, tu rigoles. Bah si, tu l'as amené au bord d'une rivière. Non, mais ça, c'était pour... Je voulais la serrer. Parce que t'étais amoureux. Non, mais non, j'étais pas amoureux, je voulais la niquer, quoi. Ah, c'est parti du plan, c'est quoi, c'était une rivière, c'était une évacuation d'égouts à l'air libre. Non, c'est bah, pareil. C'est vraiment sympa. Il y avait de l'eau qui coulait, mais elle était marron. Mais bon. Non, mais non, c'était pas et trop crade. Tu sais, il y avait une bouche d'égout et à un moment donné, ils avaient fait une rivière, un truc très, très moche d'ailleurs. Comme ça, il y avait des, très bon, il y avait des arbres et on s'était allongé, là, je me suis mis avec une dalle en béton et j'ai commencé à la ploter, là, et là, c'était ton long, là, cornichon. Ah ouais, ça m'a. Le rêve, au bord d'une bouche d'égout. Non, mais en plus, elle me dit, elle me fait, ouais, viens, on va chez moi. Je fais, ah non. Non. Bah alors, attends, comment ça s'est passé, Hamid? Bah, j'étais en boîte, j'utilisais tout ça. Ah, c'est ça, c'est souvent le problème. Ouais, l'alcool, laisse tomber. Avec l'alcool, des fois, t'as la vue, elle merde au bout d'un moment. Ah, ben là, la merde est grave, j'étais aveugle. Ah ouais, puis avec les jeux de lumière, tout ça, t'es ébloui. Ah ouais, laisse tomber, dans le noir, tout ça, tu vois rien du tout. Plus avec l'effet de l'alcool, j'étais dans un état pas possible. La meuf, je l'ai prise avec moi, je l'ai traînée à l'hôtel, je l'ai niqué comme un bâtard. Le lendemain, je me suis réveillé, je l'ai vu, j'ai halluciné. Et tu t'es dit, c'est pas possible, ouais, parce que là, t'avais des saoulés. Ah ouais, je me suis réveillé. Mais tes potes, ils t'ont pas... Étage. Puis même, il faisait jour, je voyais plus clair. Et tes potes, ils t'ont pas retenu? Non, mais dans ce cas-là, tu ne jamais retenir un pote. Si tu veux te marrer le lendemain, faut jamais le retenir. Au contraire, tu lui dis, vas-y, ouais, vas-y, elle est trop bonne. Fonce. Non, mais là, laisse tomber, mes potes, ils sont bien marrés, ils m'ont vu partir avec et tout. Le lendemain, laisse tomber, ils m'ont chambré. Eh oui, forcément. Et non, mais ça, c'est vrai qu'en boîte, c'est trompeur, même sans alcool, hein, parce qu'avec les jeux de lumière, moi, une fois, j'ai rencontré une meuf. Tu sais, elle paraissait trop mignonne et tout. Bah, en fait, elle s'est retrouvée dans l'entrée, quoi. Et là, il y avait plus de lumière. Et putain, la meuf, son visage, c'était un champ de bataille, quoi. non, mais tu sais que je l'ai esquivé, je fais. Tiens, bon. J'arrive. Non, mais bon, moi, je me suis dit, vas-y, tiens, on va se retrouver dans le hall, après, je vais l'emmener chez moi, quoi. Et ben non. Et ben finalement. Tu as dit, bonne non, j'ai dit, ouais, vas-y, on se recontacte. On s'appelle. Oh. C'est mal. Ah ouais, c'est et toi, tu lui as dit quoi quand tu t'es réveillé et que tu l'as vu? T'as fait. Ben, je l'ai vu, je lui ai dit, mais t'es qui, toi? Tu fais quoi, t'es là, avec qui moi? Ah ouais, t'es là. Ça doit être agréable pour vous, les meufs. Oh, hein. La pauvre. Coucher avec un mec le lendemain matin, mais t'es qui, toi? Ah, oh, c'est l'horreur. C'est jamais arrivé, Marie. Ah ouais, mais j'ai halluciné quand je l'ai vu. Bah oui, mais bon. J'étais limite au point d'aller porter plainte. Ouais, genre. Non, mais limite, toi, tu te souvenais même plus de son prénom, quoi. Un truc? Bah non, même pas. Un machine. Bah si tu lui ai demandé c'était qui, oui. Comment tu t'appelles, madame? Madame. Tu sors d'où? Et Coquette, non, elle nous dit la même chose. L'alcool, c'est trop traître. Depuis, je pourrais plus. Tu vois, il lui est arrivé la même chose à Coca. Elle a 18 ans dans la 92. Salut, Coca. Eh ben, Coca. L'alcool. Ah ouais, ça, faut faire. L'alcool, c'est mal. Ouais. Ouais. Ouais. C'est un mal pour un bien. Oui. Ouais. Bon. Ah, alors. Tu vois, Yo-Yo, lui, Yo-Yo 97. Moi, j'ai couché avec une moche volontairement parce qu'elle avait un beau cul. Bah voilà. Ah bah voilà. Au moment où t'as trouvé un truc de beau sur elle. Non, mais c'est vrai, quelque part. Ce qu'on disait, c'est relatif, hein, la beauté. Bien dit, ça, la Marie. Bah non, oui, mais bon, tout à l'heure, on a pris un exemple, tu vois, les Bogdanov, c'est pas relatif. Ils sont peut-être très beaux, regarde, là, ils ont trouvé. Intérieurement. Une... une meuf. Ah, bah, de toute façon, extérieurement, c'est non. Mais oui, intérieurement, peut-être. Non, mais il n'y a pas que ça, quoi. Non, mais après, oui, ils sont peut-être sympas et tout. Ils doivent être un peu perchés, mais. Non, pas du tout. Je crois que c'est non, pas du tout, c'est des extraterrestres. Ah, ouais, tu sais, c'est que. Le mec, je pense que tu parles avec lui, t'hallucines un peu, quoi. Bon, autre question pour Amine. Oh bah non, bah là je crois qu'Amine nous a fait un très beau résumé de cette belle soirée. De cette belle soirée. Non mais t'as été sympa quand même avec elle, tu l'as pas jeté de la chambre. Bah déjà attends, il a payé l'hôtel. Bah c'est moi qui suis parti de la chambre. Ah, c'est vrai. Vas-y, je te laisse. J'ai évacué. Je te laisse la chambre, profite. Ah ouais, mais non, mais j'ai flippé. Bon, merci du témoignage, Amine, en tout cas. Ouais, bah, salut à tous. Bon, bah, salut à toi. Et puis, merci à tous ceux qui ont laissé des messages, qui continuent de laisser des messages, sur donc le sujet du soir, le sujet de Vincent. L'alcool et de les moches à trouver des mecs, nous dit Cédric du 33. Ça peut, oui. Mmh. Oui, ou l'inverse, hein. Ouais. Alors, donc, collègue moche, elle lui fait des avances, qu'est-ce qu'il doit faire? Réponse du problème. Bah, là, mais c'est même plus des avances, hein. Il l'a baisé, hein. Ça y est, là, il maintenant, il se demande s'il doit continuer à rester avec moi, elle ou. Il faut qu'il arrête. Direct. Bon, bah on va voir ce qu'elle va répondre. Bah, ouais, c'est mystique. Alors bon, c'est attention, mystique. Elle est amochée autant que les gens elle qui lui écrivent. Perchée. Donc, pas sûr que la réponse nous aide beaucoup, mais bon, en tout cas, je vais vous la lire. Ou essayer, peut-être. Ah, vous c'est oui, c'est ça. Essayer. Romano, est-ce que lundi, tu vas revenir un peu nouveau, frais, bon, beau gosse, évidemment, tout bronzé. Ah ouais, bah là, je serais. Le même crâne luisant. Bah, et rose. Et rose. Non, bah non, non, depuis quelques années, je fais plus gaffe maintenant. Ah. Je mets un chapeau. Oui. Oh. On verra lundi. Soyez lundi. Je mets un bob. Je suis pas sûr. Magnifique avec le bob. Ah, mais non, mais ah ouais. C'est donc un crâne peut-être tout blanc, et puis juste en dessous, il y aura un coup de soleil au-dessus, sur le nez, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je vais revenir comme j'étais, je pense. Plus bronzé, mais mieux parlant, peut-être pas. Oh. Oula! T'aurais dû prendre des cours pendant les cours. Ouais, j'aurais dû, mais tu vois, je l'ai pas fait. C'est bien dommage. Erreur. Donc, bon, bah écoute, justement, passons à ce problème du mois. Écoutez bien, le problème du mois de. Ah oui, alors le magnifique même, je dirais même. Problème du mois de Vincent et Karim. Tu te prépares pour ton Karim Comedy Club. Ouais. Le Karim Comedy Club qui arrive avant la fin de cette soirée. Allez, problème du mois de Vincent maintenant. Ah, ça marche. Alors, la réponse donc. Mon cher Vincent, mais pourquoi un garçon qui couche avec une fille qui n'a pas le physique de Rihanna, par exemple, se pose-t-il des questions existentielles? Sachez, messieurs, que la population féminine n'a pas autant d'état d'âme quand un cajot se retrouve dans son lit. On ne couche pas toujours avec des bombes sexuelles. Ah! On ne couche pas toujours avec des bombes sexuelles. Et les one-shots, coup d'un soir, sont faits pour ça. Oh bah, quitte à baiser un soir, autant essayer d'en trouver une potable, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, oui, de toute façon, bon, c'est un bon service, hein, ça dépanne. Ça vidange. Oh. Mon petit Vincent, tu en as bien profité. Mais si tu veux continuer à prendre ton pied. Oui. Mon petit Vincent, tu en as bien profité. Mais si tu veux continuer à prendre ton pied avec cette jeune fille délurée. Voilà. J'ai du mal à visualiser la scène dont tu parles et surtout son physique. Ne la laisse pas espérer quoi que ce soit. Dis-lui peut-être simplement que toi tu as envie de continuer, mais comme ça, sans penser au lendemain, juste profiter du moment présent. Et peut-être d'ailleurs qu'elle n'en a rien à faire de ta petite face d'ange. Ah. Et peut-être que pour elle aussi, tu n'es simplement que le coup d'un soir. À bientôt et bon courage. Merci Mystrick. Ah! Bon, de toute façon, lui, quelque part, ce qui est bien avec Vincent, là, vu que le mec est saisonnier, à un moment donné. Elle va se barrer. Il va et lui avoir, aussi. Ouais. Voilà. Bon, voilà pour le problème du mois de ce jeudi. Eh ben, merci à tous ceux qui ont témoigné, à tous les messages. Jeudi prochain. Ça fait plaisir. Et en direct, jeudi prochain, le retour en direct du problème du mois. Ouais. Qui sera toujours là. Ben. Version, peut-être, on va dire, rentrée 2016, new look. Ouais. Peut-être. Donc ça veut dire Romano, faut qu'il trouve un new look pour le premier du mois de la semaine prochaine. Tiens là, je suis en plein looking. Ma chérie, je relook. Lundi, retour en direct de la Radio Libre. Attention, le Karim Comedy Club tout de suite, ouais. Il arrive. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock, première radio urbaine mondiale. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino.

From Home, le son des Fifth Harmony, Ty Dolla Sign pour démarrer l'émission ensemble. C'est presque avec vous, contente de vous retrouver cette nuit. De minuit à 3h, on est ensemble avec du bon son, c'est Rap R&B Non Stop. Vous profitez toujours des vacances, vous êtes peut-être au boulot en train de nous écouter, bon courage à vous. Il y a DJ Snake pour la suite, gros son avec Justin Bieber, c'est Let Me Love You. Et puis en souvenir juste derrière, il y aura Lil Wayne et Bruno Mars pour Mirror sur Skyrock. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. By your side, but I'm with you when you're all alone.